soirée tout le monde, depuis 18h sur Fun Radio, on a découvert ensemble le nouveau classement de l'Eurodance 25, le classement des 25 titres qui cartonnent le plus en Europe. Et une nouvelle fois ce soir, Martin Garrix est numéro 1 avec le son de Animals sur Fun Radio. L'intégralité du classement évidemment sur funradio.fr. Et quasiment 20h, j'attends que Mickaël connecte son studio en face et ça va le faire dans ah un instant. Ah bah oui, c'est fait, j'ai oublié. Enfin ouais, parce que nous devons nous connecter de studio en studio. Faut savoir que Miko est dans un studio, Toff dans un autre, Polo dans un autre. Ouais. On a trop la blinde sur Fun. Ouais, voilà, on a chacun notre studio. Voilà, exactement, chacun notre studio de 50 mètres carrés. Ah bah avec piscine et jacuzzi. Et, oh putain, évidemment. Kiff. Jérôme, si tu nous entends, ce serait bien d'investir dans une piscine et un jacuzzi. Ce serait, on pourrait faire de meilleures audiences. On va y réfléchir. Voilà, ce serait une bonne chose. Bon bah Miko, rencard dimanche prochain. Rencard dimanche prochain. Parfait. Dans ton studio tout rose. Oui, pourquoi oui. Pourquoi tu l'as mis en mode tout rose mauve comme ça là? Je trouvais ça sympa. Un peu, ah ouais, ouais. Ce qui est tout seul, c'est bizarre. Un peu ambiance de la nuit quoi. Bon bah très bien. Allez, bon week-end, enfin bonne fin de week-end et bonne semaine. Salut. Salut, ciao. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me casser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Yes, 20h tout pile, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon bah ça fait plaisir de vous retrouver la presse long week-end. Enfin long week-end, c'est un week-end normal dans l'absolu hein, mais bon c'est un long dans le sens où il a duré deux jours quoi. J'espère que vous avez bien profité de votre 1er novembre hein. Ah oui. Enfin je dis que pour nous ça a été un week-end normal hein. Pour vous c'était un long hein. Enfin voire même deux semaines normales c'est hein. Ça. Deux semaines tranquilles, pépère en vacances quoi, à la cool. Et donc voilà, 1er novembre hein, ça s'est bien passé. Tu t'es bien amusé. C'est parfait, j'ai été mettre des gerbes de fleurs et tout, c'était beau. Qu'as-tu fait, jeune merde? J'ai pas rien, il s'est mis en citrouille au parc Astérix. Ah voilà, c'est prévu. J'ai couru en citrouille derrière Karima et je lui faisais voilà, peur. Voilà, c'est ça, il a essayé de lui faire peur. En même temps, elle était à Londres, Karima. Bon, on est avec vous, donc, comme tous les dimanches, parce que c'est une mytho, elle a passé tout le week-end qu'elle était à Londres, donc demain, on va la scandaliser, tu vas voir. On a la preuve vivante que Toff est un gros mytho. Et aussi, oui. On a tué deux mythos d'un coup, là. Paf! Un coup de fusil. Oh putain, c'est bon, là. Les deux d'un coup, là. Paf! Attention, t'es prêt? Poule! Poule! Pas mal! Poule! Ah, c'est bon! Voilà, moi je l'achève d'un coup là! Voilà, comme ça on est tranquille, Ouais, il est pas mort le salopard! Non, il est pas mort, il tient le coup, hein, cette merde! Bon, on est avec vous comme tous les dimanches, là, moi c'est Mickaël, on va passer la soirée ensemble de 20h à minuit comme chaque dimanche, le 23h, 2h, ça c'est la semaine, du lundi au jeudi, et si vous voulez passer l'antenne avec nous, eh ben, il suffit simplement de nous appeler. Prenez le contrôle, hein, prenez votre téléphone, 01 42 48 5000, ou pour la Belgique, le 02 851 4x0, vous nous rejoindrez comme Yasmine qui est avec nous maintenant de Montpellier. Salut Yasmine! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais, très bien, Yasmine. Tu sais que j'ai reçu plein de mails d'auditrices de Montpellier. Enfin, d'auditeurs et d'auditrices de Montpellier pour qu'on fasse une émission là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa à faire à Montpellier, là, Yasmine? Est-ce que tu viendrais nous voir si on venait faire un dimanche soir l'émission en direct de Montpellier? Oui. Oh, c'est gentil, Yasmine. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à Montpellier? Bah, on peut s'amuser et tout, hein. Ah oui, parce que si on peut s'amuser, hein. Alors ça va. Ouais, non, mais c'est vrai que. Alors on est sauvé. Tu vends bien ta ville, Yasmine. Ah, si on peut s'amuser et tout, alors peut-être qu'on viendra à Montpellier, effectivement. Ouais. Bon, t'as passé un bon week-end, Yasmine? Oui. Bonnes vacances dans l'absolu? Oui. T'as fait quoi des vacances? Ah, bah rien. Bah, je me suis fait chier, toi, hein, pendant toutes les vacances, je me suis fait chier. Ah, bah d'accord, ok. Bon, Yasmine, demain c'est la rentrée, là. Ça y est, c'est fait, fini la belle vie, hein. Ouais. Ah oui, c'est fini. Bon, Yasmine, reste avec nous. Hein. Il y a Sandro qui est avec nous également, qui a passé un bon week-end. Ouais. Très bon. Elle a fait quoi? Bah, j'ai essayé de draguer, j'ai raté comme d'habitude. J'ai raté, tout raté. Bah voilà. Du coup, je me suis rabattu sur les bonbons. Oui. Donc le régime, c'est mort encore. Ah bah le régime, c'est complètement mort. Mais si, j'ai repris aujourd'hui. Ah bah ça va alors. Ah bah, ça va alors. Si tu reprends comme tous les dimanches, c'est bien. Nous voilà rassurés. Et dès que des auditeurs vont passer dans le studio avec des carambars et des bonbons. Non. C'est mort. Bon, t'as fait également passer un bon week-end avec ses amis. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Oui. Bah allez vous faire foutre. Eh ben voilà, très bien. Donc on aura d'autres amis évidemment à vous présenter tout à l'heure. Et puis ce grand moment. Hein, on va remettre les meilleurs moments hein, des appels. T'as écouté un peu la semaine dernière, Yasmine? Oui, un peu. Bon, très bien, on va vous remettre les meilleurs moments de la semaine dernière, dont le mythique. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà. Pitoyable mais pas digne de pitié. C'était le même, hein. Vous êtes un imbécile. Oui, bah c'est le même en l'occurrence. Et Polo également avec le Pipo qui était au taquet du week-end. Il a joué, il s'est fait quelques petites piécettes au bord de la sortie du métro. Oui. Pas beaucoup, juste bah, de quoi ouais, me payer un café, mais comme les machines ne marchent pas ici, ah oui, c'est vrai, j'ai un peu dans l'os. Ça fonctionne plus. Je salue Colline, je salue Elodie, puis je salue Miss Lorraine qui me vouvoie. Oh, c'est beau. N'importe quoi. Charline, non, c'est vrai. Charline, t'es ouais. en négociation avec Charline. Je sais pas la négociation. Charline que nous avons rencontré la semaine dernière à Nancy, quand on a fait l'émission en direct de Nancy dans les studios de Fun à Nancy. Et donc, ouais. Polo a kiffé Miss Lorraine. Mais bon, la dernière fois qu'on avait été là-bas, il avait aussi kiffé, et puis ça s'était terminé sur un drame. Ouais, mais bon, c'est bon, qu'est-ce vie, que hein. vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Et puis attention, cette semaine, il y a du lourd, il n'y a pas du lourd, il y a du très, très, mais alors très lourd. Je vous explique. Ce soir, j'offrirai à l'un d'entre vous un iPad Air, le nouveau. Il est tout beau, il est tout frais, il est magnifique, il est léger, il est, enfin bref, il est comme l'a dit comme Apple. Non, justement, non. C'est-à-dire que, non, non. Ça, on offrirait un gros ordinateur pour toi. Alors. Un bien PC lourd. Fixe. Bien un PC lourd. Fixe avec un écran cathodique. Non, non, là, on vous offre l'iPad Air ce soir. Donc, si on va vous l'offrir seulement sur le Facebook de l'émission. Donc, si vous voulez le gagner, rencard sur le Facebook. On fera un tirage au sort avant minuit tout à l'heure. Donc, facebook.com/MIKL officiel. Vous venez nous rejoindre. Vous rencardez vos potes également. Faites passer le message. Tirage au sort avant minuit. L'un d'entre vous repartira avec l'iPad Air. Voilà. Bonne chance, tout le monde. Et puis, on aura également l'occasion de filer la Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost. Et comme on vous l'a expliqué jeudi, on a fait une photo avec la Xbox One pour vous prouver que nous, contrairement à d'autres radios, nous avons les cadeaux qu'on vous file. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, en fait, ils posent avec des boîtes vides. Et après, ils vous les offrent. Parce que moi aussi, je peux offrir la PS9. Bon, vous l'aurez dans 25 ans, mais je peux vous l'offrir aujourd'hui si vous voulez. Non, là, en l'occurrence, la Xbox One n'est pas encore sortie, mais comme j'ai le bras long, eh bien, nous l'avons photo à l'appui sur le Facebook de l'émission. Est-ce que t'as été voir Yasmine sur le Facebook ? Non. Eh ben bravo Yasmine. Un coup de pelle tiens. Hop. Hop. T'as vu, t'étais en vacances, t'as même pas été sur le Facebook de l'émission. C'est honteux. Ah Yasmine. Une fois c'est tout. Ah bah bravo bah. Ah bah deuxième coup de pelle. C'est honteux, voilà. T'as de la chance que je vais pas te tirer au pigeon là. Exactement ouais, parce que sinon paf. Hop. On aura pu tirer directement cool. dans le tas dis donc. Bon attention que ça ne se reproduise plus. Bon donc voilà, Xbox One a gagné avec la colle dans quelques minutes. Et l'iPad Air a gagné sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et puis bah également, je te pose pas la question de savoir si t'as Twitter Yasmine. Non bah non. Non. Quoi? Je ne te pose pas la question de savoir si tu as Twitter. Non mais j'ai pas Twitter. Ah mais c'est ce que je me disais aussi. Donc voilà. Je ne dois pas te poser la question. Bref, pour les autres donc, comme tous les soirs, bah, vous pouvez devenir le top tweetos. Et puis le dimanche, on a souvent pas mal de surprises dans le top 5. Donc bah, si vous pensez pouvoir faire mieux que Let's Be Freaks, qui est quand même souvent numéro 1, n'hésitez pas, un maximum de hashtag MIKL. Donc vous mettez vos messages sur le Twitter, vous mettez le hashtag hein, le dièse, le carré, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis vous mettez MIKL dans le message. Et puis à la fin d'émission, on donnera le classement des 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission, hashtag MIKL. Je vous souhaite évidemment bonne chance. On écoutera le son de Ellie Goulding avec Burn. T'aimes bien Yasmine ou sans plus, ou t'as un son que t'aimes bien en particulier actuellement là? Non, ça va, moi j'aime bien. D'accord, ok, très bien. Ouais, je sais que c'est la rentrée demain, mais quand même, tu vas pas te suicider Yasmine hein. Non. Ah bon, non, mais ça me rassure quand même. Je vous cale aussi Bakermat, le Hollandais avec Van Dijk. Et puis la découverte sur la radio, évidemment, Eminem et Rihanna avec The Monster. Il est très très bon celui-là, on vous le calera tout à l'heure avant 9h. Et puis si bah, vous aussi vous avez envie d'écouter un titre en particulier, n'hésitez pas, hashtag MIKL. Vous balancez tous vos messages dès maintenant sur le Twitter, vous demandez les sons. Et puis bah, si c'est possible, je vous les passe avant minuit. Bon, alors, en deux mots Yasmine, on va parler de quoi avec toi, dis-moi? Bah en fait j'ai une pote, elle se prend pour Nabila. Oh, elle se prend pour Nabila? Ouais. Non bah attends, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'encore elle se prendrait pour une meuf bien, une meuf classe, une meuf jolie, tout ce que tu veux. Mais là attends, et pour Nabila quoi. Ouais. Mais c'est-à-dire elle fait quoi? Elle se prend quoi pour Nabila? C'est-à-dire elle dit quoi? Bah en fait avant elle était brune et dès qu'elle a vu Nabila et tout, elle s'est mis en elle était blonde, après elle s'est mis en brune et tout. Ah ouais, mais juste pour ça, parce que ça n'a peut-être rien à voir. Elle a peut-être juste plus envie d'être blonde hein. Non mais elle adore Nabila et tout. Elle regarde que ça 24/24 et tout. Ah, elle est fan de Nabila. Putain c'est dur. Oh là, c'est très dur. Très très dur. Bon, est-ce que vous êtes déjà pris pour des stars vous? Enfin des stars, je mets pas Nabila au. Toff il se prend pour moi des fois. Ouais, hein, parfois ouais, je me fais passer pour Polo dans la soirée pour essayer de serrer, mais ça marche pas bien. Ouais, tu m'étonnes. Bon, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, tiens, de vous prendre pour des stars. Non, genre vraiment d'être dans le délire et vous pensez que vous êtes une star en fait, tout simplement. Moi par contre, c'est arrivé qu'un mec se prenne pour moi. Ouais, bah dis donc, putain, lui là aussi, il a un gros problème. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on en parlera dans quelques minutes. Tiens, reste avec nous sur Fun Radio. Yasmine, reste avec nous. On va essayer de l'appeler ta copine dans quelques minutes, hein, dans café, hein, pour essayer de lui faire, de la faire redescendre, quoi. Bah, c'est mieux, hein. Enfin, moi, je dis ça après, c'est pour télé, Yasmine. Donc, bouge pas de là. On a Shane également avec nous, là. Bonsoir, Shane. Oui, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille, plutôt bien. Tu t'es déjà pris pour une star toi, Shane? C'est Shane, hein, c'est Shane. Ah, c'est Shane, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah Shane ou Shane, hein, quoi, quoi, de quoi? Ouais, non, oui. T'aimes non, j'aime pas quand on m'appelle Shane. Ah bon, on va t'appeler Shane, Shane toute la soirée. Bon, Shane. Alors. Hey Shane. Ah, libre à 3, libre à toi de raccrocher et de passer à côté de la Xbox One. Oui, Shane. Hein? Non. Voilà. Donc, Shane. Voilà. T'appelais comme ça toute la soirée. Alors, Shane. Donc, Shane, nous allons faire la colle, Shane. Ouais. Alors, quelle est la colle, Shane? Alors, je suis toujours à l'abri, mais pourtant, je suis toujours mouillé. Qui suis-je? Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je? Bon, je rappelle qu'il y a la Xbox One à gagner. Si vous avez envie de choper la Xbox One avant tout le monde, puisqu'elle n'est pas sortie, eh bien il suffit d'envoyer MIKL espace votre réponse par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique et bien sûr sur le Facebook de l'émission. Je vous ai mis l'énoncé également. Enfin, je vais vous le mettre dans 5-10 secondes. L'énoncé donc, allez voir donc sur le Facebook l'énoncé. Vous pouvez aussi y répondre. Donc, Shane, alors je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je? C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah à vous de jouer, hein. Amy, quelle est la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique? On te récupère d'ici quelques minutes, Shane. Ok. Bon, bah bouge pas de là, hein. Pas de soucis. Très bien, reste avec nous. Et puis, bah bonne chance pour les autres. La Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost a gagné ce soir sur Fun Radio en exclu total. Car oui, nous avons déjà la console. Vous pouvez la voir d'ailleurs sur le Facebook. Je l'ai mis comme quoi c'est une preuve. DJ Max également qui dit: moi, je me prends pour un animateur de Fun Radio, DJ Max. Ah, bah ça dépend lequel après, hein. Il y a Pierrot. Aussi qui avait envoyé un message qui dit: je vous adore, je suis à nouveau sur Twitter, un petit message de bienvenue ce serait cool. Bah bien sûr, avec plaisir. Vous êtes un imbécile. Voilà, vous êtes un imbécile tout simplement, hein. Quoi aussi, le prince est là qui dit: Mickaël a le bras long. D'après ses propres mots, il n'y a pas que le bras qui est long, il faut le dire, le follow par derrière le prouve. Oui, c'est vrai, le prince India. Il y a Dams qui dit: surtout quand tu fais du foot, tu te sens dans la peau d'une star de foot. Oui, il y en a plein, c'est vrai ça aussi. Tu sais, les mecs qui se prennent pour des grands footballeurs parce qu'ils jouent, ils ont peut-être mis un but, tu vois. Ils ont peut-être mis un but, alors ils se prennent pour des oufs, quoi. Il y a Slim Shady qui dit: vous foutez pas de ma gueule, mais des fois je me prends pour Eminem quand je chante ses sons. Oh, ouais, en même temps, t'as le pseudo sur le Twitter, donc tu sais, dès le début j'avais capté, hein. Et Bloody Valentine qui dit aussi: bonjour tout le monde et bonjour l'équipe et les Twitters. Et ben merci Bloody Valentine. Maximus qui dit aussi: un petit message de bienvenue pour moi s'il te plaît. Et ben d'accord, ok, comme ça on démarre bien. Ne me cassez pas les couilles, hein. Et ben voilà, ne me cassez pas les couilles ce soir. Bon, allez, 20h11 sur Fun Radio. Je vous cache, je vous l'ai promis, le son des Goulding dans quelques minutes sur Fun Radio. Ça va arriver aussi avec le son d'Eminem et Rihanna. Je vous l'avais promis, il passera avant 9h. On va récupérer Yasmine avec la copine qui se prend pour Nabila, avec Shane également avec la colle. Et puis l'iPad Air a gagné sur le Facebook de l'émission uniquement. Facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, 20h12. Bon courage à ceux qui sont sur les routes là, en train de revenir des congés, des longs congés éventuellement là. Bah, bon courage tout le monde. Demain c'est la reprise, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous cale dans quelques instants le son de Backermat avec Vanda comme promis. On aura Shane aussi avec la colle qui est sur le Facebook, hein. Vous pouvez la voir, facebook.com/MIKL officiel. Et puis bah Yasmine avec sa copine qui se prend pour Nabila, truc improbable. Donc si vous aussi vous vous êtes déjà pris pour des stars à un moment ou un autre, bah venez nous en parler là. Vous nous appelez maintenant d'où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Ça fonctionne également, attention, si vous êtes en dehors de la France, hein. Vous pouvez nous appeler aussi en faisant le 00 33 1 42 48 5000. D'accord. Je suis là pour les Canadiens parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et puis bref, ceux qui sont peut-être éventuellement en vacances et qui veulent réagir, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous tomberez sur Sandro au standard. Bonne soirée, bon courage pour la rentrée demain, hein. On va s'écouter, je vous l'avais promis, le son d'Ellie Goulding maintenant sur Fun Radio avec Burn. Il est 20h13, c'est Mickaël No Limit. Comme chaque dimanche, on est en direct sur Fun Radio de 20h à minuit. Bonne soirée. Oui. Le son d'Ellie Goulding à l'instant sur Fun Radio, c'était Burn. Bah, bienvenue tout le monde. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Ouais. Soit il est bienvenu, il est 20h17. Et puis il y a 3 auteurs qui viennent de débarquer. Bah venez, installez-vous. Comment vous vous appelez? Allumez votre micro. Bah approchez-vous de Polo. Approchez-vous de Polo. Vous approchez pas de moi. Allez mais là-bas. Si, mais pour allumer le micro. Oh là. Polo, il a tellement peur qu'on lui transmette des maladies qu'il préfère qu'il n'y ait rien à l'antenne. Comment ça va les gars? Mais parlez. Attends, on parlait dans le micro, comme moi. Voilà. Ça va bien? Ça va, ça va et toi? Très bien, on va lui donner un petit calmant, vous inquiétez pas. Parce qu'il a pas eu son café de la journée, donc il est un peu tendu du cul là, mais ça va bien se passer un petit. Vous avez pas vu du café? Il y a plus de café à la radio, c'est honteux. Il y a plus de café à la radio, ça c'est le drame. Rappelle-moi ton prénom, j'ai pas entendu. Christopher. Christopher, à côté il y a dans le micro, on the mic. Comment? Nicolas. Nicolas, très bien, il a toujours pas fait dans le micro, parce que regarde. Je parle comme ça, moi, on m'entend moins. Alors, et de l'autre côté, Kevin, très bien, bah lui dans le micro, voilà, hop, direct, il a compris comment ça marchait. Bon, bah soyez les bienvenus, les gars, voilà, installez-vous, faites comme chez vous, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, comme c'est le dernier jour des vacances, bah forcément, les gens qui sont passés nous dire bonjour. Il y a Pierre également qui dit, je peux avoir un message de bienvenue, s'il te plaît. Ouais, je vais te le caler, ton message de bienvenue, attends, tu bouges pas, hop. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Et bah voilà, Pierre, Lisby Flix, il dit, parfois, je me prends pour la femme de Tov, je suis bête, je suis sa femme. Ah bah oui, c'est vrai, Lisby Flix, évidemment. On est bête. Elise aussi qui dit, salut à tous, je veux faire une dédicace au collège. Joseph Collard de Saint-Anne, merci, vous gérez. Bah de rien, Lise et Vincent qui dit Nancy, que de souvenirs kiffants avec toute l'équipe. Merci Vincent et Kenny aussi qui dit il y a plein de bons trucs à Montpellier à faire. Bah oui, peut-être qu'on viendra là-bas, il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés par rapport à Montpellier. Donc peut-être que ce sera Montpellier. On n'a pas encore acté le truc, mais voilà, ce sera peut-être là-bas. On verra. Je sais pas, je me tâte. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie d'y aller, enfin qu'on vienne plutôt, et si vous voulez plutôt venir nous voir à ce moment-là. N'hésitez pas, facebook.com/michaelofficiel, ou alors vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Bon, alors, Yasmine est de retour. Ouais. Ouais, très bien, Yasmine. Mmh. Bon, Yasmine qui nous avait appelé bah, de Montpellier justement, hein, qui nous a d'ailleurs dit que c'était bien, ce serait bien d'aller à Montpellier parce que on s'amuse. Alors, j'ai malheureusement pas eu plus d'informations, mais on s'y amuse, c'est le principal. Et donc Yasmine qui nous avait appelé parce que ta copine se prend pour Nabila, c'est ça? Oui. D'accord, ok, très bien. En plus, ça fait un an qu'elle dit au prof, non mais allô quoi. Ouais, mais ça, après, il y en a plein qui le disent. Hein. Ouais. C'est devenu une expression à part entière. Hein. Même de Chavannes, il le fait à la télé. Non, mais ça existait avant. Elle a rien inventé. Hein. Ah, je sais pas. Moi, j'avais jamais entendu. Non, elle a rien inventé. Ah, moi, j'avais jamais entendu. La grosse dinde. Non, mais moi, j'avais jamais entendu pour le coup. Donc, pour moi, c'est elle qui l'a. Enfin, en tout cas, je l'ai appris avec elle. Mais donc, du coup, elle le fait. Et la prof, elle dit un truc ou elle dit rien? Bah, des fois, elle dit arrête. Ou sinon, maintenant, ils ont l'habitude. D'accord. Est-ce qu'elle connaît bien Nabila? Genre sa manière de parler et tout ça? Qui? Bah ta copine, pas moi. Bah des fois elle parle normal, des fois elle essaie de faire sa voix. D'accord, ok. Oh là là là. Ok. Bon, c'est attends, triste. Attends, on va mettre Sandro, tiens, on va la faire bosser un petit peu, tiens. Sandro va se faire passer pour Nabila. Au téléphone? Ah bah oui, c'est mieux. D'accord. Non mais j'ai pas suivi en fait. Oh là là, toutes les deux perchées quoi, c'est un truc de fou. Vous avez fini fait un truc ce soir? Bon, Yasmine, ouais. On va donc appeler. Comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Marie. Marie, ok, d'accord, très bien. Je l'appelle? Ouais, tu vas l'appeler, ouais. Et attends. Je dis quoi? Bah, tu dis que t'es Nabila, que tu veux la rencontrer, que tu l'adores, que tu la kiffes. Donc, prépare ton rôle. En attendant, il y a Amine aussi qui est avec nous, 19 ans de Nantes, là. Mais bonsoir, Amine. Avec Amine. Ah, bah, c'est pas grave. Ça va, Amine? Ouais, et toi? Ah, bah, tranquille, Amine. Plutôt bien. Bon, t'appelles de Nantes, ça se passe bien, le week-end fut bon à Nantes? Ouais, tranquille, mais il pleut un peu quand même. Hein. Ah ouais, je sais bien, mais en même temps, c'est l'hiver, hein, t'as remarqué? Ouais, j'ai un peu remarqué, ouais. Ah ouais, un petit peu. Bon, Amine, tu voulais réagir à Yasmine, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux dire moi, quoi? Je me suis déjà pris pour une star, parce que je me suis déjà pris pour une star, moi. Ah, et tu t'es pris pour qui? Bah, pour Caris, le rappeur. Pour qui? Caris. Caris? Mais c'est une star, ouais. Ça? C'est une star, bah oui. Dans son quartier, une star où ça? Mais une star connue du rap? Ah non. Ah ouais? Bah ouais. Ah bah ouais. Ah d'accord, ok, très bien, mais c'est quoi la vous les chambrez, vous êtes pris pour des stars, vous. Mais non, pas des stars, vous. Amine. Amine. Ouais, allô. Amine, on n'a pas dit qu'on était. Amine, on n'a pas dit qu'on était des stars. On a simplement dit que ton rappeur et personne le connaît. Voilà. C'est juste ça. On n'a pas dit personne connaît ton rappeur, mais nous sommes des stars. C'est toi qui arrive ici pour attaquer Amine. On a rien dit ça. Donc c'est quoi l'intérêt de. Qui veut m'attaquer maintenant? Oh là là. Amine, écarte-toi et hop là, Yasmine. Ouais. Bon, attends, il y a Carla qui est avec nous également là. Salut Carla. Salut. Ça va? Oui. Bon, alors Carla, toi t'appelles une mini Pyrénées dans le 12, c'est ça? Oui. Bon, et qu'est-ce qui t'amène? Tu voulais te parler à Yasmine aussi, toi? Je me prends vraiment pour Lily Allen. Pour Lily Allen? Mais tu parles même pas anglais. Ouais, tu parles anglais? Do you speak English, Carla? So-so. Ah, so-so. Ah ouais. Mais pourquoi tu te prends pour Lily Allen? Bah je me coupe carrément les cheveux comme elle. Je me suis coupé les cheveux comme elle. Non. Et tu sais, est-ce que t'aimes bien Toff physiquement? Ouais. Ouais, non, parce que. Alors, tu peux pas te prendre pour Lily Allen. Tu peux pas te prendre pour Lily Allen parce qu'on l'a rencontré avec Toff, Lily Allen, et il a quand même dit à Toff, véridique, je vous le jure, elle a dit. Toff, tu es moche. Ouais, très moche. Non, très moche, pardon, c'est vrai, effectivement. Toff, tu es très moche. Elle l'avait dit comme ça. C'est vrai, véridique. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que tu peux pas te prendre pour Lily Allen, Carla. Mais tu veux chanter comme elle ou c'est juste que t'aimes bien, tu l'aimes bien elle, c'est tout simplement? J'aime bien quand, comme elle chante et comment elle est physiquement. D'accord, ouais, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Attends, il y a Mathias aussi qui est avec nous là. Salut, Matt. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bah, bienvenue, Mathias. Hein. T'appelles de Moselle, toi, dans 5-7. Ouais, j'appelle de Moselle. Bon, et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, en fait, j'aimerais bien me prendre un coup de pelle de votre équipe, là. Ah, c'est tout. C'est tout. Appelé pour ça. Si tu veux. Bon, allez, allez, allez, tends la joue. Tu l'attends bien, là? Ouais, je l'attends bien, je suis prêt. Attends, t'es prêt? Parce que ça va faire mal, je te le dis direct, hein. Ouais. T'es prêt? Ouais. Attention, 3, 2... Ah. Eh ben voilà. Eh ben ouais, mais bon, t'as fait des conneries que tu veux un coup de pelle? Ouais, non, bah c'est comme ça, on ah bah c'est comme ça. Mon frère en train d'écouter Fun Radio et... Bah t'as bien raison. Bah, et comment il s'appelle ton frère? Rémi. Très bien, bah lui je lui mets une gifle carrément, voilà, tout simplement. Non mais c'est... Bah, c'est gratuit, c'est fait. Voilà, s'il ne sait pas pour... Si, aussi, sinon on sait pas pourquoi lui le sait. Aussi, on vous écoute tous les soirs. Ah bah c'est gentil Mathias, bah merci à toi en tout cas, et salut ton frère également de notre part. Ok. Salut, salut. Ciao. À bientôt Matt. Ah bah c'est gentil, et restez au standard ou au filet un pack Fun. Salut les deux. Okay, allez, à bientôt, ciao à vous. Bon, allez, Yasmine, on va appeler la copine maintenant. Je sais pas trop ce qu'on va lui dire, hein, parce que franchement, être fan de Nabila, c'est quand même très dur, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire... Mais c'est rien, surtout, cette meuf. Alors, elle n'a rien fait de sa life. C'est vrai qu'elle a pas chanté, elle est pas actrice, elle est pas... Elle est même pas belle. Elle écrit pas, enfin, tu vois, elle a pas prouvé grand-chose, quoi. Après, je dis pas pour plus tard, à voir. Hein, mais bon. Ouais. Bon, Yasmine, on y va. C'est Sandro qui va se prendre pour Nabila, en espérant que Sandro ne reste pas coincé dans le rôle après. C'est pas grave, on va l'exorciser ouais, après. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais allô, quoi. Non, mais tu pour qui tu m'as pris? Non, mais allô, quoi. En fait, bon. Faut juste dire non, mais allô, quoi. À toutes les phrases. Ouais, tu dis non, mais allô. Y a pas une autre phrase aussi qu'elle utilise souvent, là, une phrase à la con, non? Et non, tu fais la dinde. Et ouais. surtout, tu ne sais rien de rien. Tu ouais. toujours... Ah, c'est et fais quoi, quelques ça fautes de français aussi. Voilà. Il y a les deux trucs, Yasmine, à part le non mais allô quoi qu'elle sort souvent? Bah, elle se coiffe tous les deux minutes. Ouais, mais ça, au téléphone, on voit pas bien. Allô? Allô, ouais, ça on avait noté. Voilà. Elle se coiffe tous les deux minutes. Elle parle de swag. Elle est sans arrêt le swag. Ouais, tout dans le swag. D'accord. Très bien. Bon, c'est des mots à placer pour moi. Bon, de toute façon, Sandro, elle va y arriver là. Bah, elle dit que ses seins sont comme Nabila. Elle dit que quoi? Que ses seins sont comme Nabila. D'accord. Elle doit avoir des seins dégueux. Ah ouais, ouais. Bon, écoute, on y va, on l'appelle Yasmine, elle s'appelle Marie. D'accord. Allez, c'est parti. Carla reste avec nous également. Puis on aura Renaud aussi dans quelques minutes. Et fais moins de bruit, Yasmine, parce que tu rigoles avec ta copine et du coup, ça peut foirer notre appel. Ok. Allô? Allô? Oui? Oui, Marie? Oui? Ça va? Oui. Tu te demandes pas qui c'est? Si. Devine. Ah bah je sais pas, qui êtes-vous? C'est une surprise. Bah dites-moi. Si je te dis non mais allô quoi. Ah, Nabila? Non mais allô quoi. Mais oui c'est moi, ça va? Ah bah ouais ça va et toi? Bah sérieux, ouais ça. C'est trop swag. Ah mais grave. Bon alors comment ça va? T'es contente que je t'appelle? Ah mais trop, mais je suis ta plus grande fan. Ah attends, j'ai un rajout qui tombe. Attends, je le remets. Ah mais j'y crois pas là. Bon alors qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que t'es fan de moi. Ah mais trop, je t'adore trop. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. Ah mais grave. C'est swag. C'est pas sérieux ça, ce qui arrive. Hein. Ah mais ouais. T'es fan de moi depuis quand alors? Depuis la guerre de 78? Ah ça fait un an que je t'adore et tout. C'est vrai, tu fais quoi comme moi? Ah là là, mais tout. Attends, avant j'étais blonde, je me suis fait en brune. Ah mais je fais tout comme ça. Ah mais je t'adore. C'est improbable. Ah mais trop de sentiments. Ah mais je t'adore trop. Mais c'est vrai? Mais à quel point? Ah mais... Mais ça me fait trop plaisir, c'est trop swag. Non mais ah, allô mais trop, quoi. Ah mais trop, mais je suis tout de toi et tout. Non mais je t'adore. Oh là là, c'est de la folie. Bon bah c'est parfaite comme meuf, t'es ouais, parfaite. Ouais, je sais, merci, c'est gentil. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Roger, je suis le manager de Nabila. Oui, bonsoir. Non mais tu vas voir, elle est pour trop récupérer Nabila, il va falloir passer la main au portefeuille, parce qu'on prenait ces minutes sont payantes. Hein. Quoi? c'est de la connerie là. Ah non, non, pas du tout. Donc si vous voulez, si vous avez un numéro de carte Visa, éventuellement, on peut continuer la discussion. Bah attends, c'est ça, c'est normal. Non, mais ça va pas, non mais allô quoi. Non, non, non, non, mais écoutez, c'est normal, vous savez, vous imaginez bien qu'elle a autre chose à faire. Hein. Non mais allô quoi, c'est Nabila. Non, mais allô quoi, c'est Nabila justement. Quoi. Oui, oui, bah raison de plus, oui. Bah, donc justement, faut payer. Est-ce que vous voulez mettre la main au portefeuille ou on clôture la conversation à ce moment-là? Oui, oui, fais-la payer un petit peu, si elle est fan, non, elle est allô, fan. Mais allô quoi. Ouais. Allô. Allô. Allô. Oui, alors vous payez ou vous payez pas? Ah mais si, je paye. Très bien, alors un petit instant. Ah, c'est trop swag. Non, mais allô, quoi. Voilà, donc ça fait 25 euros. 25 euros ? 25 euros, ouais. Bon, bah d'accord, bah je paye. Bon, bah très bien, parfait. Oh, alors, 25 euros, je vous la repasse. D'accord, c'est bon. Ouais, allô ? Allô ? Ah ouais, t'es une vraie fan, t'es prête à tout, trop de sentiments. Ah mais oui, trop de sentiments. Ah, j'adore. Ah mais t'adore trop. Ah mais j'adore. Ah mais moi aussi, j'adore. Y'a pas d'autre phrase ? Hein ? C'est trop swag. Ah mais trop, oh là là. Ah mais je t'adore trop, je connais toute ta vie et tout. Tu connais quoi sur moi? Bon, c'est rapide alors. Ah, je connais tout, tout, tout. Tu sais, ah ouais, quoi? Bah je connais tes copains et tout. Ah mais je connais tout. Ah, tu connais tes copains, ouais. Trop swag, ouais. Ah ouais, tu connais bien la vie, hein, puisque tu connais les copains et tout. Ouais, je connais même son chien, je sais qu'elle a eu un chien, il est comment trop il s'appelle swag, il est trop beau. Comment il s'appelle le chien? Ah non mais ça, tu devrais le savoir quand même. Ah mais toi aussi, c'est ton parce manager, que non? Ouais, bah mais toi, non, toi, tu devrais le savoir, t'es manager. Toi, t'es... Hein, toi t'es censé être une fan, Marie, là, non? Bah oui, mais toi t'es censé être le manager, bah, non? Justement, c'est quoi sa date de naissance? Ah bah ça je le sais, mais toi aussi tu devrais le savoir, bah, vas-y, non? Dis-moi si tu le sais. Bah non. Vas-y, dis-moi, je te fais l'heure gratuite. Non, non. Vas-y. Non, vas-y. C'est ça. Non, vas-y. C'est à toi de le savoir. Ouais, ouais, c'est ça, Marie. Tu connais rien. Hein, Yasmine? Hein, elle connaît pas spécialement, hein, oui. Si, je connais. Allô. Tout. Oui, oui, oui. Allô. Oui, oui, bien Hawaii. Sûr. Ah ouais, viens ici. Eh oui. Il est mort. Ah ouais, viens ici, l'autre, il est mort depuis 3 heures. Ah, mais n'importe quoi. Ah, vas-y, j'ai fait comme je pouvais. Ah, bah oui, t'as fait comme tu pouvais, bravo. Effectivement. Eh bah bravo, quel talent d'acteur. Magnifique. Je savais pas qu'il était dead. Ah bah voilà, mais comme ça tu sauras un truc en plus, ah bah Marie, ça, là. C'est pas swag. Hein, comme ça pour quand tu seras une vraie fan, tu pourras savoir qu'il est mort, hein. Ouais, bah je m'en fiche, c'est pas grave. Bah ouais, bah je sais bien, ouais. Bon bah gros bisous les filles, hein. Ouais, gros bisous à tout le monde, à toutes mes amies. Attends, à vous aussi. Allez. Dédicace, ah bah, elle vient d'être passée, Yasmine. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bah tu viens de la faire, Yasmine. Dédicace à Sarah, Triste, Tiffany, Triste, Man, ouais. Et vous bien même. Très bien, bah, le message est passé, les filles, salut à vous, hein. Ah c'est bien pour quelqu'un qui était fan et puis tout d'un coup sans dire qu'on est à la radio, ah mais salut, je fais une dédicace, c'est cool, merci. Bon, si vous aussi vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas bien sûr à nous appeler. On est là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Dans quelques minutes je vais vous parler d'un truc assez improbable que j'ai vu ce week-end. Bon, on l'a déjà vu vendredi, cela dit, on vous en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. On fera également la rediff des meilleurs appels de Toff de la semaine, là où il se fait insulter, surinsulter. Et bah ça c'est juste après le son de Bac Format qu'on écoute maintenant, c'est Van Dyck, le Hollandais, maintenant sur Fun. I have a dream. C'est Fun Radio avec le son de Bakermat à l'instant, c'était Van Dyck, il est 20h35. Eh ouais, Mickaël de Limite, comme tous les dimanches soirs de 20h à minuit, il y a Dédé qui dit non mais allô quoi, la nana se rend pas compte qu'elle se fait enfumer en beauté. Mais non mais là surtout ils ont surtout voulu s'amuser sans ouais. Marrer à passer l'antenne parce que la meuf était absolument pas fan de Nabila, elle connaissait rien de sa life. Ouais. Elle connaissait rien de rien. Ouais, c'est vrai qu'elle connaissait autant de mots que Sandro. Ah oui oui voilà c'est ça. Il y a Boom Rap Radio aussi qui dit non mais allô quoi, c'est Swag. Et Julia qui dit Nabila, elle dit tout le temps trop de sentiments, j'adore. Slim Shady qui dit putain et en transe la meuf. Et Let's Be Freeze qui dit la meuf qui marche dans le truc, Sandra en Nabila. Oui c'était assez improbable. Larry qui dit ah non mais la meuf. Il y a Cookie aussi qui dit un petit coup de pelle pour moi aussi, histoire de pas faire de jaloux, Cookie. Bah bien sûr, tiens, hop là, voilà. Et Lola qui dit mort de rire, la fan de Nabila. Et Colin également qui dit je peux avoir mon message de bienvenue, même si je vous écoute depuis longtemps, vous gérez trop. Bah bien sûr, Colin, voyons, avec grand plaisir. Attends, je vais t'en mettre. Toi fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Voilà Colin, c'est ce que tu voulais, hein, n'est-ce pas? Il y a Dams aussi qui dit Dams Nortic qui dit moi je me prends pour Neymar. Bah chacun sa merde. Nuno aussi qui dit Mickaël, comment on participe à la colle, est-ce qu'on peut appeler ou pas? Non, alors la colle c'est pas compliqué, il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. D'ailleurs en parlant de colle, on va récupérer maintenant comme promis Shane, qui déteste qu'on l'appelle Shane parce qu'il s'appelle Shane, mais c'est pas pas grave. Shane, alors, t'appelles de Montpellier et donc toi tu as une colle pour tenter de repartir peut-être avec la Xbox One qui n'est pas encore sortie, je vous le rappelle, et qu'on vous offre en... Exclu. Évidemment. Et le jeu également Call of Duty Ghost. Bon, Shane, tu vas donc poser une colle. Si personne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Si quelqu'un la trouve et qu'il passe à l'antenne, donc il est tiré au sort, c'est lui qui gagne et toi tu perds. Vas-y Shane, on t'écoute pour la colle. Alors, je suis toujours à l'abri mais pourtant je suis toujours mouillé, qui suis-je? Je suis toujours à l'abri mais pourtant je suis toujours mouillé, qui suis-je? On proposait un abri. Non. Non, un ver de terre. Ah, pas non. Mal. Un escargot. Non. Un militaire. Non. Proposer de l'eau également. Non. Une chatte. Non. Un robinet. Non. Non, bon bah tant pis. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer donc, hein. Vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Et sur le Facebook également, facebook.com/M.I.K.L. Je suis toujours à l'abri mais pourtant je suis toujours mouillé. À votre avis, qui suis-je? Bon bah Shane, on te récupère d'ici un quart d'heure, 20 minutes et on donne la réponse avant 22h30. A tout à l'heure. À toutes. Ah bah voilà une bonne chose de faite. Tiens, est-ce que t'as entendu parler de ça, Shane, puisque t'es là, toi, de cette magnifique info qui attendait tout le week-end sur Facebook, à la télé, les Bordelais là, qui ont volé un lama. Ah oui, oui. Ah ouais, le lama, il vient du cirque et ils l'ont appelé Serge, évidemment. Et donc, ils l'ont promené dans toute la ville. Ils lui ont même fait prendre le tramway. Et du coup, je les avais partagé ça également samedi sur le Facebook de l'émission. Ouais. C'est un mec qui a fait une chanson et c'était ça. Ah, j'ai écouté. T'as écouté, t'as vu là? Énorme. Voilà, il avait fait sa chanson sur le lama. Je sais pas combien il a eu de vues, mais ça a bien marché apparemment. Ouais, fait beaucoup, je crois. Voilà, lama outé. Alors, c'est pas sans nous rappeler qu'on avait fait également un canular où c'est un auditeur qui voulait faire croire à son patron qu'il avait aussi dans la. Non, c'était son oncle. Ah, son oncle. Ouais, qu'il avait fait dans style Very Bad Trip, qu'ils étaient bourrés, qu'ils avaient pris un lion, qu'on avait le lion dans la voiture. Non, j'ai pas écouté, eh bah putain, on va le remettre dans un instant pour ceux qui. Okay. Parce que c'est vrai qu'on a fait ça il y a quand même quelques semaines. Donc, pour tous les nouveaux auditeurs qui ont pas forcément entendu l'émission à l'époque, eh ben on va vous le remettre dans quelques minutes. C'est un peu un rapport avec le lama, donc je me suis dit ce week-end, je fais putain, c'est vrai que c'est quand même. Ça vient peut-être de là, hein. Ça se trouve, c'est nous qui les avons. Qui sait? Ils sont partis dans un délire. Ils sont partis dans un délire comme ça, je sais pas, peut-être. Ça venait peut-être de là, je sais pas. Bon, bah, Shane, on te récupère tout à l'heure pour la colle, tout à l'heure. Très bien. On a également Maël qui est avec nous de Paris maintenant, là. Bonsoir, Maël. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Maël? Oui, ça va très bien. Je suis un peu. Je tremble un peu. Pourquoi Maël? Qu'est-ce qui va pas là? Pourquoi tu trembles? Non, c'est la première fois que je passe à la radio. Oh, voilà. Mais c'est rien. Tiens, regarde, je te mets un coup de pelle. Voilà. Ça va te faire du bien. Normalement, ça va mieux là, hein. Ah oui. Ah bah tu vois. Bon, t'as 26 ans, t'appelles de Paris, Maël, là, et t'as passé un bon week-end? Ah oui, j'ai passé un très bon week-end. Bon. Un peu une engueulade avec ma grand-mère, mais sinon ça allait. Oh bah ça arrive. Ça arrive. Bon, non, mais c'est parce qu'elle arrivait pas à trouver le chemin, alors on s'est engueulé, voilà. Bon bah très bien. La vieille embrouille pourrie. Oui, c'est ça, c'est l'embrouille sans rien. Par là, je t'ai dit. Bon, et du coup, alors, qu'est-ce qui t'amène, Maël? On parle de quoi avec toi dans un instant? On va parler du naturiste. Du naturiste, c'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire du naturisme ou du naturiste? Pour moi, les deux mots, c'est pareil. Non. Ah bah non, naturiste, c'est un mec qui est naturiste, et naturisme, c'est le fait d'être à Walpé. Ouais, voilà. Donc on parle du naturisme. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, il doit y avoir quelque chose ce dimanche. À mon avis, je pense qu'Halloween n'est pas fini pour tout le monde. Bon, et de quoi tu veux parler exactement? Il y a un souci? C'est quoi l'histoire? Non, c'est pour dire que j'en fais depuis longtemps et quelle est la meilleure saison pour en faire. L'hiver, en général, il paraît que c'est pas mal l'hiver. Voilà. T'es un plein fermi. Ouais, vers le mois de février, c'est pas mal. Tu peux le faire le mois de février. Et puis dire aussi quand pour ceux qui sont pour quand je rentre chez moi que j'en ferai toute l'année. Voilà. Et là t'es à poil là? Là t'es à Walpé là? Non, là je suis pas à poil parce que je suis chez mes parents. Ah d'accord, donc chez tes parents. Dans le garage. Ah oui d'accord, ok, donc chez tes parents tu te mets pas à Walpé? Si je peux le faire dans ma chambre, je ferme la porte. Ouais. Et quand il va le rentrer, il fera pas la porte. D'accord. Et je mets un caleçon, tu vois. D'accord. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait, tiens, des plages naturistes, etc. Toff, il a déjà fait ça, non? Bien sûr. Bah, évidemment, le nombreuses reprises. Oh, quelle horreur. Le zboubalet, il doit être là, il doit se balader. Et ce corps dégueulasse. Ah oui, mais c'est ça le pire. Mais ah oui, ça, bah. C'est ça qui est bon, c'est que tu peux l'utiliser comme lasso, quoi. Ah oui, mais enfin, pour ça, il faut en avoir une longue, hein, ce qui a priori n'est pas ton cas, vu le moule que tu as fait il y a quelques temps. Non, c'est plus un lacet, toi. Ouais. Oui, mais c'est pas grave, même si c'est un lacet, tu peux le faire tourner quand même. Mais oui. Vas-y, fais voir. Non. Il veut pas montrer de preuves, c'est pour mais ça. Mais on l'a déjà vu 20 fois. Mais en plus, ouais, Sandro l'a déjà vu plein de fois. Sans en plus. Pas timide. Bah oui, mais évidemment. Il y a des auditeurs, je peux pas leur faire peur comme ça. Arrête un peu. Les pauvres, ils sont pas venus pour ça. Mais oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Bon, bah dites-nous si vous avez déjà fait du naturisme comme Maël. Comment vous avez vécu ça? C'était bien? C'était pas bien? Moi, perso, jamais. C'est pas un truc qui me branche plus que ça. Polo, jamais. Lui, c'est un grand fan apparemment du naturisme. Non, je veux bien tester, mais il faut qu'il y ait des bombes de meufs, sinon ça m'intéresse pas. Ouais, c'est faut kiffer que tout le monde te regarde, quoi. Ah là là. Non mais quand c'est des bombes de meufs qui te regardent, pourquoi pas, mais quand c'est des moches. Ouais, mais même les meufs entre elles, comme elles se regardent et tout, c'est... Ouais, ça va être bizarre, et puis ouais. Et puis en tant que mec, tu dois avoir la peur d'avoir la gaule, tu vois, si tu vois une bombe de meufs passer. Mais ça doit arriver en plus. Bah oui, justement, hein Maël, non? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, j'étais endormi, j'étais sur mon... Parce que moi quand c'est la meilleure période, c'est l'été. Ouais, oui, c'est normal puis, en même temps. Hein. Et puis moi je vais tous les étés au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde. Voilà. C'est où par rapport au Cap d'Agde? C'est à droite ou à gauche? C'est où le Cap d'Agde? C'est dans le sud de la France. Ah bon? Ah, c'est là-bas le... Là où il fait très très chaud, à côté de Montpellier, Bordeaux, ouais, d'accord, à côté de Montpellier. Mais alors, c'est juste à côté du Cap d'Agde? Montpellier, presque, ouais. Oui. Mais le Cap d'Agde, c'est à côté du Cap d'Agde? Le Cap d'Agde, la ville, c'est Agde. Ah, c'est Agde, mais ça se prononce Cap d'Agde. Voilà, la ville c'est Agde, et dans Agde, t'as un petit village qui s'appelle le Cap d'Agde. Ah, le Cap d'Agde. D'accord, ok. Bon, bah alors, bah, Maël, bah, très bien, bah, reste avec nous, bouge pas de là, on aura Renaud dans quelques minutes, il y a Romain aussi dans le standard, et puis vous, hein, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas, et puis hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, balancez vos messages. Je vous cale le son d'Eminem et Rihanna dans quelques minutes avec The Monster. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a toujours l'iPad Air à gagner, tirage au sort avant minuit, uniquement pour les fans de Facebook. Si vous voulez choper, vous allez sur le Facebook dès maintenant, facebook.com/mickaëlofficiel. Et si vous êtes tiré au sort à minuit, je vous file l'iPad Air. D'ailleurs, on l'a en studio, vous pouvez le voir, il est là, il est... Ah, hé, vous voyez bien qu'il est là, l'iPad Air. Ah, on le voit bien. Non, je dis ça aux auditeurs, il est là, regardez. Non, bah, allumez vos micros parce qu'on vous entend mal. Voilà, le bouton rouge, hop là. Il est bien. Donc, il est là. Il est là, ouais. Voilà, je m'étonne pas, il est là. Voilà, il marche très bien d'ailleurs pour le coup. Allez, restez sur Fun Radio, facebook.com/mickaëlofficiel. Eminem et Rihanna de Monster, c'est ce qui arrive juste après ça. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, dans toute la France, il est 20h48 avec dans quelques minutes là le moment où on avait fait où on avait fait le canular avec Amine, un auditeur qui nous avait appelé pour faire croire à son oncle qui avait un lion dans la voiture. Ce qui nous a fait penser évidemment à ce qui s'est passé ce week-end avec le lama hein, qui s'est baladé à Bordeaux. Donc on va en parler dans quelques minutes. D'ailleurs si vous avez vu le lama, appelez-nous hein, 01 42 48 5000, non mais on sait jamais. Et Mathieu qui dit qu'est-ce qu'il est beau l'iPad. Bah oui, l'iPad Air, je peux vous dire qu'il est effectivement super beau. Et je vous l'offre ce soir donc uniquement à ceux qui sont connectés sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Vous allez faire un like sur la photo où je suis avec l'iPad. L'iPad où on voit que j'ai ouvert la boîte, hein, comme ça vous voyez bien que c'est pas une boîte vide, hein, sait-on jamais. Hein. Et donc bah, je vous l'offre, je l'offrirai à un de ceux qui aura fait un like et un partage sur la photo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tirage au sort tout à l'heure à minuit, donc je vous souhaite bonne chance et surtout soyez encore debout. N'allez pas dormir trop tôt quoi si vous avez joué ou en tout cas laissez votre téléphone allumé, c'est tout ce que je vous souhaite. De le gagner l'iPad Air sur le Facebook de l'émission. C'est Mickaël No Limit, on écoute Eminem et Rihanna maintenant sur Fun Radio. The Monster sur Fun Radio. Friends with the monster, the son of my bed. Get along with... Et ben voilà, le dernier son de Eminem et Rihanna à l'instant, c'était The Monster. Des messages qui sont arrivés, tiens. Où est-ce qu'il est celui-là? Très bon duo, Eminem et Rihanna, c'est Fabienne qui avait envoyé le message. Il y a également Théo qui dit c'est quoi le numéro pour joindre Fun Radio? Bah le numéro pour nous joindre, regarde, c'est pas compliqué, on le met souvent pourtant. Alors écoute bien, attends, je te le mets en jingle même. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et ben voilà, tout simplement, tu l'as noté j'espère. Et puis Julien également qui dit je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît. Oui bien sûr hein, pour le message de bienvenue, vous savez bien que c'est avec grand plaisir. Tu me dégoûtes. Voilà, avec grand plaisir Julien. Didier qui dit généralement c'est des personnes d'un âge certain qui font du naturisme. Oui, pour ne pas dire d'un certain âge. Il y a également Samuel qui dit salut, j'ai pas pu écouter l'émission depuis une semaine à cause de mon frère qui a pété ma chaîne IFI, mais en plus j'arrive avec une heure de retard. Je mérite un gros coup de lance-flamme et un ou deux coups de pelle. Bah, avec plaisir. Alors là, mec, un coup de pelle, deuxième et lance-flamme pour nous avoir abandonné pendant une semaine. Ça t'apprendra. Voilà. Salut Mickaël, je suis un fan depuis le début. J'adore Toff, Sandro et tous les autres. Vous êtes. C'est gentil pour tous les autres. Et resterez les meilleurs. Au passage, ma copine vous écoute pour la première fois. Un message de bienvenue pour la copine. Bah, ah ouais, écoute, un bien sale pour la copine. Avec, ah ouais, un bien dégueulasse. Alors attends. Suce ma bite. Voilà, c'est peut-être un message caché. Didier qui dit généralement c'est. Ah oui, des personnes. J'avais déjà lu. Stéphanini qui dit Mardieu commence déjà à déconner. Gardez-moi une place au standard au cas où. Bah écoute, tu sais bien que t'es toujours la bienvenue, Stéphanini. Et Mathieu qui dit qu'est-ce qu'il est beau l'iPad. Encore un. Ah oui, qu'est-ce que. Il y a Boom Rap Radio qui dit c'est bien, je connaissais pas le Cap Dad. Bah moi non plus, je connaissais pas le Cap Dad. Je connaissais le Cap Dad, mais pas Cap Dad, non. Antoine également, gros bisous à toute l'équipe. Et Renaud, vous êtes un imbécile. Bah tout. Toi, je sais pas, mais une chose est certaine, c'est que Toff, oui. Vous êtes un imbécile. Oui, ah bah complètement pour Toff. Hein, Toff. Oui, oui, bah moi je sais, j'assume. Hein. Ah bah complètement, complètement. Bon, et donc on vous avait parlé de ce lama qui fait une petite promenade à Bordeaux ce week-end. Tramway, vous avez vu ça à la tout, télé, hein. Tramway, tout le bordel. Il y a eu des chansons, des parodies qui ont été à gauche, à droite, partout sur Internet. Mais c'est énorme, tu vois une photo où le lama il est attaché à l'arrêt de bus. Oui. Non, c'était énorme. C'est vraiment dégueulasse. Bah, c'était vraiment merde, le titre de nom du film, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Very Bad Trip. Very Bad Trip, Hangover. Exactement. Hangover en anglais et puis Very Bad Trip en anglais aussi, mais pour la France. Mais ça se fait pas, t'imagines, toi, on te prend et on te fait prendre le tramway comme ça. C'est pas un lama. Sans payer. En plus, oui, le lama n'avait pas de titre de transport. Le lama n'avait pas de ticket, attention. Et quoi, il se prend une amende s'il y a les contrôleurs. Bah, ne t'inquiète pas, les mecs ont pris cher parce qu'il y a le cirque apparemment qui a porté plein de fanny. Bah, c'est normal. Bah, oui, on leur vole un lama. Bah, ouais, donc, mais ils l'ont ramené le lama, il était faire une promenade, il était content le lama. Bah oui, il était content, c'est vrai, il a été interviewé après par M6 et le lama était très content. Bah s'il a pas craché, c'est que tout allait bien. Exactement. Tu crois qu'il s'en est rendu compte, le lama, il a fait une balade dans le tram et tout, c'était cool. Bon, et donc du coup, on avait fait ça il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre pour être précis, c'était Amine qui nous avait appelé pour faire une blague à son oncle. Alors écoutez bien, il y a un peu de ressemblance, hein, comme quoi nous étions précurseurs. Ouais, salut, j'appelle pour faire une blague à mon oncle en fait. Une blague à ton oncle, c'est-à-dire. Bah je voudrais lui faire croire que bah en gros on a capturé un lion comme un lion. Bon, et comment t'es censé avoir trouvé un lion? Bah on l'a piqué dans un zoo, on va dire. Normal. Ouais, voilà, en gros on était bourré et. Ouais mais voilà, tu sais, moi aussi la dernière fois j'ai vu un orang-outan, je l'ai pris avec. Non, tu vois, j'ai pris avec moi et on est rentré ensemble, c'est main dans la main, on était cool quoi. Ah c'est vrai. Ouais, là vous l'avez chourave quoi. Ouais. C'est ton nouvel amoureux? Oui, exactement, oui, un orang-outan. Bon, et donc du coup, ouais, à la Very Bad Trip, donc genre tu te retrouves avec un lion, t'étais bourré, tu sais pas ce qu'il fout là et bah là t'es dans la merde quoi. Voilà en gros. Bon, très bien, ok. Bah écoute, on va l'appeler alors, attends, est-ce que mon lion est là? Il est là. Ah. Ouais, il est là, ouais, là c'est bien là. Calme-toi, Minou. Ouais, il est vénère hein, pour le coup. Hein. Bon, et bah très bien. Des croquettes. Et ouais. Tu fais vite, Amine. Hein. Des croquettes, tu vas voir, des croquettes. Bon, on y va. Ouais. Et pourquoi tu veux le piéger, ton oncle, en fait? Il t'a fait un truc en particulier? C'est une vengeance ou c'est juste pour l'emmerder pour le plaisir? Ouais, non, j'aime bien l'emmerder pour le plaisir. D'accord. Bon, eh bah écoute, on y va. On l'appelle. Hein? Allô? Oui? Ouais, allô, Michel, ça va? Ça va être un bon client. Ouais, ah, moi ça va pas du tout là, putain, il m'est arrivé une grosse couille. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que, vas-y, là, tout à l'heure, je suis sorti là, putain, je suis parti au zoo et vas-y, j'étais bourré, t'as vu, et on a piqué un lion, putain. Voilà. Non, putain, sérieux, c'est pas drôle, et là. Oh, vas-y, dépêche-toi là, qu'ils viennent vite le chercher là! Putain, et là je suis avec des potes et le lion, oh putain, et là le lion, on sait pas comment faire et on voulait le ranger chez toi, c'est possible? Comment? Je peux passer à ça, non? On le met chez toi? Vite, il faut s'en débarrasser là, c'est-à-dire qu'il a déjà bouffé mon pantalon! Putain, on a piqué un lion, Michel. Comment? On a piqué un lion, Michel, on a volé un lion au zoo. On était bourrés, on a fait n'importe quoi. Et on a échappé un lion, il nous a suivi et là on voudrait le ranger chez toi, c'est possible, parce qu'à l'hôtel c'est trop petit et à l'appartement c'est pareil. Voilà, hein? Est-ce qu'ils peuvent venir le chercher là? Vite, est-ce qu'ils peuvent venir le chercher? Michel. Oui. Ouais, on peut passer à Sanois, je le mets chez toi s'il te plaît. Non. Pourquoi? Non. Bon allez, t'as dit que c'était un pote là, qu'est-ce qu'il faut? Il arrive ou pas? Ah ouais, Michel. Fais pas ton relou. Ouais, Michel, en plus ta femme elle va rien dire, s'il te plaît. Non. Mais pourquoi? Ça te dérange pas chez toi? La vieille, elle va rien dire. Ça me dérange. Tu fais que de boire. Allez, il a bouffé la table. Pas de soucis. Allez. Michel. Il a bouffé le pied de la table. Non, Michel. Oui. Ouais, parce que tu sais très bien, l'hôtel, je peux pas le garder. Et l'appartement, là où on est, il est trop petit. C'est même pas 20 mètres carrés. Et je sais pas, on peut pas le ranger chez toi, tu vois, le cacher dans un coin. Vas-y, passe-le-moi. Attends, je te passe mon pote, ok? Non, laisse. Allô? Attends, ouais, Michel. Oui. Je m'appelle Michel aussi. Eh, tu peux venir nous filer un coup de main, là? Parce qu'on a fait tout l'appartement. Allez, salut. Non, Michel. Michel, raccroche pas, Michel. Oh merde, putain, il est déjà parti. Allez, dis donc, heureusement qu'il nous a dit ouais, t'inquiète, il est cool. Oh le bâtard, il s'en bat les couilles. Complètement, ouais. Attends, on va le rappeler. Fais croire qu'il est en train de te bouffer. Ouais. Vas-y, on le rappelle. Allô, Michel ? Oui. Ouais, elle, là, je suis vachement dans la merde, Michel. Faut que je trouve un truc, là, putain. Ah ouais, monsieur, c'est pas un truc, c'est débrouillé. Mais Michel, en plus, il y a eu un avis de recherche, là, pour Lyon. Putain, on est vachement dans la merde. Faut vraiment que je le cache quelque part. Mais alors, tu te dis que les flics, ils vont venir chez moi. T'es malade. Où est-ce qu'il habite? Parce qu'on vient le déposer. Où est-ce qu'il habite? Michel, vas-y, on passe chez toi, Tano, ok? Amine, ne tout même faites pas des trous comme ça. Débrouille et fais ce que tu veux. Michel, t'as vu, pour tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Non, amène-le à l'hôtel. Mais à l'hôtel, mon père, il va me tuer après, c'est malade. Ah, quoi. Non, il faut qu'on le dépose chez lui, là, c'est urgent, là. On peut pas, là. Vas-y, on l'a déjà mis dans la voiture. Où il habite, où on démarre? Michel, tu vas passer à Sanois, ok? Non, c'est pas la peine. J'arrive, ok, parce que là, c'est trop la merde. C'est quoi l'adresse? Merde, attends, on t'emballe pas, il a raccroché nouveau, dis donc. Il s'en fout, hein. C'est dingue, ça, quand même, là. En fait, il a peur que les flics viennent chez lui. On le rappelle. Vas-y, ça marche. Hey, il est dans une maison? Ouais. Ok. Allô, Michel? Oui. Ouais, elle là, franchement... Je suis trop dans la merde, sérieux. Vas-y, je passe chez toi, je le pose dans la cour et je me casse, ok? Non, tu ne fais pas ça. Mais pourquoi? Ça te dérange pas? Ça me dérange, Amine. Mais ta femme, elle va rien dire, Michel. Mais tu es malade ou quoi? Il a bouffé ma chaussure! Ça y est, il a bouffé! Michel, s'il te plaît, tu peux me rendre ton service, s'il te plaît? Non, Amine. Mais pourquoi? Tu ne mets pas dans la merde. Non, Michel. Mais Michel, je vais pas te mettre dans Amine, la merde. Amine, t'es malade ou quoi? Michel, c'est moi qui irai dans la merde. Après, je vais aller en prison. Je m'en fiche. Tu veux que je suis, moi? Mais toi, t'as déjà eu des problèmes avec la police, c'est bon. Laisse tomber tout ça. Vas-y. On peut venir ou pas avec le lion, là? T'as demandé à Michel. Est-ce qu'on peut venir? Michel, nous laisse pas dans la merde. Salut. Michel. Michel, attends. Michel, s'il te plaît, attends. Dis-lui que je donne 50 euros. Michel, on te donne 50 euros pour le garder, ok? Non, je ne veux pas. Et on lui donne sa boîte avec ses granulés. Écoute, Michel, écoute-moi, s'il te plaît, ok? Il faut juste qu'il sorte deux fois sur la soirée. Il ne sait plus rien, ami. Non, Michel, et Michel. Dis-lui qu'il ferme sa gueule. Ok, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut venir ou pas? Attends, Michel. Michel, écoute-moi deux minutes. Merde, attends, il est parti. Ah, j'adore. Et donc, du coup, on avait dû le rappeler juste après l'oncle de d'Amine, justement. Damine, ouais. Hein, voilà, c'est ça, c'était Michel, l'oncle d'Amine. Rien à voir avec le fait que je m'appelle Michel dans les canulars. Hein, c'était déjà bien avant, bien entendu. Et donc, du coup, on l'avait rappelé. Comme quoi, il y avait un petit rapport quand même avec le lama, hein, malgré tout. Hein, c'était pourtant il y a deux mois. On n'en était pas loin. Hein. Ah ouais. Il y a Fabienne qui dit le lama qui se balade dans le tram. Un bon gros délire d'étudiant. Et puis Stéphanie qui dit Montpellier, c'est loin, mais je pourrais peut-être faire l'effort de venir vous voir. Bah écoute, pourquoi pas, Stéphanie. Bon, suite du canular maintenant. On avait fait croire à l'oncle cette histoire de lion qui était dans la voiture. C'est parti. En plus, j'aurais pu lui parler, mais taisez-vous, je vais lui dire. Ouais. Mais sinon, on peut pas lui faire croire que les flics sont arrivés et qu'on leur demande de dire que c'est à lui et qu'on lui ramène. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Amine, ton laisse tranquille. Attends Michel, là je suis avec la police, deux secondes, parce que sinon je vais me faire arrêter. Alors vais... qu'est-ce que c'est que cet animal là derrière? Michel, écoute juste. Il a raccroché. Merde, encore raccroché. Il a dit je suis avec la police, il a raccroché. Attends, moi je vais l'appeler, il va dire arrête ton cinéma, je vais dire c'est la police, tu vois, il va me raccrocher au nez, je parie. Attends, on le rappelle, c'est moi qui parle là, c'est la police. Dites-lui que j'ai dit que le lion il était à lui. Ouais, t'inquiète. On va lui rapporter. Ok. On va lui rapporter, ouais. Qui est-ce qui est encore? Oui, bonsoir monsieur, police nationale. On a arrêté trois personnes dans un véhicule avec un animal assez particulier. Apparemment, ce serait votre animal de compagnie. Oui. Est-ce que c'est votre animal ou pas, monsieur? Non, pas du tout. Non, c'est pas votre animal, vous l'avez jamais vu, parce que c'est quand même un animal assez particulier. Hein. C'est une espèce de gros chat. C'est un lion. C'est un lion? Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec un lion, monsieur, chez vous? Bah, rien. Donc c'est votre lion, alors? Non, c'est pas moi. Donc apparemment, on va venir vous le rapporter, et puis on va faire une petite perquisition pour voir ce qui reste dans la maison, là, hein, pour voir s'il n'y a pas des serpents et d'autres animaux. Non, pas du tout, je veux pas ça. La tendance... Écoutez, que vous le vouliez ou pas, ça c'est une chose, mais apparemment, ces trois personnes-là prétendent que c'est votre animal. Bon, vous savez que c'est illégal. Mais oui, c'est à lui, hein. C'est à lui, pourquoi il le dit pas? Donc, monsieur, comment vous appelez vous, Amine, non, c'est ça? C'est pas moi, oui, c'est oui, pas oui, moi. Exactement. Donc, monsieur. Vous déclarez bien sur l'honneur que c'est l'animal de la personne ici même au téléphone. Oui, c'est Michel, oui. Le sus nommé Michel, oui. Bon, écoutez alors monsieur, donc là on va arriver, hein. Comment? J'ai dit on va arriver pour vérifier, vous habitez dans une maison, dans un appartement? Non. Ah non, c'est-à-dire? C'est pas moi, j'ai rien des animaux, c'est quoi ça? Paraît que vous avez un lion et que ce lion se retrouve là dans la voiture, apparemment vous leur avez demandé de sortir pour qu'il fasse ses besoins, donc je comprends pas. Non, pas du tout. Donc vous leur dites que c'est un menteur, c'est ça? Écoutez, je vais interroger deux autres personnes, je vous repasse le dénommé Amine. Monsieur, tenez le téléphone s'il vous plaît, là. Parlez avec le propriétaire de l'animal, là. Arrangez-vous, là. Ouais, je peux m'éloigner un petit peu? Allez-y, pas trop loin, hein. Ouais. Allô, Michel? Écoute, regarde, là je suis dans une sale galère, je te jure. Franchement, là je rigole. Écoute, attends, laisse-moi finir. Alpha Tango, papa. Le lion, on dit que c'est à toi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il va demander le papier, tout ça. Ne mets pas dans le trou. Écoute, Michel, fini, Amine, je m'en fous. Laisse-moi finir. De toute façon, le policier, il va vouloir te reparler. Écoute, ce que je suis en train de te dire. Le lion, là, ils sont en train de l'endormir. Ils vont l'endormir. On va le poser chez toi demain matin. Non, pas du tout. Donc, écoute, moi et mes potes, on passe 300€ et demain on n'en parle plus. Ami, j'ai menti. Je veux que les flics ils viennent ici. On va aller ramener l'animal chez le propriétaire là. Écoute, attends, écoute Michel, chez toi t'as rien, t'as pas d'arme à feu, t'as rien. Moi je serais baisé. Tu comprends ce que je te dis? Je vais prendre au moins 50 tôles. Je peux rien faire avec. Non. Écoute, tu m'as pas compris. Le lion, ils vont pas le poser chez toi comme ça, ils vont l'endormir. Et dès qu'ils l'endorment, après, ils vont se barrer, ils vont pas faire de contrôle. Si le lion, tu dis qu'il est à toi, il y aura plus aucun problème. Tu piges ou pas ce que je te dis? Non, pas du tout. Les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais les voisins, ils vont rien dire du tout. On leur pisse dessus aux voisins. Attends, Michel. Toi, tu crois que je le vais mettre dans ce lion? Mais écoute, Michel. Écoute, oh, attention, Michel. Là, il attaque. Attention, là. Rémi, là, sors le pistolet, là. Attends, vas-y. Sors le pistolet, là. On va l'achever, là. Michel, oui. Ça y est là, il est mort ou pas là? On peut vérifier? J'ose pas. Bon, attends, je dégaine. Oh. Je pense que c'est bon là. C'est bon? Monsieur Michel, là, désolé pour votre animal de compagnie. Oui. On va pas pouvoir vous le ramener, hein. Oh, c'est bien. Vous n'avez pas l'air triste? Ah non, pas du tout. Ah bon? Bon, tant mieux, hein. Bon, Michel! Oui. T'es en direct sur Fun Radio. Allez, Michel! C'était une blague, Michel. T'es à la radio, c'est sur Fun Radio. Je fais des petits connards. On voyait qu'il rigolait moins. Il grelait. Je fais des petits connards. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà. Donc c'était le canular qu'on avait fait avec les lions. Ça nous a fait penser au lama de ce week-end. Il y a Cell23 qui dit mort de rire. Il est énorme, le Michel. Il y a Odile qui dit coucou. Il est beau ton iPad. Bah oui, oui, oui. À l'iPad Air à offrir, enfin à gagner plutôt, sur le Facebook de l'émission et uniquement sur Facebook. Tirage au sort avant minuit. Facebook.com/MIKL officiel. Vous devez simplement aller faire un like et un partage. C'est pas plus compliqué que ça et on tire au sort parmi vous avant minuit. Let's be freaks qui dit quand j'ai lu l'histoire du lama j'ai pensé direct à ce canular et Dams Nurtic qui dit je kiffe ce passage, ferme ta gueule espèce d'icône et dis-lui qu'il ferme sa gueule. C'est ça. Bande de salauds, c'est Julien, on prend ça comme un compliment bien entendu. Et Logan également qui dit je fais un gros bisou à maman qui se fait opérer demain, je pense fort à elle, je t'aime maman. Oh bah très bien Logan, j'espère que c'est pas trop grave. Le prince avec qui dit ce canular me fait toujours autant rire. Et puis Mickaël qui dit le meilleur Mickaël, on peut avoir un message de bienvenue, c'est Stoyan. Et Laetitia qui avait envoyé le message, bien sûr. Alors attention, je vous en mets un. Mais putain, va te faire enculer la fille de putain. Voilà. Et puis Boom Rap Radio qui dit il a bouffé ma chaussure. Genre il ne boufferait pas le pied le lion. Ouais mais ça c'est tough hein, quand il a commencé son grand talent de, mais oui, d'acteur. Ouais. C'est là que l'acteur studio est arrivé. Hein. C'était ma première apparition. Mais oui, ça. C'est mon premier grand rôle. Exactement. Et depuis évidemment il a quand même été très connu pour son grand passage. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, ça ça a été le sommet de la carrière. Il va avoir un Oscar pour ça. Peut-être, on verra. Au moins verra. Un Golden Globe, j'espère. Ah, ben, j'espère aussi, ouais. Bon, il y a Mousse dans quelques minutes qu'on va prendre. Apparemment, lui a vu le lama. C'est bien ça, Mousse. Bon, Mousse. Ouais, salut. Mousse, ça va bien, Mousse. Ouais, tranquille, bien. Alors, t'as vu le lama, toi? Ouais, j'ai vu le c'était lama. Où à Bordeaux. Il t'a craché dessus ou pas? Mais presque, l'enculé. Ah, l'enculé, c'est bon, ça. Bon, ouais, tu connais les mecs qui ont fait ça ou pas? Mais ouais, j'en connais un ou deux dans l'équipe. Ah, ce serait bien. T'as pas un numéro de téléphone qu'on puisse en avoir un au téléphone? Ouais. Ah ça ce serait cool. Alors attends, je te repasse Sandro pour essayer de choper le numéro de téléphone. On aura Maël aussi qui voulait parler des naturistes ce soir. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà fait du naturisme. Eh ben venez nous en parler, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et juste après le son de Jason Derulo sur Fun Radio. Eh ben on va se refaire un coup de la colle avec Shane dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne nuit, c'est Mickaël No Limit. On est en direct de 20h à minuit tous les dimanches soirs. Faites passer les messages auprès de vos potes évidemment hein, que c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les dimanches soirs de 20h à minuit et toute la semaine de 23h à 2h. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez, on y va. 20h minuit. Mickaël No Limit. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, 21h13. Et on suit le match aussi. Hein. Lille-Monaco, c'est Monaco-Lille, je m'en pas, tiens. C'est Lille-Monaco, 0-0 toujours pour le Nord contre le Sud. On va voir comment ça va se passer. C'est la 10e minute de jeu. Comme ça, vous êtes tenu au jus si vous êtes peut-être dans la voiture en train de faire la route du retour et que bah forcément vous écoutez l'émission, bah, on vous tient au jus. Il n'y a pas de problème. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio dans un instant. Et eh bien nous aurons Shane avec la colle pour gagner la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost. On va également faire les appels avec Toff hein. On va commencer avec les sextoys. Si vous étiez avec nous cette semaine, bah vous avez certainement entendu l'appel pour les sextoys. Si vous n'étiez pas avec nous, et eh bien ce sera l'occasion de faire la petite repêche. Ce sera dans quelques minutes, juste après le son de Jason Derulo qu'on écoute maintenant avec Dirty Talk sur Fun Radio. Et je vous rappelle également qu'il y a l'iPad Air à choper là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Tirage au sort avant minuit, bonne chance. I'm that flight that you get on. C'est Fun Radio avec le son de Jason Derulo. Eh ouais, c'était Dirty Talk. Mickaël, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio, comme tous les dimanches soirs, avec tous vos messages qui arrivent en direct. N'hésitez pas à le balancer comme Communauté qui dit aussi un coup de pelle à Toff et à mes profs que je revois demain. Oh mais tu vas être content. Et ils vont être bien, t'inquiète. Mais prof. Oui. Jordan qui dit tellement que je vous adore, je vous ai mis en photo de profil. Est-ce que Toff a eu son message de bienvenue? Bah oui, t'inquiète pas. Et s'il l'a pas eu, il va en avoir un dans pas longtemps. Il y a quoi? Van Celslas aussi qui dit je t'écoute tous les soirs et tous les soirs je me tape des fous rires. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Jordan qui dit salut Mickaël, est-ce que... Attends, c'est quoi? C'est quand qu'elle est libre, Sandro? Alors libre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il y a Greg aussi qui dit moi je me prends pour Rocco Siffredi et Julien, ça fait un an que je vous écoute et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Alors toi t'es un mytho Julien parce qu'on est là depuis le mois de juillet. Voilà. Tu vois, menteur. Tu peux pas nous écouter depuis un an. Attends, poule. Eh oui, poule. Ah, là, oui, bah, poule. Attends une seconde. Pardon, oh, là, il va se calmer là. Poule. Bon alors poule. Voilà, espèce de mytho. Parfait, voilà. Non, mais dis donc, t'exagères un petit peu, me semble-t-il. Je les shoot, moi, les mythos. Mais t'as raison. Bon, et si vous voulez prolonger votre week-end, eh ben, j'ai les 13 pires excuses que des gens ont déjà données pour ne pas aller bosser. Et il y a du lourd. Alors, si vous avez déjà sorti des excuses à la con, venez nous les donner. Vous mettez le hashtag Mickaël ou alors vous appelez directement Sandro au standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Qu'est-ce que vous avez déjà donné comme excuse de merde pour pas aller à l'école ou pour pas aller travailler? Attends, on va demander aux auditeurs aussi qui sont venus. Allumez le micro, parlez bien devant le micro. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as déjà donné toi comme excuse de merde pour pas aller en cours ou... Allez, sors-en une bonne là. Franchement, ouais, je sais pas. Non, je suis un élève modèle, je n'ai jamais fait ça. Oui. Non. Poule. La maladie, la fausse maladie. Merde. La fausse maladie. Ouais, ça marche bien. Ouais, la fausse maladie, ouais, pourquoi pas. Et le frère à côté, il a donné quoi comme connerie là? Moi j'y vais pas. Ouais, voilà, lui, lui c'est un repas, il a rien à foutre, voilà c'est ça. Et alors le pote à côté, j'ai oublié son prénom. Bien. Comment tu t'appelles? Kevin. Kevin, plus près du micro Kevin, approche-toi. Oui. Qu'est-ce que t'as déjà donné comme excuse de merde pour pas aller en cours? Aucune. Oh là, je suis un élève modèle. Oh là là, l'élève modèle. Je vais toujours à l'école. Oui, bien sûr. Bon, et toi Taf? Moi la pire c'est la je pense c'est j'ai jamais gratté toute la journée au taf, mais c'est genre arrivé en retard et donc j'ai dit j'ai eu un problème avec la voiture, j'ai dû faire venir genre le dépanneur. Ouais. Et donc tu passes les mains sur le pneu, t'arrives avec les mains pleines de cambouis, ça passe très bien. C'est quand même le spécialiste de l'enfume toi. Oui oui, bah ça c'est sûr. Oh, hein. Il ment à ses copines, mais il oui, ment à mais tout il le monde, se ment à lui-même, il se fait défendre à lui-même. Exactement, parfois il arrive et il dit ah putain, je suis en retard. Ouais, mais c'est parce que j'ai crevé un pneu. Ouais, bah ça doit être ça, mais il se parle à lui-même en fait, tu vois, c'est ça je parle avec moi-même pour être sûr, voilà. que ce que je dis est vrai. C'est ça. Il y a Jordan qui dit j'ai de la fièvre. Ouais, ça peut fonctionner effectivement. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est même pas une excuse. Là, je l'ai vraiment fait. C'est que j'étais dans la voiture, j'avais mis la clim à fond de balle. En fait, je suis resté dedans pendant une demi-heure avec t-shirt en plein hiver pour choper la crève. En fait. Ah ouais. Oh là toi, là. Tu veux être malade, mais c'est plus une excuse. Alors, t'es vraiment malade. Ouais, mais bon, ça reste de l'enfume aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai déjà fait. On va poser la question également à Romain qui est avec nous. Là, salut Romain, Clermont-Ferrand. Comment ça va? Salut, bah ça va, tranquille. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que t'as déjà fait toi comme pire excuse pour pas aller au bahut ou travailler? Alors comme pire excuse, bah, moi c'était pas trop une excuse, j'avais fait genre que j'avais mal au ventre comme à l'appendicite, mais en fait je l'ai eu après. Ah oui, mais donc c'est pas une excuse ça pour le coup, t'as vraiment eu mal, c'est pas une enfume. Quand je dis pire excuse, c'est le pire mytho que vous ayez inventé pour pas aller bosser ou pour pas aller à l'école quoi, tu vois. Ah, le tube, enfin, ouais, mal de ventre. Ouais, mal au ventre. Après, le thermomètre, le mettre sur la lampe. C'est ça. Ouais, mais ça, le problème, c'est que ça marche une seule fois, tu vois. Si après ta mère, elle arrive, ou même pire, le médecin qui arrive et qui dit, bon, on va reprendre la température. Ah ben c'est redescendu là. Ah ben ça va mieux docteur. Ah ben ça va beaucoup mieux hein. Comme quoi c'est psychologique, quand on vous voit on va beaucoup mieux. Non, parce qu'en fait on est tombé sur une enquête. Enfin c'est les 13 pires excuses. Alors il y a là, on va commencer par la première. Je me suis endormi à cause des produits chimiques présents dans la dinde que j'ai mangé. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Alors là je pense que quand même c'est chaud. Il y a quand même du level hein. Attention, parce que ça c'était quand même improbable. Le deuxième, il y a mon dentier qui a volé par la fenêtre alors que je roulais sur l'autoroute. Donc ça c'est pour les plus vieux évidemment. Alors il faut déjà avoir un dentier pour que ça passe. C'est ça. Je suis tellement en colère que j'aurais probablement blessé quelqu'un si j'étais venu travailler. Ça c'est pas mal. Alors ça c'est effectivement c'est ouais c'est sympa. Non ouais c'est pas mal, moi j'aime bien celui-là. Ouais c'est à tester, donc les pires excuses, venez nous en parler. Donc moi j'ai eu de la fièvre, il y a Emery qui dit le tordage de cheville avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Alors Zifrit aussi qui dit alors moi pour pour pas aller au collège, j'ai mis mon pied dans le broyeur. Non mais t'es complètement con. Ouais. C'est pareil, faites pas ça. C'est pas des vraies excuses, enfin c'est pas des fausses excuses. C'est-à-dire t'as vraiment le pied défoncé. Après. C'est ça. Et Marie aussi qui dit, je voudrais avoir un message. Attends, c'est quoi ? Je vous adore et j'aimerais avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. Bah oui Marie, on va t'en mettre un petit message de bienvenue. T'inquiète pas. Hop là. Va te faire enculer maintenant. Eh ben voilà, message de bienvenue. J'espère que t'es contente hein, d'être venue. Bon, en tout cas, reste avec nous Romain. On va reparler avec toi. Gaëtan également avec les pires excuses. T'es là Gaëtan ? Oui, je suis là. Est-ce que t'as écouté l'émission cette semaine, Gaëtan ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas grave. Alors du coup, c'est aussi à ça que ça sert le dimanche. On vous remet les meilleurs moments des canulars. Et donc c'était quand Toff avait téléphoné pour savoir si les gens utilisaient des objets de tous les jours comme sextoy. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et très intéressant, tu sais bien qu'on est là tous les soirs, du lundi au jeudi, pour faire des sondages de 23h à 2h du mat. Et plus on appelle tard, plus les gens sont de bonne humeur. Et si mes souvenirs sont bons, on avait appelé bien tard. Alors écoutez ça, et bouge pas de là, Gaëtan, on te reprend juste après. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà utilisé des objets de la vie courante comme objets sexuels, comme sextoy. Écoutez, c'est assez original. Oui, c'est assez original. Souvent, de se mettre un concombre, c'est original, j'avoue. C'est vrai. Mais, comment dire ? Oui. Vous êtes un imbécile ou vous êtes quelqu'un qui vous amusez ? Vous cherchez à savoir quelque chose ? Oui, je cherche à savoir ce que vous utilisez, vous, comme objet de la vie courante, pour vous donner un peu de plaisir, quoi. Écoutez, monsieur, oui. Lisez des livres. Ouvrez-vous l'esprit. Allez prendre l'air. Oui, mais essayez de voir autre chose. Et bonsoir. Allez lire des livres. C'était pas mal. Et on l'avait rappelé ce monsieur qui était très charmant, hein. A priori quand même, hein. Allô. Oui, je m'excuse, mais je ne vois pas le rapport, monsieur. À moins que vous vous introduisiez des livres, mais. Écoutez, déjà auriez-vous le courage de me dire qui vous êtes ? Oui, je m'appelle Toff, monsieur. Ah, bon. C'est un surnom ? Ah non, c'est mon nom. D'accord. Bah écoutez, comment vous dire ça ? C'est pitoyable ce que vous faites. Pitoyable, monsieur, c'est un grand mot quand même. C'est un peu fort. C'est un mot, pitoyable. Enfin, pitoyable mais pas digne de pitié. Et faites attention parce que si j'ai encore affaire à vous, je préviens la police et ça sera assez facile de vous retrouver. Oui, ce n'est pas très difficile de me retrouver, monsieur, mais je vois pas le rapport. Bah je le vois, moi. C'est qu'en fait, faites quelque chose d'illégal. Bah non, je vous appelle gentiment pour vous poser une question et c'est vous qui voulez pas y répondre. Qui me racontait des trucs de livres, enfin moi je comprends rien monsieur. Écoutez, vous pourriez être drôle dans un autre monde, mais pas dans ce monde-là. Allez, bonsoir. Allez dormir mon pauvre ami. J'aime bien le. C'est vraiment le pauvre ami en fait. C'est allez mon pauvre. Ouais. Allez, va dormir mon pauvre ami. Tu peux être drôle mais pas dans ce monde-ci. Allez vous faire foutre. Eh ben voilà. Vous êtes un imbécile. Eh ben vous êtes un imbécile. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà. Ne cassez pas les couilles hein. Bon bah c'était tous les amis de Toff que nous avons rencontrés cette semaine. Et nous vous remettrons encore d'autres passages évidemment tout à l'heure avec grand plaisir. Il y a Warren qui dit moi je ne suis pas un mytho. Je vous écoute depuis une semaine, des gros fous rires. Je pourrais avoir mon message de bienvenue également. Si tu veux tiens hop là. Est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles moi? Eh ben des parcouilles c'était aussi cette semaine ça. Emery qui dit énorme le canular. Shana, moi j'ai dit que j'avais une otite. Et vu que l'infirmière n'était pas là, donc j'ai eu pas cours toute la journée. Oh bah ça va c'est cool. Mordeur rire, vous êtes un imbécile. Florian qui dit j'ai fait une overdose de jus d'orange. Oui, ça aussi. Alors, si vous voulez un truc, j'ai testé un truc quand on est parti à Prague. Il fallait pas, hein, ça m'a tué quand même ma première journée, mais ne mélangez pas le jus d'orange avec le lait et du miel. Ouais. Parce que j'avais mal à la gorge, okay. Donc j'avais pris mon jus d'orange pour le matin, parce que c'était le matin, et le lait avec du miel, parce que c'était bon pour la gorge. Sauf que le mélange des deux, ça m'a tué la gueule pendant 24 heures. La gorge allait mieux, mais pas le ventre. Et encore, hein. Ouais, et Steven, oui. Ça c'est pas pareil, t'es vraiment malade donc. Non mais ça veut dire que vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez essayer. Ouais. Mais après, t'es vraiment malade, c'est vrai. Steven qui dit j'ai dit qu'un chien m'a coursé et j'ai déchiré mes affaires. Y a Thomas qui dit moi après un coup on a fait de la peinture. J'ai dit que j'avais fait une réaction allergique à la peinture. Du coup, je suis resté dans le hall. Et puis Isvan qui dit aussi moi la fausse excuse c'est mon père était mort. Ah non ça c'est nul parce que si déjà ça se fait pas. Et de deux le jour où ton père va vraiment mourir. Enfin tu vois si jamais il a un accident n'importe quoi qu'est-ce que tu veux dire. Ah oui, mon père est mort. Ah ouais, mais il était déjà mort il y a un an, non, il me semble. Ouais, mais en fait, enfin, sauf que tu vois. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. À la limite, que des personnes qui sont déjà décédées, pourquoi pas, mais pas sur ceux qui sont encore vivants, ça se fait pas. Vincent qui dit mon chat a bouffé mon chargeur de mon téléphone, du coup, il a pas sonné. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pile, hein, il y a pas de batterie dans le téléphone. Non, bah non. C'est bien connu. Alexandre, moi, je m'étais fait vomir et j'ai dit à ma mère de... je l'ai dit à ma mère pour pas aller à l'école. Continuez avec les fausses excuses que vous avez balancées, hein. Donc je rappelle, il y a la troisième aussi. Là, je suis tellement en colère que j'aurais probablement blessé quelqu'un si j'étais venu travailler. C'est une bonne excuse. Yako aussi, la quatrième. Quelqu'un a fermé mes portes et fenêtres et je ne peux donc pas sortir de chez moi. Oui. C'est pas mal. Parce qu'effectivement, il habite dans une maison bizarre où tout se ferme, mais de l'extérieur. Oui, c'est la seule maison qui est faite comme ça. Quand même pratique. Il y avait le cinquième aussi, parce qu'il y en a 13. Hein. Mon équipe de football favorite a perdu hier. J'ai donc besoin d'un peu de temps aujourd'hui pour m'en remettre. Bah, c'est normal, c'est normal. Ah bah oui, c'est logique. Je comprends, effectivement, c'est une bonne excuse. Et toi, Gaëtan, c'est quoi ton excuse? Oui, alors moi, c'est la semaine dernière. En fait, je viens de déménager. J'habitais dans le sud et je suis arrivé à Grenoble. Et je suis tombé malade, malheureusement, et j'ai appelé mon boss, je lui ai dit j'étais malade et j'allais rester dans la douche, donc j'allais être en retard, très en retard. Donc je suis resté dans la douche une demi-heure, et il m'a rien dit, il y a cru, et en plus ça a bien marché. Parce que c'était la première fois. L'excuse de la douche, c'est une bonne excuse. Elle n'était pas terrible, Gaëtan. C'est sur le long terme que ça ne marche pas bien. Mais enfin, là, si ça a fonctionné pour toi, tant mieux, tu me diras. Ah oui, grave. Ça a bien marché, pire que celle que je viens de lire. Mon équipe de football favorite a perdu hier. J'ai donc pas pu venir parce qu'il me faut du temps pour me remettre. J'avoue. Mais ça, moi, c'est crédible au moins. Eux, c'est pas crédible. C'est vrai que ça l'est un petit peu plus. Moi, c'est largement crédible. C'est vrai, ça l'est un petit peu plus. Alors, attends une seconde. Il y a également Hélène qui est avec nous de Fontainebleau. Là, salut Hélène. Bonsoir. Comment ça va, Hélène? Ben, ça va bien, merci. Bon, ben, sois la bienvenue également, Hélène. Tu fais quoi dans la vie? Toi, t'es étudiante, tu travailles? Là, je suis au chômage actuellement. Je suis dans une grande entreprise de France. Ok, ouais, écoute, c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Bon, Hélène, sinon, combien mesure Hélène? Ah oui, c'est pas le débat. Si, c'est le débat. Pardon, combien mesures-tu, Hélène? Je mesure 1m65, je pense. D'accord, combien? Quelque chose comme ça. Quelque chose entre 56 et 58 kilos, je pense. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 90C, il me semble. Ah oui, et la taille du pantalon? C ou D, ça dépend de ce que tu as acheté. Ah, C ou D, je crois que je vais prendre D alors. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Entre 38 et 40. Oui, c'est. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Merci. Oh, écoute, avec plaisir. Voilà, avec grand plaisir. Bon, Hélène, on va parler des pires excuses avec toi dans quelques minutes. Pas de soucis. Bon, Jessica Sanchez, ça branche comme son là avec Tonight. Ça m'ira très très bien. Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, je te le calme maintenant. Ah bah, reste là. Gaëtan, tu ne bouges pas non plus. On va revenir avec toi dans quelques minutes. On va se refaire un coup de colle également avec Shane dans quelques minutes pour gagner la Xbox One et l'iPad Air à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bonne chance. Vous êtes un imbécile? Le dimanche soir, Fun Radio, 20h minuit, No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. Vous êtes un imbécile? Oui, bah c'est, on parle de Toff. D'ailleurs, il y a Rémi qui dit Toff est débile juste pour l'émission ou c'est naturel? Non, c'est naturel, Rémi. Hein, il est 100% pur merde. Je suis comme ça à toute période. Voilà, exactement. Vous êtes un imbécile? Complètement. Il y a Solène, pardon, qui dit moi, un jour, j'ai fait genre je pleurais parce que j'avais mal à la tête et je suis parti chez moi. C'est pas mal. Didier qui dit le lait tourne avec du jus d'orange. Coup de pelle. Ah oui. Effectivement. Alexis qui dit mort de rire, l'appel du lion. Les mecs, vous êtes trop trop forts. Et puis Siam qui dit top la voix, bon esprit l'émission. Ah oui, Siam qui a discuté avec moi tout à l'heure sur le Facebook et qui est arrivée juste parce qu'il y avait un cadeau à la clé, hein, donc elle est venue juste pour la carotte. Mais du coup, elle découvre l'émission et apparemment elle aime bien. Bon, bah, tant mieux Siam, sois la bienvenue en tout cas. Emmanuel qui dit aussi, moi la pire excuse, j'ai eu un accident de voiture, je suis pas allé travailler pendant une semaine et quand je suis revenu, la voiture n'avait rien. J'ai dit que je l'avais déjà fait réparer entre temps alors que c'était totalement faux. Quel enculé celui-là quand même. Ah oui, c'est... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Shane, Shane, retour là avec la colle pour repartir avec la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost en exclu total, puisque pendant qu'il y a d'autres radios qui vous font croire qu'elles vous offrent les consoles avec des boîtes vides, nous on vous le prouve avec des vraies consoles. La console est dans mes mains, enfin pas là actuellement, mais en tout cas vous avez la photo, on a fait la photo jeudi et je me suis entraîné à FIFA 14. Hein. Alors ? Ah bah Bruce peut plus rien contre moi maintenant. Ah ça y est, t'es devenu bon là ? Bruce, le champion du monde là qui m'avait éclaté 4-0 au Paris Games Week mardi, ne peut plus rien contre moi, mais je me suis entraîné tout le week-end. C'est parce que t'as lu le livre. Et en plus j'ai lu le livre en effet. Donc si vous voulez vous aussi tenter peut-être de battre Bruce à FIFA 14 par exemple, et ben on vous offre la Xbox One ce soir en exclu qui n'est pas encore sortie, je tiens à le rappeler. Et en plus on vous met le jeu aussi Call of Duty Ghost. Alors, vas-y Shane, on t'écoute. Alors, je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je ? Bon, je vais le répéter parce que je suis pas sûr que ce soit clair. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je ? C'est bien ça ? Oui. Proposer un clitoris. Non. C'est pas mal ça. Il y a Cassian aussi qui dit, ou Cassian, je sais pas, la réponse à la colle, c'est un parapluie. Non. Non, il y a Ophélie qui proposait le sexe d'une femme. Non. Un évier. Non. Est-ce que c'est sur le corps humain ? Oui. D'accord, ok. Homme, femme, les deux, hein, peu importe. Tout le monde en a une. Ou un. Oui. Bon, ok. Un toit. Non. Bon, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Hein, on donne la réponse dans moins d'une heure, vers 22h30, pour gagner la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost. Et on vous l'offre vraiment, comme je le dis, il y a la photo qui est sur le Facebook, comme quoi vous voyez qu'on a bel et bien, nous, la console. Donc allez voir facebook.com/MIKL officiel. Shane, donc, si vous avez la bonne réponse à la colle de Shane, et ben vous envoyez MIKL, espace votre réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, Shane, et ben tu perds et l'auditeur qui aura trouvé la bonne réponse gagne. Et si personne ne trouve, Shane, c'est toi qui gagne. Okay, en tout cas, je te souhaite bonne chance. On le saura dans un peu moins d'une heure. Okay, salut, okay. Shane, à tout à l'heure. Ouais, allez, ciao, Shane. On va aussi dans quelques minutes se remettre un petit coup de... Chérie, je peux te faire cocu. Eh oui, c'est tous les lundis, le chérie, je peux te faire cocu. On s'est tellement marré cette semaine qu'on va vous le remettre dans quelques minutes. Je vous calerai aussi dans quelques instants le son de Alesso et Calvin Harris avec Under Control. Et puis aussi Selena Gomez avec Slow Down. T'aimes bien Hélène ? Ah oui. Moi j'aime tout, moi je suis pas difficile, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Ah bah, très bien, mais écoute, t'as bien raison, sois la bienvenue Hélène. Bon, on t'a accueilli il y a quelques instants pour les pires excuses. Oui, tu peux essayer de répondre à la colle d'avant ? Tu peux essayer, mais il faut envoyer un message. Donc même si tu donnes la bonne ou mauvaise réponse, tu seras quand même pas considérée comme gagnante. Donc tu peux essayer, et si t'as la bonne réponse, ça aidera tous les autres. Mais tu ne seras pas beaucoup plus avancée Hélène. Mais pas les autres. Bon, c'est normal. Tout le monde doit envoyer que son message. La bonne réponse. Je te le souhaite. Tu peux toujours t'inscrire et si t'y ressort, tu gagnes. Hein, on sait jamais. On sait jamais. Bon, Hélène, alors, toi, c'est quoi ta pire excuse pour pas aller bosser ou pour pas aller à l'école ? Alors, moi, en fait, c'est plutôt une excuse que tout le monde a plus ou moins utilisée. Sauf que moi, en fait, j'ai une petite histoire. C'est qu'en fait, j'avais dit donc à mes parents que j'étais malade, j'étais pas bien et tout ça. Et en fait, on a été chez le médecin. Ouais. Et j'ai un super médecin, super compatissant. Soit la psychologie est vraiment très, très forte parce qu'il s'est avéré que mon médecin a dit que j'étais malade. Non. Ouais, mais c'est parce que du coup, le médecin, il a pu faire sa petite ordonnance, sa petite facture et hop, merci beaucoup. Voilà. Comme vous voulez, surtout. Ça, il allait pas dire que t'étais venu pour rien, quoi. Pas. Voilà, c'est ça. Donc c'était ça ma petite histoire quoi. Moi j'avais rien du tout mais finalement si j'étais malade. Mais c'est vrai que quand tu vas chez le médecin et quand tu lui dis, parce que il peut pas affirmer à 100% que t'as rien, parce que quand tu vas chez le médecin parfois t'as un truc et il voit pas. Ça lui arrive de nous le dire des fois. Non mais ça dépend après ça dépend ce que tu vas lui dire, tu vois. Si tu lui dis je vais me voir parce que j'ai de la fièvre et tout, il va tester, il va voir que t'as pas de fièvre, merci tu rentres chez toi. Mais si tu dis j'en sais rien moi, j'ai des maux de tête assez régulièrement, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent, y a pas de dire non, c'est faux. Je lui ai dit que j'avais des sueurs et tout, que j'étais pas bien, et il a pris la température, j'ai pas vu, il a pas montré le thermomètre et tout, enfin donc. Ou alors je saurais jamais s'il est super sympa ou. Ouais, ou alors tu vas chez le médecin avant, tu vas chez le médecin avant, tu regardes ce qu'il a comme thermomètre, t'en prends un autre, et au moment où il prend la température, il se retourne, tu le subtilises, hop, tu l'échanges contre le mauvais, le défectueux, et non, hop, t'as la température. Pas, il a un thermomètre frontal et il le garde tout le temps dans la main. Ah merde. Thermomètre frontal. Ouais, ouais. frontale, c'est à dire dans le cul, un thermomètre. Bah, c'est soit sous les selles, soit dans les fesses, ouais. Non, c'est non, fini ça maintenant. Bah non, bah chez moi mon médecin, il le colle sur la sur le front et en fait, il fait un petit et puis il regarde. C'est un escroc. Ouais ouais ouais. Non, bah c'est pas un escroc, c'est juste dans le cul, non. On peut plus être malhonnête tranquille. Non mais c'est ça quand même. Avec leur nouvelle technologie là, c'est fou, tu peux plus être malhonnête. Tu peux plus chanter à la vapeur. Chier pour tout. C'est un truc de dingue. Il y a Alexandre qui dit sérieux, vous me faites trop rire, je vous kiffe, je vous écoute depuis deux semaines, vous gérez les gars. Merci Alex, et sois le bienvenu. Préviens également tes potes, hein, qu'on est là tous les soirs, 20h, minuit, le dimanche, 23h, 2h, toute la semaine. Il y a Cell23 aussi qui dit pire excuse, le poisson rouge de ma cousine est mort. Là, tu passes pour un con. Hein. Il y a Yumi Closer qui dit du retard, je croyais que tu commençais à 23h. Ah bah non, pas le dimanche, Yumi Closer, là, le dimanche on va être 20h à minuit. Qui les bêtes. Washington Whitey qui dit mon excuse, c'est de dire que c'était que j'étais chez un ami et que je n'avais aucun moyen de revenir. Ah bah mec, c'est pas une excuse. Oh là là là là, moi je serais prof, je vous démonte. Ah, ah, t'avais aucun moyen de revenir. Vous êtes un imbécile. Oui, ben vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Et puis surtout, vous allez copier. Oh là là là là là là. Oh là là là là là. Je me sens pitié, moi. Ah ouais ouais ouais. Dans les pires excuses, il y a également celle qui était dans les 13 excuses justement. Je me suis mordu la langue et je ne peux plus m'exprimer. Ah ouais, c'est pas mal idée. Aussi ça. Sandro retient là parce qu'elle tirait comme un gant. Ah non, moi je suis en langue, je suis. Ah bon, alors d'accord. Travail. Bah je peux plus décrocher. Bah ce c'est ça. Alors en 7, il y avait je ne peux pas prendre ma voiture pour venir travailler car il y a un essaim d'abeilles à l'intérieur. Oui, parce qu'on n'a pas inventé les transports en commun, dans le pire des cas, tu vois, c'est ça, prenez pour des cons. Ou encore, il y a le 8, je dois encore acheter mes cadeaux de Noël. Ah, c'est ah, ça, bien c'est ça. Important. Ouais, ça aussi, c'est une bonne excuse. Alors le problème, évidemment, c'est qu'elle marche que aux alentours du 20 décembre. Ouais. Ah, pourquoi en juillet, ça marche pas? Bah, tu l'as fait en juillet, c'est un peu plus compliqué, les cadeaux de Noël. Je voulais raconter ma life un peu. Vas-y, c'est quoi? Fais-toi plaisir. Non, en fait, moi, je n'ai... trop tard. Je n'ai jamais pu faire d'enfume parce que même quand je disais la vérité, ouais, on me prenait pour un menteur. Voilà, tu mens, mais non, c'est pas. Bah si, tu mens. Donc voilà, et donc je n'ai jamais pu mentir. Il se prenait des baffes et tout, il disait. Bah, il a raison, il a raison. Je n'ai jamais pu mentir librement. Bah, c'est normal, c'est normal. Bon, attends, il y a Andrea également qui est avec nous de Nice. Salut Andrea. Hey. Pharrell Williams, c'est Robin Thicke. Yeah. Hey. Bienvenue Andrea, comment ça va? Ça va. Bon, on t'appelle de Nice. Ça a été les vacances? Ah, j'ai rien fait. Hein. T'as rien fait? Bah non, quand t'es à Nice, tu pars pas en vacances. Hein. T'as la plage, t'as tout aux côtés. Hein. Bah, il fait pas beau là en ce moment. Non, mais d'accord, mais enfin, dans l'absolu, tu vas pas te plaindre non plus d'être à Nice. Tu vas aller à Dakar pour voir ce qui se passe? Hein? Non. Tu vas aller voir là-bas au-dessus pour voir? Bon, et Andrea, toi, c'est quoi ta pire excuse pour pas aller au bahut? Bah en fait mon réveil c'est mon portable et donc je fais style qu'il a plus de batterie quoi. Oh là là, ça c'est vraiment bidon. Ah ouais, ouais. Ça c'est vrai vraiment quoi. À l'époque à la limite tu pouvais, mais aujourd'hui non, parce que justement à l'époque même quand il y avait plus de batterie, il y en avait au moins assez pour faire sonner le réveil. Ouais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est mon portable. De quoi? C'est mon portable, moi. Oui, ouais, ton portable, ouais, non, voilà. Oui, bien sûr, le portable, ouais. Donc du coup, tu dis qu'il n'y a pas eu de... panne de réveil, quoi. Il y a panne de réveil parce qu'il n'a pas sonné, etc. Pourquoi pas? Ouais. Alors attends, il y a aussi Samia dans quelques minutes. Salut Samia de Rouen, comment ça va? Salut, ça va? Tu te rappelles pas de moi? Je pense qu'on s'en sortit ensemble. Mais bah non, je pense pas en tout cas. Non. Oh salut. Putain, le râteau. Le râteau, la dentelle. Oui. La cochonne de Ah Lancy. Oui, la dentelle, oh là, mais comment puis-je t'oublier, Samia Babel? Ne bouge pas de là, Samia. On va te reprendre dans un instant. Avec grand plaisir, je te reprends, Samia. Ne bouge pas de là. On va s'écouter aussi Alesso et Calvin Harris dans quelques minutes sur Fun avec Under Control. Et attention, avant minuit, je vous offre l'iPad Air sur Fun Radio pour le gagner. Rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like et un partage sur la photo où je pose avec l'iPad. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort avant minuit, vous le gagnez. Voilà, participation qui coûte 0€. Donc, vous avez bah, rien à perdre au final. Hein. Au contraire, même tout à gagner. Bonne chance tout le monde, on revient juste après ça. Un truc à dire. MIKL, appelez MIKL. No limits. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Le dimanche soir. Fun Radio. 20h minuit. No limits. Allez vous faire foutre. Nickel. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, comme tous les soirs. Bon courage si vous êtes encore sur la route, en train de rentrer à la maison là. Puis bah je pense qu'il y a peut-être encore 2-3 bouchons à gauche à droite. En tout cas on est là jusqu'à minuit pour vous tenir compagnie. Si vous voulez prendre le contrôle de Fun, bah seul numéro 01 42 48 5000. Vous pouvez nous rejoindre également avec le hashtag Mickaël hein, sur le Twitter. On fera un petit point dans quelques minutes d'ailleurs au niveau du top tweetos. Ce sera dans quelques quelques minutes. Donc vous mettez un maximum de hashtag et Mickaël pour savoir lequel d'entre vous sera élu le meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent. Voilà, donc si vous avez envie de faire partie du top 5 tout à l'heure à minuit, eh ben un seul moyen, vous allez sur Twitter, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Il y a un message aussi de Corélita qui dit, enfin de Gaëlina plutôt, qui dit je peux avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît, je l'ai demandé vendredi mais vous l'avez pas donné. Oui c'est normal, vendredi on n'était pas là, Gaëlita. Mais écoute, si t'en veux un, ça peut expliquer des choses. Ça peut expliquer pas mal de choses. Je t'en mets un, regarde. Vous êtes un imbécile. Eh ben voilà, vous êtes un imbécile. Comme ça, le message est passé sans problème. Bon, 21h49, c'est bientôt la mi-temps pour Lille-Monaco et c'est 1-0 pour Monaco pour Lille, pardon, pour l'instant. On suit ça et on vous tient au jus juste après le son de Alesso et Calvin Harris maintenant. Under Control. I might be under control. L'excellent Calvin Harris avec Alesso à l'instant, c'était Under Control. 20h minuit. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et petit message évidemment à tous les fans. Vous êtes un imbécile. Ou pas, je sais pas, je me demandais justement, tiens. Bon, on fera d'autres appels avec Tov dans quelques minutes. Il y a Fabienne qui a envoyé son message. Mickaël fait une grosse entrée dans le top 8 en se passant direct en 3ème position. On est balèze quand on veut. Bah, c'est vous, hein, nous, on n'y peut rien hein, pour le coup. Hein. Mais merci en tout cas pour à tous ceux qui sont sur le Twitter et qui nous placent régulièrement dans le top tweet, c'est-à-dire les messages, le hashtag le plus utilisé sur Twitter. Merci beaucoup. Il y a Mélanie qui dit aussi, je viens de découvrir le site, j'étais en voiture, je vous ai écouté, dès que je suis rentré, je me suis inscrit sur la page. Eh ben, bienvenue Mélanie. Allez, je te mets un petit message de bienvenue Mélanie, parce que tu m'as l'air très sympathique. Alors attends, voilà. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Enfin, c'est... sympa. Faut pas le prendre pour toi Mélanie, évidemment. Hein. Il y a Nathalie aussi qui dit, une fois mon fils a dit comme excuse qu'il n'a pas retrouvé ses chaussures, il pouvait pas venir à pied. À pied nu. Et à moi, c'est il énorme. M'a dit la prof est absente, il n'y a pas cours. C'est bon ça. C'est un futur glandeur lui. Hein. Enfin, ouais, c'est un bon glandeur, c'est un, bon. A un futur tough. Ah ouais, Mywen qui dit mon excuse de cours, le matin j'ai mangé du dentifrice et j'ai vomi en classe, ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Concernant les pires excuses, pour ma part, j'en ai une qui fonctionne à tous les coups. Je dis que ma gare est fermée pour travaux. Gros bisous, c'est Nadia. Ouais, mais après, ça dépend où t'habites. Hein. Si t'habites dans une grosse ville, c'est compliqué de dire que la gare est fermée. J'habite à côté de Châtelet, c'est fermé tout le temps. C'est ça. Je suis à Gare du Nord, la gare est fermée. Ah bon, alors d'accord, bah, très bien, pas de soucis. Il y a Yanina qui dit je peux avoir un message de... Ah oui, je l'ai déjà mis tout à l'heure là, celui-là. Et Pauline qui dit je vous kiffe grave, vous me faites délirer chaque soir. Merci Pauline. Et Nicolas qui dit passez votre numéro, bah c'est facile pour nous appeler hein, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. On va dans quelques minutes refaire un coup de chéri, je peux te faire cocu. Bah, on peut le faire maintenant. Il y a Samia. Et Samia, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. T'avais écouté lundi le chéri, je peux te faire cocu? Non, j'avais pas écouté. Comment? Comment ça? Dieu, est-ce que je peux la shooter? Oui, oui, bien sûr. Prêt? Comment? Oui, alors attention. Poule! Est-ce voilà. que je peux avoir un message de bienvenue? Mais avec dans ta plaisir. Gueule. La totale, alors attends, il faut que je t'en sélectionne un bon. Un hein, sale, Samia, on va la souiller. Attends, attends. Bien. Oh, Attends, faut que j'en trouve. Putain, vas-y, cherche. Attends. Ouais, mettre ma bite dans ton trou du cul. Aïe, aïe, aïe. Il est énorme, celui-là. Il était bien crado. Grande classe, très grande classe. J'aime bien, moi. Bon, bah, si t'as pas écouté Samia la semaine dernière, lundi, le chéri, je peux te faire cocu, tu connais le principe du chéri, je peux te faire cocu. Ouais, j'imagine que vous appelez quelqu'un pour lui demander s'il peut le faire cocu. Non, pas exactement. C'est-à-dire qu'on appelle. Donc, imaginons que toi, t'es un mec, Samia, tu veux jouer. Donc, on appellerait ton mec. On lui fait croire que t'as rencontré quelqu'un qui veut coucher avec toi juste en soir. Voilà, c'est ce qu'il a proposé, c'est le deal. Ouais, et comme toi, c'est ce que je viens de dire. Non. Ah non, pas vraiment, non. Et donc, comme toi, t'es une meuf honnête, tu demandes l'autorisation à ton mec si tu peux coucher avec cet inconnu juste un soir et puis l'affaire est pliée. Et en général, les gens le vivent relativement mal. D'ailleurs, écoute, c'était lundi. Si vous voulez participer, d'ailleurs, on remet le couvert dès demain soir. Ce sera lundi. Si vous voulez participer, vous envoyez directement. Un petit mail maintenant à Sandro, sandro@funradio.fr. C'était lundi, écoutez ça. Et on revient avec Samia et tous les autres juste après. Voilà, donc là, allô, on n'entend plus. Allô, B? Oui. Ouais, ça va? Ça va. Dis, je te téléphone pour te demander un petit truc. Tu sais que Anaëlle, elle est venue aujourd'hui boire un coup à la maison. Ouais. Et elle était avec un pote. C'est qui? Ben, Kevin. C'est tout ce que je sais. Il s'appelle Kevin. Bah écoute, je ne veux pas, c'était un pote à elle, et bon, comment dire, et il m'a demandé si bon, je ne voulais pas coucher avec lui, quoi. celle-là. C'est pour savoir si ça ne dérangeait pas. Je vais entrer en scène. Comme ça, ainsi, tranquille, quoi. Oui, ben oui, je te jure, c'est ce qu'il m'a demandé. Tout. Ah, qu'est-ce qu'il dit, il m'a dit qu'il faut... C'est qui, attends, ça deux secondes. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est lui. C'est lui. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, c'est alors, Alice? Je suis en train de parler. Hein? Ah, tu es con, là. Bon, d'accord, ok. Bon, ben c'est pas grave, je vais attendre. Bon, non, mais, bagne un peu, non, là, non, parce que j'ai pas la nuit, hein. Ouais, bah, attends, mais moi, non, dis-lui que je vais arriver, là. Ouais, mais ça va, c'est en voiture. Il faut pas... Bah non. Il m'a dit qu'en fait, il allait passer à peu près. C'est pas ma gueule, c'est vraiment une conne ou quoi? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ça te dérange ou pas? Oh, parce que bon, moi, je te dis, bah, ça fait quand même attends. Non, mais je vais arriver. Dis-lui, je lui j'ai pété sa tête. Hé! Dis-lui, pète sa gueule. Anaïs! Non, là... Bon, qu'est-ce qu'il dit? Passe-le-moi. Non, ça arrive. Passe-le-moi. Ça arrive. Allô? Ouais, t'es con, toi, t'es qui, toi? Je m'appelle Michel. Michel, ouais, c'est ça, tu te fais ma gueule ou quoi? Bah non, pourquoi? Non, mais attends. Mais t'es qui, toi? Tu veux quoi? T'attends à quoi, là? Attends, excuse-moi, un petit instant, excuse-moi. Oh, Anaïs! Tu peux me chercher à boire là parce que j'ai rien trouvé dans le bordel mais là. Mais tu crois où toi? Ouais, si tu peux me mettre un petit peu de glaçon aussi, pas tout à l'heure, hein, parce que t'as fait de la merde là, tout à l'heure là, avec ton verre, le truc était chaud là. Donc si tu peux te manier parce que j'ai soif. Ouais, tu peux écouter, non, deux secondes. Bon là. Allez, vas-y, magne-toi, Anaïs. Merci beaucoup, hein, merci ma chérie. Ouais, allô, excuse-moi. Ma gueule, toi. Allô? Ouais, non, mais tu te fous de ma gueule, tu crois où toi là? Ben je comprends pas. Là tu crois vraiment que c'est la fête là. Mais je comprends pas la question. Non, si, je comprends très bien la question. Mais c'est-à-dire, je me crois où? Écoute, ne bouge pas, je vais arriver. On allait bouger chez moi, là. Ouais, tu te fous de ma gueule, là. Mais, dis-moi juste un truc. Ouais. Dis donc, il va arriver, ce verre, ou il faut que je fasse quoi, là? Oh, tu vas te calmer, toi, ce faisais imbécile, oh, connard. Oh! Tu m'écoutes, maintenant. Anaïs! Oh! Anaïs! Oh, ce faisais imbécile. Ah bon, bah, dépêche-toi. Tu l'écoutes pas. Non, bah dis donc, elle est toujours comme ça, elle est toujours aussi lente ou pas? Ouais, bah à mon avis, elle m'étonne de plus en plus, elle aussi, tu vas voir. Ouais. Eh bon, elle reste calme, hein, moi, vous ferez voir. Ouais. Ah bon, bah très bien, bah mon verre, il était temps, là, putain, j'ai failli attendre. Ouais. Eh, Anaïs! C'est quoi, t'es une salope, alors? Anaïs! Oh, c'est moi qui ai le téléphone, Anaïs! Ouais. Eh, mes glaçons, c'est sérieux, ça? Putain, mais lui, il est fou. Bah, va les chercher! Va les chercher! Oh, putain! Bon, dis donc, Fabrice. T'es un malade, vous êtes fou, c'est pas possible. Fabrice. Quoi? Dis-moi, je voulais juste te demander un truc. Vas-y, dis-moi, va t'en cogner. Tu veux quoi d'autre maintenant? Non, mais comme elle est partie chercher les glaçons, je voulais savoir, comme il va se passer un truc, vas-y. Parce qu'apparemment tu travailles toute la nuit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aime bien, qu'elle aime pas sexuellement? Mais tu te fous de ma gueule, là. Ah non, pas du tout, je voulais juste, c'est pour pas perdre temps. Non, mais attends, c'est quoi, ne bouge pas, je vais arriver. Ah non, mais là, parce que là, on va aller chez moi, là. Non, mais attends, je vais parce te laisser, que j'ai loué une chambre. Là. Non, mais ça sert à rien de venir, moi, j'ai pas envie de faire un truc à trois, ça m'intéresse pas, hein. Bah non, bah t'inquiète. Ah non, mais je m'attends. Tu seras plus rien faire. Ah, bah quand même. Oh, bah très bien. Non, mais donc, donc voilà, c'est juste pour savoir, moi, je te demandais ça, c'est pour faire plaisir à ta femme, tu sais, moi, au final, moi, après, je m'en fous, hein. La finalité, c'est ça. La finalité, mais voilà, c'est ça, c'est bah oui, bah tous les deux, je vous arrange tous les deux. Mais arrête un peu ton cinéma. En plus, j'ai vu une photo de toi. Eh, je l'ai amené chez ma mère. Hey, j'ai encore, mais tu le verras même plus jamais. Hein, dis donc, reste calme, arrête de faire ça. Et en plus, j'ai vu les photos de toi. Fabrice, j'ai vu les photos de toi, là. Ouais. Dis donc, comment ça se passe au niveau des chicots, là? Eh, tu te fous de ma gueule, toi. Mais non, toi, non. Tu devras certainement aller, toi. Parce que non, mais c'est parce que j'ai vu les photos. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est en tant qu'ami, quoi. Tu vois, comme on va partager la même femme au moins un soir. Genre, il y a un moment, il faudra peut-être éventuellement aller faire le ménage, quoi. Tu vois, aller remettre tout droit, quoi. J'ai déjà fait le ménage chez moi, là. Je vais arriver. Mais ça sert à rien, on sera parti. On allait partir, justement, là. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, on allait chez moi, je t'ai dit. Parce que tu sais, comme je suis dans un hôtel, c'est plus sympa, quoi. Bah dis-moi où tu vas, alors c'est plus facile. Bah dans un hôtel. Bonjour, non? Ah bah non, mais moi je vais vous dire bonjour. Ah non, mais comme je t'ai dit, comme je t'ai dit, moi je préfère pas. J'ai pas envie de faire un plan à trois, moi ça ne m'intéresse pas, moi je préfère le classique. Non, mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Je préfère aller dans le classique. Attends, je te la repasse deux secondes pendant que je bois mon petit verre. Merci ma chérie. Vas-y, tranquille. Voilà, merci. Ouais, c'est une blague, c'est quoi ton boulot là-haut? Non, il n'y a pas. Une fois, je n'exagère pas. Je t'ai jamais rien. Non. C'est. J'ai pas, là, faut pas que tu sois jaloux, hein. Je te le dis. Après, tu verras plus. Et moi, je te verrai plus. On prend un train de ça. Sale con. Bah oui, si tu t'appelles en cul, c'est pas un plan cul, c'est rien du tout. Sale con. Mais oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui dit qu'il ferme sa gueule, là. Il est fou, quoi. Sale con. C'est normal, il a envie, tu comprends. Il est chaud. Bah oui. Mais oui. Hein, les chicots. Tu es rendu, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Arrête un peu ton cinéma, là. Arrête! Mais arrête. Alaïs. Ouais. Vous êtes vraiment fou. Oui, je suis là. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Tu te rends compte de la chance que tu as de m'avoir? Eh, vous êtes ma gueule, là, en plus. J'ai dit tout, j'ai de la chance, là. Mais non, mais dis-lui, parce que... la majorité des gens, elle t'aurait trompé, elle t'aurait pas demandé ton avis, là, elle te demande ton avis, donc t'as quand même de la chance. Ah bah ouais, bah putain, quelle chance. Oh, qu'il est bête. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Appel masqué peut être démasqué, c'est quoi, c'est en roule, quoi? Mais je te demandais si un appel masqué, si tu savais ça, un appel masqué peut être démasqué. Pourquoi? C'est quoi ça? Là, je comprends plus rien à votre histoire. Bon, soit, il est où le problème? Je vais arriver et je sais même plus quoi, là, je deviens fou ici. Bah quoi? Va travailler, tu sais bien qu'il faut ramener de l'argent. Va ramener un peu d'argent, j'ai ramené de l'argent pour quoi? Pour aller boire un verre et faire sauter par un coup. J'en ai rien à foutre, moi, je casse couille ici, là. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu vas venir? Enculé! C'est toi, enculé, mais... Espèce de bâtard, moi, je suis cuit, toi, tu sais pas, toi. Moi, je casse ici, qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais c'est pas possible. Ça sert à rien de t'énerver, moi je te le dis. Moi je m'énerve pas, c'est lui. C'est lui qui s'énerve. J'en ai rien à foutre. Mais oui, je sais. C'est un fou. Ouais, je casse tout ici, moi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, casse que tout, tu vas voir. Passe-le-moi. Les enculés. Allô? Quoi? Mais t'as vu comment tu m'as traité? Ouais, non, bah, et alors? Tu veux que je te pète la gueule? Tu veux que je te remette tes dents de droite, là, gratos? Bah, viens. Je vais venir. Justement. Non, tu vas voir si je suis un malade, moi, tu vas voir. Bon, tu sais quoi, je te laisse une chance de t'en sortir, là. Ouais, vas-y, que je te laisse. Ouais, bah, excuse-toi et je m'en vais. Celle-là, elle est bonne, celle-là, t'es fou, toi, quoi. Non, pour tout ce que t'as tu m'as dit, là. Excuses, ouais. Excuse-toi et je m'en vais. Mais tu crois où, toi, les excuses ainsi, mais t'as marre. Alors, c'est pas compliqué, soit tu t'excuses et je m'en vais, soit tu t'excuses pas et je baisse ta meuf. J'en ai rien à foutre, moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, je te casse encore un verre. T'es malade, toi. Voilà, toi, alors. T'es un vrai malade, toi. Alors. Non, t'es un vrai malade, je te dis, tu sais même pas. De quoi? Mais attends, j'ai vu des photos à toi, mec, comment te dire que. C'est-à-dire que même en dormant, je peux te péter la gueule. On verra. Moi j'ai une pelle, hein. Ouais, t'as une pelle, ouais. Mmh. Ouais. Et alors? Mais non, t'es bien avancé, hein. Ah ouais, franchement. Ouais. Ah ouais. Mais dans ton cul, t'appelles, espèce d'imbécile, ouais. De quoi? Ouais, t'as très bien compris. Dans ton cul, elle va rentrer la pelle, imbécile. Ah, elle va rentrer dans mon cul? Ah bah regarde, ouais, ça, attends. Complète, pas directement. Eh, regarde, et respire un bon coup, hein, c'est pour toi, là. Voilà. Putain. Ouais, putain, ouais, chouette. Voilà. Ouais, j'en ai mis partout là dans l'appartement là. Ouais. De toute façon c'est un appartement de merde, t'as une vie de merde. Tiens, je te casse encore un verre, tu referas le service. Ouais, c'est ça. C'est de la merde. C'est fou, toi. C'est pas fou. Vous êtes des malades. Franchement là. Ça ira vite, hein. T'inquiète pas, il va. T'inquiète, je suis précoce. Toi ta gueule aussi. En même temps, t'inquiète pas, je suis comme toi, je suis précoce, alors à l'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. Y'a pas de problème. Oui, bien sûr. Bon, bien tu t'excuses ou pas? Non, bougez pas, j'arrive. Arrête de gueuler, espèce d'imbécile, t'es con ou quoi? Putain, je vais lui fermer sa gueule, ça peut jamais rien dire, ce type. Ta gueule, connard. Putain. Aidez-lui d'arrêter de gueuler, hein. T'inquiète. Mais non, mais t'inquiète pas, le petit, il entend rien du tout, hein. Et pas bah, tout, oui, bah... je te dis, on va vite aller au lit et c'est tout. Et après, t'inquiète, Fabrice. T'inquiète, je vais bientôt arriver, t'inquiète, plus pour longtemps là. Fafa. Je suis plus très loin là. Fafa. T'inquiète. Fafa. Qu'est-ce que tu veux toi encore, hein? Fafa, allez, excuse-toi, on arrête là. Tu me remercieras plus tard. Oui, c'est ça. Excuse-toi et on s'arrête là. Allez. Mais t'es un fou, toi, je vais te faire des excuses. Excuse-toi, je te dis. Tranquille. Excuse-toi. Toi, t'es un fou, toi. Excuse-toi. T'es fou, toi. Excuse-toi. Bah non, tu peux rêver, toi, tu crois quoi? Bon, Alaïs, c'est ça ou je t'offre pas le cadeau, hein. Soit il s'excuse, soit je t'offre pas le cadeau. Allez, excuse-toi. C'est quoi, c'est ton rôle? Allez, excuse-toi, tu fais radio. De quoi? Tu fais antenne, on passe à la radio. Bah arrête, c'est quoi, c'est ton rôle encore? Bah, alors, oui, excuse-toi. Non, t'as une couille, ça. Excuse-toi, non, deux couilles. Excuse-toi. Ah putain. Allez, dis, je m'excuse. Dis, je m'excuse. Ça va, je m'excuse. Fabrice. Alors, il paraît que t'es précoce comme ça. Hein, apparemment t'es précoce. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, pareil, moi je sais pas, hein, c'est tout ce que je voulais savoir. Attends, c'est tout ce que j'ai pas dit. Non, mais on a bien compris, t'inquiète pas, le sous-entendu. On a compris la vérité. Exactement, exactement. Bon, Fabrice, donc t'inquiète pas, elle est chez elle avec le petit. Bon, peut-être qu'il y a un autre mec, hein, ça je sais pas, mais en tout cas c'est pas moi. Non, non, il y a personne. Peut-être qu'il y a Toff. Bah, donc je suis pas sûr, du coup. Ouais, ça aurait. Non, mais Toff, c'est impossible, hein, c'est improbable. Il y a Kevin qui est trop fort, le chéri. Je peux te faire cocu des barres de rire pour Julien. On pourrait les écouter 15 fois, ce serait toujours aussi kiffant. Énorme, le chéri. Je peux te faire cocu. C'est Cocotte qui avait envoyé le message. Et puis un Overnia qui dit quand Michel gueule, et oh, toujours un moment mythique. Et Fabienne. Ouais, ça me donne mal au crâne. Il y a Fabienne aussi qui dit mon verre, putain, j'ai failli attendre. C'était énorme. Seb qui dit le gars hurle comme un malade après le gars. Et lui fait ses excuses. C'est normal. Mais oui, c'est normal, les gens doivent s'excuser auprès de moi, c'est normal. Toujours en train de gueuler le Michel, c'est Cell23 et Corto qui dit coucou, ça fait plus d'un mois que je vous écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Eh ben écoute, avec plaisir, un message de bienvenue. Tiens, hop là. Ouh, pinaud, il t'a un petit peu violent, oui. Autant pour moi. Et Marie qui dit, vous pouvez m'aider, j'ai oublié à quelle heure vous donner les résultats pour la colle. Oui, c'est dans moins de 30 minutes, Marie, pour gagner la Xbox One. Alors Samia, t'as entendu maintenant le chéri, je peux te faire cocu? Alors, il était bien ou pas? J'avoue, c'était pas mal. Ah, et on en refera un tout nouveau demain. Donc si vous voulez participer, il y aura aussi des cadeaux spécialement pour les DJ. Enfin, spécialement pas, mais si vous êtes un DJ en herbe, vous avez envie de devenir DJ, eh bien on vous parlera du nouveau, ouais, du presque DJ. Eh bien on aura un putain de cadeau à vous offrir demain. Donc faudra bien rester à l'écoute. Samia, tu restes avec nous pour les pires excuses. Andrea également, Hélène aussi. On va reprendre aussi Maël qui voulait nous parler de naturisme. Gilles également, t'as déjà fait du naturisme, Samia? Non, jamais. Ah, c'est bien dommage. Bon, allez, reste avec nous, Samia. On va se faire la colle également maintenant avec Shane. Enfin, Shane, j'ai dit que je l'appellerais Shane jusqu'à la fin de l'émission. Alors, ouais. Shane, pour gagner la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost. Et je rappelle que la Xbox One n'est pas encore sortie et qu'elle sortira seulement fin novembre en France et en janvier en Belgique. Et donc, du coup, on vous l'offre en total exclu. Si vous avez la réponse, évidemment, à la colle de Shane. Vas-y, on t'écoute. Alors je suis toujours à l'abri mais pourtant je suis toujours mouillé. Je suis toujours à l'abri et pourtant je suis toujours mouillé, c'est ça? Ouais. Bon, il y a Mickaël qui proposait des cheveux. Non. Bah non, bah mouillé les cheveux pas tout le temps. Il y a Marie aussi qui dit Mickaël, c'est les yeux. Non. Ah, ça aurait pu, note, hein. Ça aurait pu. Ouais. On a dit que c'était sur le corps humain. Ouais. Et que, enfin, pas que sur le corps humain ou pas forcément que sur le corps humain? En haut du. Non, mais, non, mais est-ce que ça peut être aussi chez les animaux ou j'en sais rien? Oui. Aussi, oui, d'accord. Oui. Donc, c'est pas les yeux, mais voilà, la vessie. On a dit que c'est chez les hommes et les femmes. Non, on proposait encore l'œil, ça, on a déjà dit que c'est non. Les crottes de nez. Oh. Non. Ah, c'est Toff qui avait proposé ça. Très bien. Bon, bah non, c'est pas la bonne réponse. Donc, la Xbox One a gagné avec le jeu Call of Duty Ghost. Si vous avez la bonne réponse à la colle de Shane, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, si vous êtes tiré au sort, bah vous gagnez. Si jamais personne ne trouve la bonne réponse, c'est Shane qui gagne. Voilà. Si la personne qu'on tire au sort passe à l'antenne et n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Shane. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. À tout à l'heure, Shane. On donne la réponse dans une bonne vingtaine de minutes maintenant. Là, bougez pas. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant, je suis mouillé. Qui suis-je? Et Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22. Et rencard également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On va revenir avec le son. Samia, t'as envie d'écouter un truc là, en particulier? Ouais, le dernier Avicii, parce que l'autre fois tu me l'as pas passé. Non, Putain, je suis vraiment un enculé, hein. Je me tire dessus. Voilà, eh ben, je vais te le mettre, le morceau, ne t'inquiète pas, ça, Samia. Non, promis, je te le mets. Je vais te le mettre, Hélène. Hélène, t'as envie d'écouter un truc en particulier? Bah, je suis bien d'avis d'Avicii, ouais. D'accord. Ça me va bien, ça. Et toi, on vient? Bah, moi, je voudrais bien encore du Andrea. Du quoi? Du Andrea, la mousse. Oh là là là là, oui, elle est passée au mois d'août avec son truc. Mais on peut pas mettre ça. Je me souviens, c'était un truc complètement bizarre. Bah, toi, va retrouver le morceau, je vous le mets après, là, bougez pas. Là, non. Et je vous cale aussi, dans quelques minutes, c'est Elena Gomez. Mais promis, je vous le mets, hein, Samia, Hélène, je vous mets la Vichy dans une demi-heure, d'accord? Pas de soucis. Bon, ne bougez pas, mesdemoiselles. On revient dans quelques minutes avec vous toutes et vous tous en direct. Oui, dans moins de 5 minutes, on revient en direct avec vous toutes et vous tous sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis je vous rappelle également d'ailleurs que nous parlerons encore dans quelques minutes avec Samia, Hélène, Andrea, entre autres, des pires excuses pour ne pas aller au taf ou pour pas aller au bahut, puisque c'est la rentrée demain notamment pour pas mal d'étudiants. Bonne chance tout le monde, bonne soirée également. 22h11, on est en direct jusqu'à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on vous l'offre ce soir d'ailleurs le jeu, hein, bougez pas de là. 20h minuit. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Yo. Avec le jeu Call of Duty Ghost. Il y a la pub, elle vient de passer si vous l'avez entendu. Et oui, on vous l'offre également le jeu ce soir avec la Xbox One qui va avec. En plus, hein, pas mal quand même. On vous offre pas que le jeu, on vous met même la console qui va avec. Tirage au sort dans moins de 15 minutes si vous avez la réponse à la colle de Shane. Donc je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je? Vos réponses sont envoyées par SMS. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900. Et puis bah, vous pouvez aussi jouer si vous le voulez, hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel, avec l'iPad Air notamment à gagner sur le Facebook. Tirage au sort uniquement aux Facebookiens. Voilà, uniquement à ceux qui vont faire un like ou un partage. Et là, le tirage au sort, c'est avant minuit. Donc j'espère que vous avez bien tout noté. facebook.com/M-I-K-L officiel, l'iPad Air à gagner avant minuit sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter le son que je vous avais promis juste avant la pub, le son de Selena Gomez maintenant sur Fun Radio. 20h minuit tous les dimanches, on est en direct, c'est Mickaël No Limit, bienvenue tout le monde. Mickaël No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez débarquer. Il y a Renaud qui dit demain cours à 9h, les profs sont pitoyables mais pas dignes de pitié. Vous êtes un imbécile. Oui, probablement. Il y a Hassan également qui dit pour la colle, c'est une capuche, la bonne réponse. Ah bah non, c'est pas ça. Non. Léo qui dit un thermomètre frontal dans le cul, ça marche moins bien du coup. Oui, ça c'est vrai aussi. Mallory qui dit j'ai fait la même excuse, mon médecin a cru que j'avais la méningite, résultat une journée à l'hosto et sous traitement pendant 3 mois. Wow. Ah ouais, mais ça c'est quand on fait les malins ça. Hein. Et Miss Mello qui dit Mika, tu peux me donner un message de bienvenue à ma pote Marina qui vous écoute depuis peu mais qui se tape des barres. Bien sûr Marina, avec grand plaisir. Alors attends, qu'est-ce que je vais te mettre toi? Je vais chercher dans les nouvelles, tiens, les nouveaux amis de Toff, tiens, voilà, attends. Me cassez pas les couilles, hein. Voilà, et même deuxième. Est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles moi? Eh ben est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles? Léo ici qui dit moi j'ai mélangé du coca et du lait. Très mauvaise idée, ça fait vomir et mal au ventre. Ah bah bon, oui. Je savais pas, tiens. Et Julien qui dit j'ai raconté que j'avais un rendez-vous chez le docteur en ville. Je me suis fait choper dans la rue par le dirlo. Ah ouais, ça c'est con ça, ouais. Mais quand vous êtes malade, évitez de sortir aussi. Bon, je vous avais demandé les pires excuses que vous aviez déjà balancées justement par rapport à. Pour pas aller en cours, hein, pas aller en cours, pas aller au boulot. Il y avait donc je dois encore acheter mes cadeaux de Noël. Il y avait également Samia, Hélène et Andrea qui sont là évidemment. Il y avait également je viens juste d'arrêter de fumer et je suis de bien trop mauvaise humeur pour venir travailler. C'est pas mal aussi ça. Ouais, c'est pas mal. Je me suis perdu en chemin et là je me retrouve dans un autre état. Donc ça c'est pour les États-Unis, tu vois par exemple. Oui, ça marche pas ici. Oui, je roulais, je me suis trompé d'endroit. Je suis désolé, je suis dans un autre état. Bah, tu peux dire pays, ça revient même, tu vois. Tu peux dire, je me suis trompé, je suis en Espagne ou en Belgique, ou Luxembourg, en Allemagne, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai reçu un coup de fil de menace de mon fournisseur d'électricité et je dois en avertir le FBI. N'importe quoi. Mon œil de verre est tombé dans ma cavité oculaire. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Alors, il y avait quoi aussi? Je n'arrive pas à choisir quel vêtement je vais porter aujourd'hui. Grande excuse également, toi. Ouais, pour les filles. Ah ouais, pour les filles, c'est pas mal. Et toi, Samia? Alors, c'est quoi ton excuse? Je suis bien curieux. Attends, je rappelle juste pour ceux qui n'écoutaient pas d'habitude ou qui se souviennent pas. Donc, Samia est passée à l'antenne il y a une semaine parce qu'elle était en kiff sur un mec. Du coup, c'était un collègue pour être précis. Ouais. Depuis, elle se l'est tapé. Elle nous avait rappelé mercredi, si mes souvenirs sont bons, pour nous dire qu'en fait, t'aurais bien voulu une deuxième petite cartouche. Et au fait, depuis? Depuis rien. Oh là là. Et j'appelle pas pour ça. Non, je sais. Non, mais moi, c'est juste par. Mais y a un suivi. Par curiosité, tu vois. Parce qu'elle avait quand même appelé son mec, enfin, le mec en l'occurrence, en disant je suis dans. Plein de dentelle. dans mon lit, je t'attends. Et il n'a jamais donné de réponse. Si, il a dit je suis avec des potes. Oui, je suis avec des potes. Je suis avec des potes. Le sale con, quoi. Voilà. Bon, et ben du coup, aujourd'hui, t'es célibataire et finalement, mieux vaut être seul qu'accompagné de Toff. Oui. Non, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Ah, si. Vous êtes un imbécile. Oui, ce sera une nouvelle expression. Mieux vaut être seul qu'accompagné de Toff, t'aurais avant. Ouais, exactement. Voilà, mieux vaut être mal accompagné qu'accompagné de Toff. C'est vrai que vous c'est encore mieux. Vous êtes pitoyable, mais pas digne de pitié. Exactement, tout à fait. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà. Bon, Samia, c'est quoi ta pire excuse, toi, alors? Alors moi, en fait, comme je bosse aux urgences, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des gens qui t'inventent des trucs pour pas aller bosser. Du style, la nana qui est couchée dans son lit, recroquevillée, genre j'ai trop mal à la tête, on était à deux doigts de lui faire passer un scanner. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je passe devant sa chambre pour aller voir si ça va mieux, ouais, en bon docteur. Et elle était assise sur le bord de son lit en train d'envoyer des textos, tout va bien. Ah ouais, mais attends, ça va, la vie est belle. Bah, tu peux envoyer des textos, même si t'es malade, c'est pas grave. Ouais, enfin bon, je l'avais vue 5 minutes avant, elle était au bord du malaise. Oh, la pauvre. Ouais, ou alors, viens vous voir parce que j'ai mal à la gorge, tu regardes dans la gorge, y'a rien du tout, elle parle même pas. Bah ouais, attends une seconde parce qu'il y a Hélène qui raconte sa life. Hélène ? Oui ? Dis donc, ça te dérange pas qu'on parle entre nous, là ? Pardon. Ah non, mais je t'en prie, je pensais pas qu'on m'entendait. Mais si, Hélène, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tu sais, hein. Attends, il y avait Andrea aussi qui est avec nous là. Salut Andrea. Oui. Alors Andrea qui nous avait appelé au mois d'août pour écouter un morceau magnifique que Toff a calé, je pense, hein. Oui, tu peux te le faire écouter. Voilà, donc vous me dites les filles ce que vous en pensez, Hélène et Samia. Donc Andrea est fan de ça. Non. Oh mais quelle horreur. Non mais il y a une nouvelle, elle est encore mieux. Ah ouais, bah, il y a encore mieux, ouais. Le problème c'est que c'est écrit sur Cyrillique, j'ai un peu de mal à lire les titres. Bah hein. Voilà, c'est ça, ouais. L'office de tourisme de Turquie. Alors, c'est écoutez, la bizarrerie. Écoutez. Ah, il y a peu de rap, hein. Ça scratch. Ça scratch. Ah, on est bien là quand même, hein. Ah ouais. Putain, j'ai l'impression d'être dans un restaurant chinois. Ah ouais, oui, mais là, mentoir, mettez le 18 et le 37. Je peux t'assurer qu'elle a rien de chinois. Non, mais tu sais, quand t'es dans un restaurant, ça fait. Enfin, tu vois. C'est plutôt laid. La chanson chinoise. Ouais, je fais bien la chanson chinoise. Hein, bon, enfin bref, Andrea, quoi qu'il en soit, tu l'as bien deviné, jamais de la vie. Alors, Andrea. Oui, Andrea. Tu peux mettre la nouvelle alors. Ah bah non. Laquelle du même chanteur dramatique. Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Poule. Non, voilà, c'est fait, hein, tu vois, t'as tiré avant le poule. Bon, Andrea, c'est quoi ta pire excuse, toi, pour pas aller bosser, pas aller au bahut? Bah, c'est qu'en fait, mon réveil, c'est mon portable. Ouais. Et quand mon portable a plus de batterie, il marche plus. Et donc, Mais ça, c'est vraiment une excuse vraiment moyenne, quand même. Hein. Bah, ça marche, hein. Non, mais ça marche, mais c'est quand même très, très moyen, je suis désolé. Hein. C'est quelqu'un qui a reçu un message, ça a vibré. Ah, ça a vibré. Bon, je voulais savoir, on m'entend ou pas là? Oui, non. T'entend, mais il y a Andrea qui est en train de parler, si tu veux, Hélène. Bah, après. Oui, mais t'inquiète pas, je vais te reprendre après, tu sais, Hélène, c'est pas grave, t'inquiète. Pas de soucis, excusez-moi. Bon, et donc, du coup, ton prof, il a cru ou pas, Andrea? Non, mais en fait, faut aller au bureau des pions, en fait, pour un traitement, en fait. Et alors? Les surveillants. Ils ont cru, quoi. Et alors, c'est passé ou pas? Ouais. Tranquille. Putain, bah, ça va, mais t'as de la chance. Mais à mon avis, faut pas le faire 10 fois, hein. Bah, j'ai tout le temps fait ça et ça marche encore. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a un moment ça va plus passer, enfin je pense en tout cas, mais bon. Bon, Hélène, tu voulais dire quoi toi? Tu voulais ajouter quoi? Je voulais réagir par rapport à Samia, qui travaille aux urgences. Ouais. Donc, elle a vu des gens qui étaient pas mal et tout, mais même les urgences eux-mêmes, ils sont pas mal hein, pour se planter. Ah ouais, mais ça, l'erreur est humaine. Désolée, alors là, on voit pas, ça va être un long discussion là. Non, mais je plaisante. Hélène et Samia. Allô. Hélène et Samia. Non, ça, tu laisses le pouls, t'as ouvert le poulailler après. C'est quoi ce délire? Poule. Oh là là. Bon, si vous voulez vous battre, pas de problème, mais vous venez à la radio, on vous mettra un petit ring en bout, un bout partout. J'adore. Et ça va être la folie totale. En plus, on est équipé, il y a les caméras et tout. On sera ravi pour faire. Ah là, je pourrais. Il pourra mixer les images, reportage et tout sera top. Reportage. Maël le naturiste et c'est bon. Eh ben c'est parfait, exactement. Ou alors on met Toff au milieu. Oui, je ferai l'arbitre. Eh oui, mais quel arbitre, hein, quel bon arbitre. Bon, ouais, non, mais Hélène, ouais, après il y a des erreurs partout, hein, on dit pas le contraire. Ah mais ils m'ont opéré pour rien quand même là. Ils t'ont opéré de quoi? N'appendicite, hein. Comme ça au moins c'est tranquille. Bah, t'es tranquille maintenant. Non, parce qu'ils l'ont même pas retiré. Ils ont juste ouvert et ils ont rien retiré. C'est ça, ils ont ouvert, ils ont fait oups, c'est pas ça, ils ont refermé. Ah ouais, bah tu sais, c'est un peu comme un mécano, tu sais, il va ouvrir le capot, il va regarder, il va enlever le fil, il va dire oh bah c'est pas ça, je le remets. Ouais, bah, c'est pareil. Ça fait un entraînement comme ça. Ouais, c'est ça, au moins tu sais ce que ça fait quand tu vas devoir te faire opérer de l'appendicite. Ouais, tu vois, mais il faut voir le bon côté des choses. C'est pas plus compliqué que ça. Sur le coup, j'ai été arrêté pour quelque chose que j'avais pas, ou j'aurais pu rester arrêté moins longtemps. Oui, c'est vrai, mais tu vois, tu chipotes t'étais dans le alors détail. Alors que tu as pu profiter de plusieurs jours de congé gracieusement offert par l'hôpital. Voilà. Ouais, enfin, Noël, mais en plus, tu chipotes sur les dates maintenant. En plus, t'es pas content, honte. C'est quand même un truc de fou, ça. Bon, ben, Samia, je te remercie de passer. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, mais je voulais dire aux gens que quand ils viennent pour un arrêt de travail injustifié, on le sait. Et des fois, on leur donne parce qu'on est... Oui, non, mais c'est clair. Ah, oui, oui. Ah bah, c'est bon à savoir, ça tient. Merci, Samia. Je t'appelle. Je garde ton numéro. Hein. Je t'appelle à l'occasion quand j'ai besoin d'un petit mot. Hein. D'un petit jour de ça congé. Quand j'ai besoin d'un petit jour, je t'appelle, Samia. Je te fais des bisous. Bisous, bisous. À bientôt, Samia. Bisous. Et ah, Hélène, bah, je te fais des gros bisous aussi. Tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Salut, avec l'accueil, il n'y a pas de problème. Parfait. Gros bisous. Gros bisous, je t'embrasse. Ah, Hélène. Oui. T'as un mec actuellement ou pas? Non. Est-ce que tu veux le Zippy Bunny? Pardon? Est-ce que tu veux le Zippy Bunny? Le Zippy Bunny? Zippy Bunny. Un lapin, je crois. Oui, Zippy Bunny. Zippy Bunny, je veux bien, ouais, pourquoi pas. Tu veux un petit lapin? Bon, il y a un petit lapin qui vibre. Mais il ne ressemble pas à un lapin, mais tu vas pouvoir bien t'amuser avec lui. Mais pourquoi pas, ouais. Eh ben, très bien, bon, on va t'envoyer le sextoy offert par... passagedudésir.com. Voilà. Oh, la voix jingle. Off de merde. La pire voix dégueulasse. Les voix off, c'est les jingles, les pubs, etc. C'est la voix du mec ou de la fille, quoi. Vas-y, refais-le, toi. Pardon, c'est passagedudésir.fr, j'ai une connerie. Ah bah bravo, en plus il se trompe. Passagedudésir.fr. Oh, merde. Et en plus il se gourde dans l'adresse. Non, mais sexy toff. Ah ouais, voilà. ouais. Attends, je recommence. Et on va t'offrir le Zippy Bunny, Hélène. Hein. C'est le sextoy offert par... passagedudésir.fr. Voilà, j'ai envie de faire un recto, quoi. L'horreur. Bon bah Hélène, voilà, on va te filer le petit sextoy, tu vas pouvoir t'amuser. Surtout n'hésite pas à nous donner des infos, hein. Fais des photos. Merci beaucoup. Voilà, bah, il fait des photos, oui. Gros bisous Hélène. Bisous, bisous. Allez, je t'embrasse. Et Andrea, tu reviens quand tu veux aussi, à bientôt sur Fun. Nickel, à toi. Oui, non, je passe pas Andrea, machin chouette. Je tenais à dire que, je sais pas comment il s'appelle, le standardiste, mais il a une voix trop sexy. C'est le stagiaire, c'est Dexter. Ouais. Il ressemble à Dexter sur les photos. Ne t'approche pas trop, il pourrait te découper. Ah oui, fais attention. Nickel. Oui, Andrea. Est-ce que tu peux jouer du piano comme tu faisais avant? Ah, le piano, oui, c'est tu vrai. Tu jouais trop bien. Je pourrais, mais maintenant je me suis fait la guitare. Oui. S'il te plaît. Mais maintenant je fais de la guitare. Feu. Regarde, attends, je te fais un petit morceau rien que pour toi. Alors, classe ou pas? Tu es trop fort, Mickaël. Ouais, mais bon, le piano, je peux pas le faire rentrer dans le studio là. Maintenant, il y a pas de place. Trop grand. Ouais, il y a trop de monde. Voilà, la guitare, c'est plus facile. Bah, sinon, il gère. Hein. Mais la prochaine fois. Bah, t'as vu, coup de guitare, c'est quand même pas mal. Hein. Non, ouais, c'était ouais. Bon. Ouais, je te remercie. T'as trop le swag. Guitare, swag. Exactement, Andrea. Gros bisous, Andrea, je t'embrasse. Bisous. Salut. Et oui, Andrea, pareil. voilà, récupération de Maël dans quelques minutes qui veut parler de naturisme. Gilles qui voulait réagir également. T'es là, Gilles? Oui, très bien. Bienvenue à toi, Gilles. On va parler de tourisme dans quelques minutes avec toi. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Et puis, bah, si vous voulez également prolonger votre week-end là, si vous voulez, on va parler de cul dans quelques minutes parce que j'ai une très très bonne information. Non, on va parler d'une très très bonne information dans quelques minutes à base de ça. Et puis, on va faire des appels avec Toff également. Ben quand tu veux. Hein. Bah voilà, en même c'est temps ça, c'est les rediffs. Hein. Bah c'est, oui, c'est les rediffs évidemment, c'est celle de la semaine dernière. Si vous n'avez pas été à l'écoute de l'émission parce que vous étiez en vacances, parce que vous pouvez peut-être pas écouter la semaine de 23h à 2h, et bien dans quelques minutes, nous irons faire un tour du côté des nouveaux amis de Toff. Vous êtes un imbécile. Exactement, et là on parlera des soutiens-gorge un peu dangereux. Oui, bah c'est les soutiens-gorge sont dangereux. Et les soutiens-gorge sont dangereux, en effet, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio, 22h30, on est en live sur Fun, là bougez pas Gilles, on va récupérer Shane aussi avec la colle pour repartir avec la Xbox One et toujours l'iPad Air, le nouveau à gagner exclusivement sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel, bonne chance. Vous êtes un imbécile? Bah oui, je pense, effectivement. Hein. Vous êtes un imbécile? Bah oui, exactement. Mickaël, No, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, et on va s'écouter avant minuit un son qui est pile poil comme je les aime. C'est-à-dire? Oh, c'est un vieux son, écoute. Ah oui! Oh, on va être bien avec ça. C'est Timberlake? Ouais, Justin Timberlake avec What Goes Around. On va être pas mal. Vas-y, à toi, Sandro. Vas-y. Non, il est pas dedans. On le mettra. Et puis il y a Samia également et Hélène qui me l'avaient demandé. Je l'avais promis. Le son d'Avicii avec Hey Brother. Et puis proche de nous également, Fédé Legrand. reprise de Prodigy, évidemment, que vous avez découvert sur Fun. C'était No Good. Et puis pour ceux qui suivent le match également, enfin pour ceux, surtout ceux qui ne le suivent pas, c'est 2-0 pour Lille. Voilà, 2-0 pour Lille face à Monaco à Lille. Voilà, j'avais promis que je vous tiendrai au courant. C'est donc chose faite. Stéphanie qui dit ah, moi aussi je veux mon sextoys. Ah bah ouais, mais on en a beaucoup, mais il faut le mériter. Hein. Toff te l'emmènera personnellement. Exactement. Ah, bien sûr. Et il te fera un mode d'emploi. Ouais. Et voilà, il te montrera comment il fonctionne. Sandrine également qui dit 20 ans aujourd'hui, je mérite un beau cadeau. Non, bah bien sûr, évidemment que tu mérites un beau cadeau. Attends, je te mets la petite musique de l'anniversaire. Hop là, voilà, c'est rien que pour toi, c'est un bon anniversaire. Voilà. Non, effectivement, on n'a pas 20 ans tous les jours, Sandrine. Hein, c'est vrai. Bah tiens. Ça se mérite. Voilà. Vous êtes un imbécile. On peut pas lui envoyer un zippy. Non. Bah non, parce que sinon ça va être anniversaire de tout le monde dans 5 minutes, tu vas voir. Il y a Renaud également qui dit moi je mets sans excuse, ça passe crème. Il y a Hugo qui dit aussi moi mon excuse c'est j'ai trop écouté Mickaël. Oui, alors pas sûr que ça fonctionne bien cette excuse là, mais tu peux toujours essayer. Et Quentin qui dit Mickaël, j'ai pas bien compris, vous allez peut-être filer du matos de DJ. Oui, exactement, c'est ce qu'on va offrir dès demain sur Fun Radio. Donc reste bien à l'écoute de Fun justement. Et Jean-Baptiste qui dit je vous écoute depuis moins d'un mois, vous êtes trop fort. Un petit message de bienvenue, bien sûr, Jean-Baptiste. Petit message de bienvenue, voilà. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est un petit message de bienvenue sympathique. Et avant de récupérer Maël et Gilles et avant d'offrir la console Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost, eh bien, nous allons faire quelques petits appels avec Toff à propos du soutien-gorge dangereux. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait d'ailleurs appelé des gens pour les prévenir justement que le soutien-gorge était dangereux. Oui. Très dangereux. Apparemment. Très dangereux. Et donc on appelait des gens pour leur pour les prévenir hein, parce que nous sommes là, vous savez que c'est une émission d'aide, de soutien et de partage. Et que exactement. Tous les soirs de 23h à 2h on appelle des gens pour leur donner justement un conseil, des conseils en l'occurrence. On avait appelé direction, je sais plus où, mais on va rappeler maintenant, c'est parti. Oui allô, bonsoir madame. Oui. Bonsoir monsieur, pardon. Oui. Oui voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme portait des soutiens-gorge. Et ta mère, elle emporte des soutiens-gorge ou pas, espèce de con, à me téléphoner à cette heure-ci. Excusez-moi, hein, excusez-moi monsieur, mais je vous appelle parce qu'en fait c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Ben parce qu'en fait ça fragilise le sein, monsieur. Écoute, va te faire enculer, profond, tu l'entends ou pas ça? Ben oui monsieur, mais c'est pas très gentil. Allez, ciao, ciao, il m'appelle plus, hein. Quand on nous pose la question comme ça, quand on nous invite à rappeler, nous évidemment on rappelle. Surtout qu'on était quand même là pour un conseil. Mais on n'était pas là pour l'aider, monsieur. En tout cas, on voit qu'en Corse on est toujours bien reçu et ça fait plaisir. On rappelle. Allez hop, c'est parti. Oui monsieur, pourquoi autant de violence? Qu'est-ce que tu veux me casser les couilles toi ce soir? Mais je veux pas vous casser les couilles monsieur. Ne me téléphone pas. Tu me téléphones pas, tu sais ce qui va se passer. Je vais couper mon téléphone, c'est tout. Tu vas être perdant, pauvre con. Alors arrête. Mais oui, mais moi je veux vous aider, oui, monsieur. Allez, laisse tomber. Hein. C'est dans les trucs. Arrête, tu vas pas aider, rien du tout. Attends, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui se reposent à cette heure-ci. Bah oui, mais c'est pour ça, alors monsieur. Alors ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Je vous appelle pour aider votre femme, monsieur. Vous serez beaucoup plus content quand elle aura les seins bien fermes. Il y a des croix de partout, quoi. Allô? Tu m'appelles plus? Bah attendez, monsieur, j'essaie de vous expliquer. Rien à faire, non, ah oui, oh là là, pas de bonne humeur. Hein. Bon, et puis on appellera aussi pour Halloween, hein, on l'avait appelé jeudi pour Halloween, donc on va rappeler maintenant, c'est un auditeur, c'était Hugo, si mes souvenirs sont bons, qui nous avait demandé d'appeler des gens pour pour dire que Toff était seul et que du coup, comme c'était Halloween, citrouille, etc., ils voulaient sortir avec leur femme et savoir si t'étais d'accord de te prêter leur femme. Voilà. Bonne soirée, quoi. Bon, du coup, on vous diffusera ça dans quelques minutes pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Shane. Oui. C'est le moment maintenant. Ouais. De savoir si oui ou non tu vas repartir avec la Xbox One. Tu serais le premier à gagner la Xbox One. Ouais, ce serait beau. Avant même la sortie, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Comme tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs sur le Facebook, elle est magnifique. Ouais. Nous l'avions dans les mains, on a fait une photo avec la belle dans nos mains. La belle on a compagnie. Couché avec. Et oui, on aurait on bien s'est voulu. Frotté sur la exactement. Et on va t'offrir donc la Xbox One plus le jeu Call of Duty Ghost. Pour ça, évidemment, il faut que quelqu'un ait ne trouve pas la bonne réponse. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Si quelqu'un la trouve, tu perds et l'autre gagne, forcément. C'est simple. Et si elle ne répond pas, si jamais on tombe sur le répondeur, effectivement, tu gagnes aussi. Bon, on y va, on appelle, c'est parti. Reste avec nous, Shane. Ok. Je sais que tu voulais qu'on t'appelle Shane, mais voilà. C'est parti. Allez, on y va. Ça ne téléphone pas. Parfait. Pour l'instant, t'as toutes tes chances. Allô. Allô. Je crois que notre ami le stagiaire s'est trompé dans le numéro. Oui, oh, effectivement. Qu'il est mauvais. Le numéro est mauvais. Ne bouge pas, Sean. Ouais. Enfin, attends, il faut d'abord, évidemment, il faut être sûr que faut que ça ne décroche pas ou que ce soit le répondeur. Ouais. Hein. Là, comme le stagiaire a été mauvais. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Voilà. Alors, attends une seconde. Eh, mais il faut pas raccrocher. C'est le répondeur là. Attends. Excuse-moi, parce qu'on avait deux numéros, c'est pour ça. Ah bon, on va laisser un message là. Attends, c'est le répondeur, Attends, on va laisser un message. On va demander si le répondeur a la bonne réponse ou pas. Par contre, si maintenant ça décroche, bonjour, on va les prendre pour son grade. Sur le répondeur SFR du 06. Voilà, donc on va laisser un petit message, hein, Sean. Hein. Ok. Voilà, attends. Merci de laisser un message après le bip. Voilà. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Et je t'appelais pour savoir si tu avais la réponse à la colle de Sean. Alors Sean, vas-y, répète la colle. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillé. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Voilà, donc là on pose la question au répondeur. Hein. Malheureusement, bon, le répondeur n'a pas de réponse. Le répondeur n'a pas de réponse. Sean, tu repars avec la première Xbox One. Ouais, merci. Ouais, merci. Ouais, c'est génial. Et voilà, la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost, tu vas pouvoir te la ramener auprès de tes potes. Ah, c'est là. Génial. Oh, c'est et ben voilà, bravo à toi, félicitations Sean. Vous êtes un imbécile. La Xbox One, oui exactement. Vous êtes un imbécile. Et bah peut-être, je sais pas, je connais pas Sean personnellement. En plus, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Ah. Non. Et bah t'as mieux qu'un message de bienvenue là. Ah ouais. Ah bah voilà. Ferme ta gueule, escolard. Voilà, tu l'as eu en même temps, tu as comme ça t'as la totale. Voilà, première Xbox One est pour toi Sean, félicitations. Et bah tu vas rester au standard, on va prendre toutes tes coordonnées dans quelques minutes, d'accord? Okay. Ah, super, merci. Salut Sean, à bientôt. Ouais. Allez, ciao à toi. Et ciao. Pour les autres, hein, ceux qui n'ont pas gagné, rassurez-vous, on a une console Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost à gagner toute la semaine. Demain, on remet le couvert toujours dans la colle jusqu'à jeudi. Et on a également l'iPad Air à gagner ce soir encore avant minuit. Si vous voulez le gagner, l'iPad Air, à vous de jouer maintenant. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Vous faites un like et un partage de la photo où je pose avec l'iPad Air. Et puis, bah, avant minuit, tirage au sort pour vous offrir cette Xbox One. Je vous souhaite bonne chance. Maël qui est de retour. Maël, t'es là? Oui, je suis là. Très bien, Maël qui nous avait appelé parce que il voulait parler du naturisme. Et il y a Gilles également de Béziers. Comment ça va, Gilles? Oui, ça va très bien, très bien. Tant mieux. Alors, toi tu voulais parler du naturisme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, dis-nous tout. Ah ben écoute, moi j'ai commencé le naturisme il y a 5-6 ans en arrière. Ouais. Et naturellement j'étais avec une copine, elle m'avait fait découvrir ce truc-là. Et je suis arrivé à la plage, j'ai quitté le maillot de bain, mais je me suis mis tout de suite sur le ventre. D'accord. Le seul problème, c'est qu'en fin d'après-midi, impossible de pouvoir reconduire. J'étais rouge écarlate, le dos, les fesses, les cuisses, mais alors impossible, ça brûlait, ça piquait de partout. Ça c'est quand on fait le malin, ça, hein, sans protection. Ah, ouais, voilà. Par contre, la face était toute blanche. Ah bah oui, forcément, parce que t'es resté sur le ventre. Voilà, carrément. Mais alors, ça brûlait, c'était horrible. Des cloques et tout ça, c'était ouf. Ouais, mais en même temps, même si t'avais pas été naturiste, t'aurais quand même été en maillot, t'aurais quand même eu le dos et les jambes cramées. Aussi, ouais, j'aurais fait pile et face. Mais là, c'était que pile, c'était pas face. Bah oui, forcément. Ouais. Mais bon, au fil des années, après, je me suis découvert et je me baladais sur la plage sans avoir de découvert, je me promenais à Walpé, sur la plage, complètement décoincé. Le sexe pendant au vent. Oui, exactement. Voilà. Faut pas qu'il y ait trop de corps en l'air, mais bon. Mais non, on n'a pas d'érection sur une plage naturiste, ou alors faut être très bien accompagné. L'enregistrement a atteint la durée maximale. Oh merde, putain, j'avais oublié de raccrocher avec. J'avais oublié de raccrocher avec l'autre qui a pas gagné parce que du coup, la réponse, on l'a pas donnée non plus, on est con. La langue. Eh ben, exactement, t'aurais gagné si t'avais décroché. Ah putain. Allô, j'en ai parlé à ma compagne. Je fais mais c'est la langue, c'est à l'abri, c'est toujours mouillé. J'avais pensé au sexe au début, mais bon. Ah ouais, t'aurais pu le sexe, mais le sexe n'est pas toujours mouillé pour le coup. Hein, c'est toujours la fille, quoi. Encore. Bon, attends, Gilles et Maël, restez là. Il y a également Didier, Mickaël également. J'aimerais bien avoir l'avis de filles dans quelques minutes là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, mesdemoiselles. On va parler dans un instant avec vous. Vous toutes et vous tous, on est là jusqu'à minuit. Et Toff qui est bien avec une amie ce soir. Oui, très bien, une bonne amie. De passage. Exactement. Et on racontera la dernière fois qu'on les a vus ensemble, c'était à mourir de rire. Ah oui, ne bougez pas, on va vous raconter ça dans quelques minutes. Restez sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à minuit. Soyez tous les bienvenus. Twitter, je vous le rappelle, hashtag et Mickaël pour venir parler avec nous. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Fun Radio. No limit. Mickaël, no limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio tous les soirs de la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis bien sûr le dimanche soir de 20h à minuit sur Fun Radio. 2-0 toujours pour Lille face à Monaco. J'avais promis que je vous tiendrai au courant. Bah désolé les monégasques là, hein, ce soir c'est le drame. Ce soir c'est dur, hein, Paris c'est très très dur. Quel est le rapport? C'est Lille-Monaco. Premier, on est devant. Ah oui, d'accord, ok, mais après on verra. Premier si Monaco ne gagne pas. Non, on verra, ouais. C'est pas encore fini non plus. Hein. Bravo. Bon, il y a Fédé Legrand qui débarque sur Fun Radio dans quelques minutes et toujours l'iPad Air à gagner dans moins d'une heure sur Fun Radio. Tirage au sort parmi tous ceux qui auront fait un like et un partage sur le Facebook de l'émission, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Il suffit simplement d'aller faire un like et un partage, c'est pas compliqué. Il y a Alessandro qui dit ça craint, j'avais la réponse, mais mon GSM buggé, j'ai pas pu la mettre en ligne. Et dit Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue, je vous écoute depuis deux semaines. Bah écoute, si tu veux, avec plaisir. Vous êtes un imbécile. Eh ben voilà, comme ça le message est passé tout simplement. Fédé Legrand, c'est No Good sur Fun Radio, bonne soirée, bonne nuit. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec Robs qui dit je suis en train de poster les tweets cachette aussi, heureusement que t'es là, sinon je me ferais chier. Merci à toi, merci Rob, vous êtes là aussi. Quentin également, Mickaël, énorme le coup du répondeur. Je vous écoute presque tous les soirs, c'est un véritable plaisir. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah si tu veux ton message de bienvenue, y'a un sale. Eh bah ouais, t'inquiète pas, ouais. Tu vas être gratté, gros con. Voilà, t'as vu ton message là, bah tiens, il est là, tiens le message. Et puis le prince est là qui dit et il faut rappeler que les naturistes appellent les personnes habillées les textiles. Ah bon? Oh, comme oui, ça, c'est mignon. Vous insulte comme ça. Ah bah je ne savais pas. Maël, c'est vrai ça? Je sais pas. Ah bah je sais pas non plus. Moi j'avais déjà entendu ça. Mais je voulais te dire, Mickaël, parce que tout à l'heure tu l'as bien dit, le nom c'est Cap et plus loin c'est Agde. Non, ah moi je pensais que c'était le Cap d'Ad. Ah oui, ce qui n'a aucun rapport. Mais moi je fais la liaison, c'est pour ça. Le Cap d'Ad, d'accord, ok. Bah ouais, forcément c'est moins sexy, hein, France. On va appeler ça comme ça en tout cas. Donc Cap. Mais moi je suis gay. Ouais. Et puis quand je vais là-bas, c'est pas pour draguer ni rien, c'est pour me faire plaisir. Après, si la personne vient me draguer, évidemment, je me laisserai faire. Voilà. Ah bah évidemment, et t'inquiète pas, mais voilà. T'en viendras maintenant, il sait que t'es là. Hein. Bah oui. Toi, c'est pour libérer, c'est pour libérer le pénis, toi. C'est faut que le zboub soit à l'air un peu, oui, comme ça. Pour la libération du pénis. C'est ça, tu es pour. Tout. Ah, c'est pour tout. Pour tout te libérer. Non, parce que pour être sérieux, je préfère être nu que d'être habillé. D'accord. Personnellement. Ouais, tu préfères être nu qu'accompagné de teuf. C'est ça? Non. Ah, je sais pas, je demande. Vous êtes un imbécile? Bah oui, évidemment, oui, comme non. D'habitude. Ah, tu pourrais parler tu me disais si j'avais eu la Gaule ou pas. Ouais. À un moment, je me sentais tellement bien parce que j'étais sur Transat de privé de la. Privé de. J'étais sur Transat privé. Du Cap d'Agde. Du restaurant. Ah, du Cap d'Agde. Du restaurant. Ouais, puis, le mec, il a plein de monde. Ouais, mais il a plein, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, il fait chaud. Et puis il fait chaud, je m'endors, et je commence à sentir que j'ai la Gaule. Et plus tard, je comprends que c'est le soleil qui m'a fait faire ça. Ah ouais, d'accord, parce que moi j'y suis allé un jour, c'était hors saison, donc en fait j'avais quasiment personne, et t'avais un putain de resto, enfin un bar plutôt, qui était sur la plage, et bord de plage, super bon mojito d'ailleurs au passage, je sais plus exactement lequel c'était, mais ah bon, oui, et là où je l'ai pris, c'est un mojito, oui, enfin il y a beaucoup, hein, tu sais, hein, mais, et en fait il y avait, il y a juste un couple qui est passé, à Walpé, qui s'est installé devant, et puis voilà quoi, sinon pour le reste, non, c'était cool, hein, dans l'idée, en plus il y avait personne, c'était sympa. Bon, attends, il y a également Mickaël avec nous là d'Orléans. Bonsoir Mickaël. Salut. Comment ça va? Attends, on va perdre Maël apparemment, qui vient de on cracher pas ses poumons là. Non, ça va. Ah d'accord, non, ok. Bon bah voilà, nous voilà rassurés. Bon Mickaël, alors Orléans donc, et tu nous appelles parce que toi aussi tu voulais réagir par rapport au naturisme. Non, j'ai fait des clubs échangistes. Tu as fait quoi? Des clubs échangistes. Ah, des clubs échangistes, d'accord, ouais, ok. Ah oui, il y en a là-bas. Ouais. Ouais, c'est sur Orléans, mais bon, moi je vais pas au Cap d'Agde, t'es un ouf toi. C'est un ouf toi. Bah oui, c'est trop loin. Bah oui, j'ai pas de permis moi. Bah voilà, c'est ça. Non, non, mais. Ah non plus. Et club échangiste du coup, ouais, mais si t'habites là-bas, c'est plus facile, hein. Non plus, j'ai pas permis. J'ai pas de transport en commun. Oui, oui, non, mais. Ah, transport en commun, direction, vous voyez, en train. Je prends le train. Ouais. Le RER. Ouais. Et le TGV. Y a pas un taxi. arrive à la gare de Agde. Voilà. De Agde, exactement, du Cap d'Agde. Bon, et donc du coup, Mickaël, donc toi tu fais club échangiste, mais t'as jamais été genre plage naturiste, tout ça? Non, non. D'accord, ok, très bien. Et tu kiffes pas, tu nous appelles pourquoi? Bah, en gros, j'ai fait des clubs échangistes, mais en gros, j'ai jamais dit à mes parents, en fait. Oui, mais ça, on s'en fout. Après, t'es pas obligé de leur demander le... Mais t'es un ouf, tu vas pas le dire à tes parents. Oui, ça. Je vais dans les clubs échangistes. Voilà, papa, ah bah non, dimanche matin, ah bah non. Bon, voilà. Moi aussi, il y a des choses que je fais que je dis pas à mes parents. Bah oui, non, bah évidemment, Mickaël, en plus, t'as 23 ans. Comme par exemple, je vais dans des saunas libertins, elles le savent pas. Ah, t'es un cochon, toi. Ah oui, toi, Paris. T'es bien. Ah oui, dis-le, il y a Tof qui va venir avec toi. Bah bien sûr, avec plaisir. Attends, mais évidemment. Il est un imbécile. Eh bien, c'est un grand boulevard à Paris. Ouais. Il est M Sona. Grand boulevard à Paris. D'accord, ok, très bien. Bah, comme ça, moi, c'est noté. Attends une seconde. Et attendez, les mecs, on va prendre JB aussi dans quelques minutes. Et donc, il y a Tof qui est venu avec une amie, à Oksana qui est passée nous voir, qu'on a eu au téléphone d'ailleurs la semaine dernière ou deux semaines, je me souviens plus. Comment ça va, Oksana? Salut, ça va très bien. En forme? Super forme. Bon, ah bah très oui. Bien. Alors, la dernière fois qu'on t'a reçu dans une émission de radio qu'on faisait, t'as fait peur à Tof. Oui. Avec la cravache. J'ai voilà. Beaucoup souffert. Exactement. C'est vrai. Oui. Laissez-moi. Souffert comment? Alors, souffert ou... J'ai beaucoup souffert, oui. Ouais. J'ai eu les marques pendant plusieurs semaines. Mais oui, c'est ça. Il était. Oui, et la vraie histoire. Qu'il aimait bien ça, en fait. Ah, bah oui, mais t'inquiète pas, évidemment. Et la vraie histoire, Paul. Oksana, je me souviens, elle était avec une tenue en cuir rouge. Un truc, c'est ça, non? En cuir rouge? Ouais. C'est vrai. Ouais, rouge et noir, je crois, ça. Si mes souvenirs sont bons. Et donc, après avoir touché les parties intimes de Tof, vas-y, continue à te masturber. Après avoir touché les parties intimes de Tof, elle est montée dessus quand même. Oui, c'est vrai. Avec la cravache et elle l'a fouetté. Et Tof a eu peur. Et il était nu. Voilà. Et donc. C'était bien. Mais oui, c'était bien. Bah ouais. Bah oui, c'est vrai. Mais oui, c'était trop magnifique. Il a changé, tu trouves, depuis ces années? Non, il est au top. Merci. Enfin, quelqu'un qui dit des gentillesses sur moi, j'en profite. Tu peux dire la vérité, je vais pas te mettre dehors, Oksana, hein, il n'y a aucun problème. Hein, Est-ce que tu as cherché tes mots, Oksana, quand même? Non, mais on s'est bien amusé, c'était super. Voilà, c'est le principal. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'il vaut mieux être mal accompagné qu'accompagné de Tof? Qu'est-ce que c'est que cette... Bah, t'as l'expression, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc là, il vaut mieux être seul qu'accompagné de Tof. Moi, je connais plus, on est fou, puis on rit, non? Oui, effectivement, oui. Effectivement. Et donc, Oksana, puisque tu es avec nous ce soir, on parlera de ta grande carrière cinématographique. Oui. Voilà. Tu avant connais ça, tous les titres? Non, mais... Ah bah voilà. Bah oui, mais attends... La bite et le fusil. C'est même Moi, je connais un titre qui m'offre... Il y en a qui s'appellent Urgence. Urgence, ouais, facile. Ah bah oui, mais quand même. Ouais. Vas-y, cite-les, parce que moi je les ai, j'ai la liste. Les plus improbables. Ah non, vas-y, toi. Dis-moi un, je t'en ai dit un. Porno Chic 10. Ah ouais. Ouais, mais je l'avais même pas celui-là, donc. Ah si, je l'ai, Porno Chic 10. Russian Institute. Ouais. Ok. Russian Institute. Le son 7. Le son 7. Hein, quand tu fais Russian Institute 2, tu nous appelles, hein. Non mais alors c'est une série, il y en a déjà plusieurs, donc c'est déjà pas le 2. Bon, on reviendra à la prochaine série alors. Mais Porno Chic, tu l'as fait deux fois. Porno Chic, oui. D'accord. Tu vois, t'es au courant, je suis. Bah oui, j'ai la liste devant moi. Ah, oui. C'est ça, oui, après, oui. Bon, donc voilà, on en parlera dans quelques minutes avec toi, Oksana. Naturisme, tout ça, t'as déjà essayé, t'aimes bien, tu connais pas? Au Cap d'Agde, oui, le naturisme, mais moi, ça vrille parfois en libertinage, en fait. D'accord, bah, c'est bien, parce que comme ça glisse. Comme ça, t'es entre Mickaël et Maël. Hein. Maël, lui, c'est le naturisme, et Mickaël, c'est le libertinage. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je sais que Sandra, elle m'a dit de pas le dire, mais j'ai envie de te le dire. Dis-moi ce que tu vas dire. C'est que toutes les radios que tu as pu faire le soir, oui. Et bien, je t'écoutais. Ah bah c'est gentil. Depuis des années, c'est ça qu'il veut dire. Ah bah c'est gentil, Maël. Désolé, j'ai commencé. En même temps, on s'en fout. Maël, ça sert à rien. En même temps, j'en ai pas fait 150 000 non plus les radios, Maël. Mais bon. Non, mais même Énergie comme radio, je t'écoutais. Bah c'est gentil, Maël. Et puis radio le soir, parce que le matin, je pouvais pas. Ah oui, bah forcément, Maël. Mais écoute, c'est pas très grave en même temps. C'est pas. On t'en veut pas. Mais c'est gentil. En tout cas, merci d'être fidèle. S'il y avait eu les podcasts, j'aurais podcasté pour écouter ce que tu faisais le matin. Vas-y, poule. Attends une seconde. Retire plusieurs fois, s'il te plaît. Voilà. Non, mais Maël, en tout cas, c'est gentil. Attends une seconde, parce qu'il y a Didier aussi qui est avec nous, là, de Gironde. Salut, Didier. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Attends, on va perdre Maël à force de cracher comme ça dans le téléphone. Il va nous contaminer. Voilà, j'en mets un... Un petit peu de spray, c'est pour être sûr. Bon, Didier, ça va bien de Gironde? Oui. En forme? En forme. Très bien. Bon, alors, est-ce qu'Halloween est terminé? Oui. Tant mieux. Tu sais répondre autre chose? Tu peux répondre oui, non? Excuse-moi, je suis un peu timide, ça prend D'accord, très bien, c'était très clair. Bon, Didier... Enlève ton masque d'Halloween, en fait. Didier, qu'est-ce qui t'amène? Voilà, je vais te parler du nudisme. Du nudisme. Du nudisme, très bien, ben, ça tombe bien, on est en plein, on est pile poil dedans, là. Et en parlant de poils... tu voulais dire quoi exactement par rapport au nudisme? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un vrai bésodrome, alors c'est faux. J'ai compris bésodrome. Désolé, oui, hein, je me fous pas de toi, Didier, mais j'ai eu du mal. Si tu veux. Ah bah vas-y, Sandro. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un bésodrome, mais ce n'est pas le cas. Ah, c'est parce que Oksana disait il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça, il y a 5 minutes, elle dit ah, mais ouais, j'y vais, mais alors en général, ça se vrille dans tout et n'importe quoi, donc bon, compliqué. Mais moi, ça vrille tout le temps, pas seulement dans le naturisme, donc ça va. Ah non, oui, c'est vrai. C'est pareil. C'est vrai que la dernière fois qu'on l'a reçu dans l'émission, bon, a eu peur, c'est pour ça qu'il s'est rien passé. Mais c'est parce qu'il faisait chaud. Ouais, en plus, voilà, c'est ça. Je comprends. Qu'on coupe le chauffage. Qu'on coupe la clim, pardon, qu'on mette le chauffage, pardon. Bon, et donc Didier, donc tu trouves que toi ça part souvent en sucette? Voilà. D'accord. Et toi tu veux témoigner, tu dis et voilà, et c'est pas bien. C'est non, pas voilà. Non mais c'est raison. Tout, c'est des personnes comme parce qu'il y a été les textiles et des cunis. Les cunis. Ouais. Les textiles. Les cunis. Les textiles et des textiles et du cunu, c'est ça? Ouais. Ok, waouh. Wow. Maillot de bain et cunu quoi. Ah bah ouais, bah évidemment. Tout ça est très clair. Et bah tiens, mais bien sûr. Mais moi je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Mickaël. Ouais. T'es d'accord aussi? Ouais. Gilles, t'es d'accord aussi ou pas? Ah ouais, carrément, mais parfait. De toute façon, les plages naturelles, ça c'est pas des bisous. On est comme vous, sauf qu'on a poil, c'est tout. Ah ouais, bah voilà, vous êtes comme nous, mais à poil. Donc vous êtes pas pareil en fait, mais. Mais ils sont pareils. Mais dans l'idée, c'est la même chose, on est d'accord. D'ailleurs, toi va faire du naturisme ce soir, hein. Il va se mettre. Bien sûr, je vais courir nu dans les couloirs de la radio. Oh là là, c'est trop bien ça. Il a dit, hein. Je note. Oui, effectivement. Absolument pas. Et je rappelle que si c'est un vœu, si c'est un souhait d'Oksana. Bah écoute Oh oui, j'ai envie, oui. Je donne 500 euros s'il le fait en Barésie et tu mets dans les rues de Paris. On est déjà passé un niveau au-dessus là. Tu vois, il a vieilli. Hein. Il se freine maintenant. Ça bon, merci Mickaël, Didier, Gilles et Maël d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, tout le monde. Hein. Passez une bonne soirée à l'écoute. Excuse-moi, de moi, je peux pas une dédicace. Allez, vas-y, Mickaël. Bah, il faut rajouter quelque chose. Oui, vas-y, Mickaël. Une dédicace à toute ma famille. Très bien, bah, le message est passé. Il y a pas de souci. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, Gilles. Juste une petite chose pour les personnes qui m'ont peut-être reconnu ou pas. J'ai quand même une petite particularité, si ça peut, voilà. Jusqu'à maintenant, j'étais pas reconnu, mais aujourd'hui, non. Je suis en réalité le sosie du Dr House. Ah bah il manque plus que ça, tiens, maintenant. On peut me retrouver sur mon site Facebook sur Gilles House. Grégory House avec nous, c'est cool ça. Et je chante également. Voilà. En plus, bah c'est parfait. La country, comme et je suis naturiste et là, j'ai bon, aucune honte à le dire. Oui. Gilles, ça doit faire bizarre quand même de voir Dr House à poil. Hein. Grave. Hey, c'est comme ça que j'ai rencontré ma copine d'ailleurs. Ça fait 4 mois que je suis avec, oui. On va prendre ton numéro de téléphone et si jamais, parce que pour l'instant c'est l'air de se goupiller comme ça au niveau des auditeurs, il y en a beaucoup qui demandent, si jamais on passe à Montpellier pour faire l'émission en direct comme on l'a fait Nancy la semaine dernière, tu passes nous voir. Eh ben avec grand plaisir, vous me le dites, moi je monte à Montpellier, hein, et il y en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a pas de souci. Hein. Très bien, alors on va prendre ton numéro de téléphone et puis je vous invite aussi. Ouais. Voilà, je vous invite aussi à écouter ma chanson, vous personnellement, sur mon site Gilles House, sur le Facebook. D'accord. Et la chanson c'est Je me présente à vous. Eh ben tu la chanteras en direct. Tu la chanteras en direct quand tu viens. Chiche. Eh ben pas de problème. Bon, pas ah ben avec grand plaisir. Bon ben parfait. Bon ben salut Grégory House. Allez, salut. Salut Dr House, ciao à toi. Allez, bye bye. Et puis on va prendre également JB dans quelques minutes. Vous toutes et vous tous en direct également, il est 23h05 sur Fun Radio. Le match est terminé d'ailleurs hein, pour Lille-Monaco et 2-0 pour les Lillois. Il y a Monsieur Adrien en HD qui dit aussi, je vous écoute depuis 4 semaines et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue, c'est dur. Oh mais non, tiens je t'en mets un. Tu fais chic, espèce de con. Voilà, le message de bienvenue est passé, comme ça au moins ça y est c'est fait. Bon, Oksana qui est avec nous, avec qui on va parler dans quelques minutes, on va parler de tout et de rien comme d'habitude, hein Oksana. Super, très bien. Voilà. Oui. Donc c'est là qu'on l'avait eu au téléphone il y a une ou deux semaines parce qu'il y avait une auditrice, je crois. C'est un auditeur qui voulait. Un auditeur qui voulait être acteur porno, mais il ne savait pas comment procéder. Exactement. Donc voilà, si vous avez des questions, tant qu'à faire, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que tu trouves que Sandro ne ressemble pas à une actrice de porno? Genoveva GG. Non, Geneva, une Mexicaine. Une Mexicaine. Voilà. Mais vous connaissez toutes les actrices porno? Ah oui, alors, bien sûr. Moi, qui suis dans l'action, je suis purement dans l'action, mais je ne sais pas les noms. Non, bah bon, c'est vrai. Bah, tu veux, tu nous dis, on te présente. Hein. On présente. Clara Morgan. Bien sûr, voilà. Bon, elle est plus vraiment dans l'ac dans le cul, Clara Morgan. Enfin, plus dans le film X, en tout cas. Dans le cul un jour, dans le cul toujours. Les Françaises, oui, je connais, mais je connais pas toutes les actrices. Il y en a, ils connaissent. Ah bah t'inquiète pas, Toff et Polo, ils peuvent les Argentines, enfin en Argentine, moi, j'aime au les Brésil, l'Éricaine, etc., etc. Il y a aucun problème. Bon, restez avec nous. Je l'avais promis tout à l'heure à Samia. Donc à France la scène. Oui. Voilà, exactement. Avicii avec Hey Brother dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis si vous voulez parler avec nous, on est là jusqu'à minuit, bah prenez votre téléphone et appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0, toujours l'iPad Air à gagner sur Fun Radio, sur le Facebook. Venez nous rejoindre, tirage au sort dans moins d'une heure sur Fun Radio. Ça se passe donc sur le Facebook, facebook.com/mikl officiel. Je n'ai que ça à dire et on revient juste après avec Oksana. Toutes vos questions, bah vous appelez Sandro. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Call of Duty Ghost débarque. Réservez-le dès aujourd'hui chez Micromania et recevez en exclusivité la carte bonus Free Fall et le personnage original Ghost. En plus, Micromania vous garantit la reprise du jeu PS3 ou Xbox 360 à 60€ pour l'achat de la version PS4 ou Xbox One. Alors n'attendez pas la next gen et réservez Call of Duty Ghost dès aujourd'hui chez Micromania. Micromania, qui vous parlera des jeux vidéo mieux que nous? Et je vous l'offre en plus le jeu ce soir sur Fun Radio, enfin demain en l'occurrence. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Ouais, parce que Call of Duty Ghost, je l'ai déjà filé avec la Xbox One il y a moins d'une demi-heure. On remet le couvert demain dès 23h sur Fun Radio, donc prévenez vos potes. Demain au bahut en rentrant ou même au travail, demain la Xbox One, encore une fois, à gagner sur Fun Radio. La Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost. Donc restez bien sur Fun Radio. On a toujours Roxana qu'on va récupérer dans quelques minutes. Ah, Butoff, il est jamais là, il est jamais à la bonne place. Il s'en va, ouais. Il revient, je sais pas ce qu'il prépare. Il y a Léa qui dit venez à Montpellier. Eh ben on verra, hein. Je mettrai un petit post sur le Facebook dans les jours à venir pour savoir dans quelle ville vous voulez qu'on se déplace la prochaine fois. Est-ce que vous voulez qu'on aille effectivement à Montpellier? Est-ce que vous voulez qu'on aille ailleurs? Bon, je sais au pas. Cap voilà. D'Agde. Eh ben, au Cap d'Agde éventuellement, pourquoi pas. On verra bien. Donc si vous voulez proposer des villes, n'hésitez pas. Ouais, au Cap d'Agde ça peut être pas mal. D'autres, c'est pas loin de Montpellier, il y a peut-être moyen de gérer un truc. Hein. Bon, allez, 01 42 48 5000. Il est 23h10, on est en direct jusqu'à minuit. On va faire le top tweetos également avec l'élection du meilleur auditeur de la soirée, celui qui aurait été le plus influent sur le Twitter. C'est après Avicii sur Fun Radio. Hey brother. Le son d'Avicii à l'instant avec le micro allumé, c'est mieux. Hey brother sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et un petit message évidemment pour Toff. Vous êtes un imbécile? Bah oui, a priori. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, je pense qu'à un moment, faut le dire. Quoi. Exactement. Il y a Martin qui dit, Mickaël, s'il te plaît, c'est quoi le nom de l'actrice porno qui est avec vous? Le nom de scène? Oh. Oui, c'est... C'est une actrice. Voilà, c'est ça, Oksana. Il y a Manuel également qui dit, tu gères mec, merci. Et Arkil63, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Grosse dédicace au collège Joliot-Curie. Oui, alors message de bienvenue, attends, ne bouge pas. Je vais t'en mettre un beau et en plus un tout nouveau là, qu'on n'a pas encore mis très souvent. T'as le bâtard. Il était pas mal celui-là aussi. Hein. Bâtard enculé. Voilà. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Oui, oui, bah, je crois qu'il a bien entendu là, a priori. Hein. Léa qui proposait qu'on vienne quand même à Montpellier. Il y a Cocon Sigli, Dexter, mauvais, mauvais, pitoyable, n'est pas digne de pitié. Ah oui, ça c'était par rapport au standardiste hein, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Dexter. Vous pouvez voir ça sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à venir. Et puis donc Oksana qui est toujours avec nous. Oksana. Oui, toujours, toujours. Très bien. Plein de gens qui ont débarqué là pour des questions. Hein. Que des mecs, comme par hasard. Corentin, Jimmy, Grégoire, vous êtes là les pervers? Ouais. Les pervers sont là, c'est parfait. Bon, vous avez des questions à poser à Oksana dans quelques minutes? Oui. Bon, très bien. Alors, restez là, on va vous laisser poser la question. Ce qu'on sait moins sur Oksana, c'est qu'elle a un bac S. Ouais. Attention. Ouais. Bah, c'est bien. Oui, oui. Parce qu'on pourrait imaginer, ouais, de toute façon, c'est des cons, des connes, ouais. Elles ont rien dans la tête. Elle a fait coiffure. Ouais, c'est ça, etc. Avec quelle mention? Mention assez bien. Ah, quand même, hein. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, du coup, on va faire une petite révision pour voir ce que tu as retenu. Ah oui. Alors, attention. Ah, tu frimes moins, là. Ah, ouais. Bon, alors, attention. Digne du bac S, bien sûr. Sandro, ici présente, avait 6 sacs de 14 bonbons. Oh, ça, déjà, elle... ça, c'est compliqué, là. Attends, mais je la répéterai. Donc, Sandro avait 6 sacs de 14 bonbons. Elle perd 9 bonbons. Combien a-t-elle de bonbons maintenant? Je répète. 6 fois 10, 60. 6 fois... Sandro avait 6 sacs 24, de 14 bonbons. 84. Elle perd 9 bonbons. Combien a-t-elle de bonbons maintenant? Si vous pensez avoir la bonne 75. Réponse, hashtag et Mickaël. Et oui, bonne réponse. Bravo. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et alors, ce que j'ai vu aussi, c'est que t'étais ceinture noire de judo. Oui. Ah, bon. Voilà. Ça, c'est le... voilà la pratique maintenant. Bon, alors, les auditeurs qui sont venus, vous pouvez vous mettre un peu plus sur le côté? Ouais, parce que Toff va se faire exploser la gueule. Donc on va faire une démonstration. Ouais, avec Toff. Ah, démonstration au sol. Présent. Avec Toff, avec Toff. Une action, action. Attends, attendez, attendez. Attendez. Alors, tu vois, dans le judo, bah, t'as les prises et tout, et t'as l'immobilisation au sol. Voilà. D'accord, bah, tu l'immobilises, tu comme le démontes. Comme ça, le partenaire doit bouger, il doit sortir de là. Voilà, imagine qu'il est venu dans la rue, qu'il est venu, c'est genre le mec relou. Oh, vas-y, t'as vu, t'as vu, oh, avec ça, t'es bonne et tout, t'as vu, machin. Attends. Et donc, attends. Donc, tu lui démontes la tête. Attends, prends le micro vers toi pour qu'on l'entende mieux. Tof, prends le micro, parce que Toff, il a complètement oublié qu'il était à la radio. Ah lui, bah non, il a oublié, attendez. Il a une meuf à côté de lui, il est complètement perdu. Moi, j'ai pas oublié, moi, je la laisse faire. Calmons-nous. Arrêtez de m'exciter comme ça, ça va être dur. Ah bah ouais, non, mais attends, donc imagine. Remarque que si c'est dur, j'aime bien aussi. Oui, bah oui. C'est pour faire contrepoids quand je vais tomber. C'est ça. Donc il faut qu'il s'allonge ou il faut que je projette? Non, tu le jettes à terre comme si c'était un mal propre. C'est parfait. Non, on va y aller doucement, Non, mais imagine qu'il t'a mal parlé et tout. Attends. Elle faut préciser qu'elle est en talon. Hein. Ouais, elle est en talon. Et attends, et vas-y, mets-lui un coup de talon dans le ventre. Attends, on entend mal, attends. Stagiaire, allez mettre le micro par en bas. Attends, voilà, on met le micro plus bas, heureusement. Hop là. En fait, arrête de gueuler, Toff. Une fois que Toff est par terre, ou donc ton partenaire, tu dois l'immobiliser et il doit plus bouger. Lui, il va essayer de se débattre. Par exemple, tu peux pas remuer comme ça parce que ça, là, c'est plus du judo. C'est autre chose. Ah, voilà, c'est ça. Bon, mais pour bien l'expliquer, je suis obligée de faire la démonstration. Bah voilà, c'est ça. Mais je suppute. Enfin, je vois rien du tout. En même temps, vous êtes au même endroit que moi. Donc alors, attends. Elle, oh merde, j'ai tout cassé. Le PC. Bah explique Polo là parce que je vois rien là où je suis. Alors Toff est au sol, ouais. Et Oksana est dessus. D'accord. Et maintenant il doit sortir mais il veut pas sortir. En fait il m'a laissé gagner donc j'aime bien ça. Non mais il a rien essayé du tout, il a aucune force. C'est ça, il est franchement. Oh, là, dans cette position ça me donne plein d'idées. Oh, hein. Parce que vu qu'il n'y a pas de kimono, forcément. C'est ça, évidemment, c'est un problème de kimono. J'ai d'autres celles en tête, tu vois, là c'est plus du judo. Mais arrête, tu vas lui faire peur comme la dernière fois Toff là, le malheureux là, oui c'est ça. Bon, donc Toff, tu l'as laissé gagner, bien entendu. Attends, t'entends mal, rapproche-toi du micro. Est-ce que j'ai bien eu le choix? Bah, je sais pas, ouais, t'aurais si pu... Si, t'as eu le choix, en fait. T'aurais pu dire non, t'aurais pu te la mettre KO? Bah oui, j'aurais pu, oui. J'aurais pu, c'est-à-dire que d'un coup de jambe, elle m'a fait valser de l'autre côté du studio, mais... Oh, tout de suite exagéré. Mais je suppute que Oksana ait été très gentille. Trop gentil. Bah je trouve que c'était déjà pas mal au niveau de la gentillesse. Sinon il y a les étranglements, il y a tout ça, mais non, je ne peux plus faire ça. Ah mais si, franchement, vas-y, fais ton plaisir. C'est vrai que si t'étrangles le mec, normalement, il paraît que... Oui, il paraîtrait que effectivement mais il faut aller très loin, non? Bah je sais pas. J'ai jamais essayé ce genre de plan. Ouais, mais n'essayez pas. Nous on peut parce qu'on est des professionnels dans le métier, mais n'essayez pas chez vous, bien entendu, c'est très mal. C'est pas comme ça qu'il est mort, l'acteur de Kill Bill? Si, exactement. Et apparemment, il a voulu étranglement et du coup, bah il a pas survécu. Donc c'est bon. David Carradine qui a des expériences à Bangkok d'étranglement, etc. Et puis il est mort. Et voilà. Et il y a Emmerich aussi qui dit on dirait des positions du Kama Sutra, les immobilisations de judo. Oui, bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas de kimono, donc forcément... Bah oui, voilà, c'est ça. Je suis pas bien rendu compte. C'est quand ça part en vrille, là, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Attends, il y a aussi Monsieur Adrien HD qui dit « Venez à Montpellier ». Bah écoute, pourquoi pas, venez à Nantes, on vous attend, c'est Fabienne. Venez à Saint-Génie de Malgoire, c'est un coin paumé. Ah oui, Harmonie, pardon, j'ai bien compris ça, que c'était un coin paumé. Bon, il y a Grégoire qui est avec nous, là. Comment ça va, Grégoire de Bourges? Ouais, ça va. T'aurais bien voulu être à la place de Toff, calé au sol par Oksana. Ah non. Comment ça non? De quoi Grégoire? Ceinture noire, ça fait trop mal. Ah oui, ceinture noire, ouais. Mais t'inquiète pas. Mais là on avait pas mis la ceinture, hein. Ah ouais, là la ceinture était pas mise. Là on était soft. Ah, d'accord, ok. Trop soft. Alors, si on a été soft, ça va. Alors que moi, j'aurais rêvé qu'elle le prenne, qu'elle lui fasse traverser les quadruples vitrages, là, qui est dans le studio. Oui, mais il y avait trop de vêtements pour ça, non? Non, il n'y avait pas le kimono, c'est vrai. Mais il n'y avait pas le kimono, aussi. Quoi. Mais j'y penserai pour la prochaine fois. Bah voilà, c'est ça. C'est soit tout nu, soit avec le kimono. D'accord, bah, je penserai au kimono la prochaine fois. Et qu'il n'y a pas de kimono, il ne reste plus qu'une option. Bah oui, c'est ça. Écoute, elle fera de toi ce qu'elle veut. Hein. Oui, moi, après, je ne gère plus. Moi. Bon, Grégoire, tu voulais dire quoi, toi, Oksana? Eh ben moi, je voulais demander à Oksana comment ça se passait pour entrer dans ce milieu, en fait. Ah, parce que pour rentrer, j'ai bien des réponses, mais dans le milieu en particulier, oui, effectivement, bah, je sais pas. Il n'y a pas de CV. Ouais, c'est ça, tu postules pas quoi, t'arrives pas avec ta lettre de motivation, etc. Non, en fait, la plupart des garçons commencent par des films amateurs, et après, avec leur cassette, enfin leur cassette, leur DVD, leur film, ils vont le présenter au prod, ou sur des sites internet, et ils sont repérés comme ça. Mais c'est vraiment difficile parce que c'est un milieu très fermé. Il y a de moins en moins de prod. Et de ce fait, c'est très difficile d'entrer dans le milieu. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Alors, surtout en France, il n'y a pas d'agence, il n'y a rien. Quoi. C'est artisanal, on va dire. C'est au feeling. Ouais, il faut aller aux États-Unis. Bah, là, La plupart des acteurs et actrices viennent justement du milieu soit du libertinage ou soit... avant, il y avait beaucoup plus d'acteurs. Venez directement acteur, mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui viennent soit de la maths, soit du libertinage. Et il y a... L'amateur. Ah, de l'amateur. Oui, qui font des films amateurs et puis qui se font repérer parce que... Très bien, parce qu'il faut savoir aussi que Toff a été refoulé. Hein, quand oui, il a, j'ai quand été éconduit. Ouais, il a tenté, il s'est inscrit à un casting de film X, il s'est fait refouler trop petite bite, apparemment. Je n'ai pas vu passer. Alors. Ouais. C'est vrai, exactement. Vous êtes un imbécile. Non, il a une trop petite bite, monsieur, c'est tout, en fait. Hein. Il y a Megumi qui dit « T'es aux anges, un petit vénard ». Ah, on n'a pas relevé effectivement le fait qu'elle a invité Moi j'ai bien relevé. Voilà, c'est ça. Afin de vérifier la longueur. Et c'est vrai que pas mal d'auditrices, notamment les SBFreaks, seraient ravis de pouvoir savoir quelle est la vraie taille. Le calibre. Je me doute. Bah voilà, paraît-il. Et tu peux voir ça juste, même si une bite est pas en érection, en l'occurrence au repos, tu peux voir un peu le modèle que ça fait ou... Ben non, parce que en se déployant, ouais. Elle peut grandir de façon différente. Ça peut doubler, tripler, quadrupler. Ouais, ça peut arriver. Et ça dépend si il bande pas du tout, s'il bande un petit peu. Des fois, s'il est demi-molle. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Bon, ben voilà, Greg, on a répondu à tes questions, du moins j'espère. Oui, merci. Est-ce que je pourrais passer une dédicace, s'il vous plaît? Oui, vas-y, profites-en à une personne. Tu connais la règle, choisis la bonne. Je voudrais passer une grosse dédicace à mon patoche qui m'écoute. Et Très bien. Le message est passé. Il n'y a pas de souci. Salut à toi, à bientôt, Greg. À bientôt. Allez, ciao. Il y a Corentin également avec nous, là, 21 ans de Maubeuge. Comment ça va le Nord, Corentin? Ça va froidement. Ah, froidement, oui. Bah, oh, ça va, c'est pas non plus. On n'est pas au mois de février non plus, hein. Ouais, il caille, hein. Bon, il caille, il doit faire 10-12 degrés, là. Qu'est-ce que tu vas dire quand il fera moins 15? Il pleut de rage et tout, il y a du vent. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu veux. Il y a Ludo qui dit, est-ce qu'Oksana est de Maubeuge? Je suis née à Maubeuge. Oh, Oksana est originaire de Boussois. Ah, ben voilà, en plus un connaisseur. Bien sûr. Eh oui. Bon, alors, tu voulais dire quoi, toi, du coup, Corentin? Moi, j'aime tout ce qui est la libération et libertinage, en fait. Et du coup, j'aimerais avoir un petit filon pour... J'ai déjà envoyé des vidéos et tout, mais jamais de retour. À qui? À Oksana? Non, pas Oksana, principalement, mais sacré Jackie Michel, par exemple. Ah, Jackie Michel, ouais. Les fameux Jackie les Michel. Fameux, les fameux, ouais. Merci qui? Bah ouais. Et donc, du coup, tu veux faire quoi? Tu veux rentrer dans le libertinage? J'ai pas tout compris. Bah, j'en fais déjà un petit peu, et du coup, j'aimerais me mettre un peu dedans, quoi. À peu près comme disait Greg, c'est ça? Dans les films? Voilà. Mais les productions ne prennent pas de risques, c'est-à-dire ils vont pas dire tiens on va t'essayer dans le film parce qu'il y a de l'argent qui est mis en jeu, il y a des frais de, enfin les acteurs qui sont payés, des frais de capote, etc. De capote, de tout, ouais, de tout est payé, voilà. Ouais. Donc si tu prends un hardeur qui n'a jamais tourné et qui foire, qui ne sait pas faire la scène, mais il perd son temps, il perd son argent et ça l'intéresse pas. Il préfère prendre un mec qui est confirmé, un ardeur confirmé, et ne pas avoir de problème. Et être sûr que le mec il va bander. D'accord, bon ben voilà. Toi, tu sais, Corentin, donc t'as plus qu'à faire des vidéos. Voilà, mais moi, j'y arrive, ouais, voilà, je dure 4 heures et tout. Et en vrai, ils durent pas 4 heures, ils durent 5 minutes des fois. Mais c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui veulent, comme je le disais en rentrée avec Oxana, il y en a plein qui veulent faire, qui veulent devenir acteurs de films de cul uniquement parce qu'ils sont persuadés que c'est la folie, que c'est génial, qu'ils baissent toute la journée, que des bombes. Alors qu'en fait, non, ils doivent avoir une goal pendant, pendant des heures, ils doivent recommencer 100 fois la même chose. Oui, et puis ils s'imaginent le plaisir avec une femme, ils font des comparaisons avec leur vie personnelle. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'en réalité, sur un tournage, t'as un gros zoom de caméra qui est sur ton sexe et qui te dit vas-y maintenant mon gars. Ouais, c'est ça, t'as les trucs, ils ont un tuyau, ils ont l'espèce de tuyau, un truc, une lance à incendie carrément. Voilà, là. Après, comme c'est un zoom, t'as la make-up qui vient maquiller. Non, il y a le maquillage de teub. Ah oui, la bite est poudrée. C'est possible, le sexe ou même au-dessus, je veux dire, il n'y a pas de complexe. On est vraiment dans la détente totale, alors que le mec, il doit avoir l'érection, il doit se faire son histoire dans la tête pour arriver à... C'est pas si facile, quoi. C'est bon, ça, c'est bon. Et la légende du lait concentré, alors, c'est vrai ? Du lait concentré ? Ouais, c'est-à-dire que quand le mec, il éjacule pas assez, on en rajoute un peu, quoi. J'ai vu ça très, très rarement. Mais c'était un réalisateur très, très frustré. Je n'aimais pas, parce que franchement, je trouve ça ridicule. Autant faire la scène, autant aller jusqu'au bout. Ouais, mais bon, après, pour le goût, c'est la meilleure. Il a fait ça avec du shampoing, mais parce que c'était pas avalé, quoi. C'était un truc qui était... mais c'était un fou, ce mec. Hein. Ah ouais, parce que le lait concentré sucré, à la limite, en plus, c'est bon, tu vois. Donc c'est quand même... Ah non, mais en plus, t'es dans la scène, autant aller jusqu'au bout. Attends, Il peut peut-être, mais si le mec... C'est de l'arnaque. Si le mec a le réservoir vide... Non, mais il avait pas le réservoir vide. C'est lui qui avait sa tête. Ok, alors d'accord. Il y a Sayaruka aussi. Qui n'empêche que c'est pas forcément facile de devenir acteur de films porno, c'est chaud d'avoir la gaule sur demande. Ouais. Et Ludwig qui dit mauviette au Canada, il fait déjà moins 10. Ah bah t'as vu? Bon après c'est le Canada aussi. Hein. Et Maxime qui dit comment on peut avoir une photo d'Oksana, il y a la pionne de mon lycée qui est actrice porno très crédible. C'est bon ça? Ouais, c'est pas mal, ouais. Je suis de demander, hein, Maxime, hein, toi va faire ça avec plaisir. Bien sûr. Je pense que Paul en a déjà fait. Une photo d'Oksana, ouais, non, mais il voulait une vraie photo d'Oksana. Je vais faire une belle photo. Mais oui, et Dédé qui dit profite de l'actrice de film pour adultes car c'est pas tous les jours qu'il y en a une invitée dans l'émission. Non, c'est vrai, Dédé, et puis, mais en même temps, Oksana est cool, donc voilà, la dernière fois elle a maltraité Tov, donc c'est parfait. Bah, ça continue, hein. Arrête, elle a rien fait, t'es sérieux? Non, là c'était soft. Là. D'accord. Parce qu'elle a envie, elle m'a dit après la pub, j'aimerais bien refaire un truc un peu plus. Un vrai truc, quoi. Ouais. Tu peux pas lui mettre une fessée? Ah ouais, une fessée, mais une vraie. Une vraie. Des culottés. Ah, je suis là pour assouvir tes fantasmes, comme ça se passe. Voilà, c'est vrai. Bon, Corentin, reste avec nous, il y a Jimmy dans quelques minutes là. Jimmy qui est également là de Bordeaux. Salut le Bordelais. Salut. Comment ça va? Ça va l'équipe? Tranquille, bon, on est en forme, ouais. Bon, t'avais une question à poser à Oksana, tu la poses dans quelques minutes? D'accord. Bon, bouge pas de là. Les autres, allez-y, hein. 01 42 48 5000 pour la Belgique. Le 02 851 4x0 si vous avez des questions à poser à Oksana, hein, sur le monde du X ou à elle directement, il n'y a aucun souci. Ou si vous avez des idées qu'Oksana pourrait faire à Tof, n'hésitez pas également. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Il n'y a pas de problème. Oksana choisira celle qu'elle préfère. Ça me paraît honnête. Super ça. On va faire une bonne idée. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission et également sur les SMS. Hein, vous envoyez et Mickaël au 64 900 ou alors au 30 44 pour la Belgique. Et puis on va s'écouter maintenant un son que j'aimais bien. T'aimes bien Oksana? Oui. Ça peut être pas mal ça. Allez hop, Justin Timberlake maintenant. Petit souvenir, retour du côté de 2006 ou 7 je crois. Avec What Goes Around. Si je peux vous conseiller également une autre, un autre son de Justin Timberlake, je vous le dirai juste après, bougez pas. Ah, il est bon le son de Justin Timberlake, What Goes Around sur Fun Radio, la bienvenue tout le monde. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Vous êtes un imbécile? Oui, c'était un peu ça, effectivement, c'est bien, bien résumé. On avait demandé pendant le titre de Justin Timberlake, là... Eh bien, ce que Oksana pouvait faire à Tof pour se venger de toutes les filles à qui il parle mal. Ouais. Voilà, eh bien, je vous avais demandé à qui il ment, à qui il parle mal, etc., etc. Donc, parce que pour te donner une idée, pour te motiver un petit peu, c'est quand même le... Bon, peut-être que toi, tu vas aider, hein. Enfin, tu vas aimer, mais... Donc, c'est quand même le mec, c'est qui promet monts et merveilles à toutes les meufs, qui, évidemment, il n'a aucune parole. Ah, c'est pas cool. Ça, voilà. C'est pas sympa. Et effectivement, en même temps, on va voir 150 000 autres meufs en faisant évidemment croire à chacune que c'est la seule et unique, la plus grande, la plus belle, la plus forte. C'est beau ce que tu dis. Ouais, mais je sais, je trouve aussi. Donc voilà, ça te donne une idée de vengeance que tu pourras avoir par rapport à toutes ces femmes qui se font. Mais on a perdu le fouet. Ouais. Bah, on a perdu le fouet. Alors j'ai toujours ça. C'est pas un fouet, mais. Est-ce que ça peut fouetter ah, la... Ah oui, oui, ça peut fouetter. Ah, ça peut fouetter. Ah, c'est pas prévu à cet effet. Là, apparemment, c'est le Pinky Wheezy. Voilà, offert par. Ah, passage du désir.fr. Voilà. Et donc, écoute, je te l'envoie, Oksana, tu me diras. Ah, attention, attention. Voilà. Oh, t'as failli la tuer. Putain, j'ai failli. T'as failli tuer, Oksana. T'as bien visé. Oui, j'ai bien visé. Tu as vu, je suis un très très bon viseur. Il y a Clay aussi qui dit il est quand même bon ce Timberlake. Ouais, franchement, il était bien. Oksana, salut, je suis de Maubeuge aussi. Si tu as des bases de Newaza brésilien, fais-lui subir le triangle. Ça va l'exciter à mort et lui faire mal aussi. Bisous à David. C'est David. Ah, c'est du jujitsu. Le Newaza, c'est au sol, je crois, c'est ça. Newaza, ouais. Ouais. C'est des techniques au sol. D'accord. Et tu sais faire ça? Le triangle, je vois pas. Ah, moi, je sais le faire. Moi, je sais le faire. Non, sérieux? Bah, fais-le toi. Bah, venez, je vais vous montrer. Oh là là. Les enchaînements du Kama Sutra aussi. Ah, écoute, ça, éventuellement, ça va peut-être pouvoir un peu plus intéresser Toff. Hein. Bon, alors, les voisins, donc, on va tester ça maintenant. Du coup, Oksana s'est un petit peu retiré. Voilà. Alors, attends, parce qu'il y a Polo qui est couché par terre. Il demande à Toff de se mettre par-dessus lui. Je crois que c'est un grand fantasme. Il lui met les jambes entre sa tête. Oh, c'est beau. Mais il va te tailler une pipe ou pas, Polo? C'est un étranglement. Ah, c'est un étranglement apparemment. Bon ben bah, voilà, bah, rassurez-vous, ouais. J'ai pas vu non grand chose non plus. Par contre, je tiens à signaler que je n'ai jamais été aussi près des couilles de Polo. Oh, quelle horreur. Et Laurine qui dit putain, j'ai une chance énorme d'écouter Mickaël No Limite, des putains de bons sons et une équipe géniale. Bah merci Laurine, c'est gentil. Ouais, merci. Et oui, et il y a Apache Tomorrowland Roland qui dit gros big up à vous Mickaël pour la naissance de mon fils malgré son arrivée. Je continuerai de vous écouter, c'est DJ Apache 19 ans, Love Fun Radio. Et ben bah, merci et félicitations effectivement. À et Ludo qui dit je n'arrive pas à trouver son livre. Est-ce que tu pourrais me donner le titre s'il te plaît? Tomiri, c'est le labyrinthe de cristal. Voilà le livre d'Oksana justement. Mais effectivement t'as une grande carrière au ciné pour adultes et t'as arrêté depuis quelques années, c'est fini, terminé? Non, j'ai pas arrêté mais je tourne vraiment au feeling donc mes tournages sont plus rares. D'accord. J'ai une question, j'avais vu un truc où t'étais avec Doc Gynéco. Ouais, In Bed with Doc Gynéco. Ouais, et c'était bizarre quoi. Il voulait savoir si tu pouvais faire In Bed with Polo. Il faisait pas ardeur. Non, parce que, ouais, ça, il y avait Gynéco, Doc, d'ailleurs, on le salue s'il nous écoute. Il était là, et après, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un mec qui rentre, qui était en tenue assez intéressante. Légère. Ouais, elle avait des bottes en peau de vache, ouais. Blanc et noir, c'est ça. Ouais. Ouais. Et je tournais avec deux ardeurs. D'accord. Ouais, je me souviens, et il y avait Doc Gynéco qui arrivait, ouais. C'était marrant. Et qui faisait ses petits commentaires en fait. Ah, bah, il participait à sa manière parce qu'il pouvait pas être sympa. Bah, c'est génial. Voilà. Vas-y, oh putain, tu l'apprends bien. Tout lent là. C'est le deux phrases sur 1h30. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, et depuis donc, effectivement, bah, comme disait l'auditeur, tu t'es essayé l'écriture? Oui, depuis voilà. 2009. Ah oui, donc ça fait quand même un petit moment maintenant là. Hein. Et maintenant que tu as le coup de poignet plus facile. Tout à fait, maintenant mais je l'entraîne depuis longtemps. Non, bah voilà, c'est pour ça que l'écriture, c'est hop là, c'est super fluide, bien voilà. Passé. Exactement. Je n'ai jamais arrêté d'entraîner mon poignet. Très sur bien. Sur tout support, sur voilà. Je vais écrire des pages et des pages tellement elle avait le poignet souple. Voilà, c'est ça, grâce à toutes ces années évidemment de travail. Alors, t'écris dans les Fit Penthouse et tu as aussi écrit donc. Les chroniques. En fait, j'ai fait les chroniques dans Penthouse. Ouais. J'écris aussi parfois des nouvelles érotiques, donc ouais. Toujours pour des magazines comme ça. Oui, bah, je diversifie pas mal. Ouais. Non, mais c'est bien. Hein, la c'est SF, bien. La fantasy. D'accord. Comme Iris, c'est la fantasy mélangée à de l'histoire, en fait. Ah ouais, d'accord. Okay. Et toi, tu connais, bien sûr. Bien sûr, bah, évidemment. J'ai lu tout ça. Un grand connaisseur. Ah bah, ben oui, je les ai lus et relus. D'ailleurs, j'étais en dédicace aujourd'hui non. À Port de Champéret. Ouais. Ah, mais c'est trop tard. Où est-ce qu'on te retrouve les prochains jours, aux semaines? Je sais pas. Ah bah. Bon, t'as un site ou un Facebook Oksana.fr. Oksana.fr, sur voilà. Sur Facebook, sur Twitter. Bah, elle est partout de toute façon. Ouais. Voilà, c'est ça, elle mange à tous les râteliers. Non. Mais si on peut lui acheter quelques livres. Voilà, il y a le prince qui dit on en apprend des choses grâce à Mickaël. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? À quel âge c'est la retraite pour les actrices porno? C'est une question qui a été posée sur le Twitter. Ça dépend. Moi, je n'en fais pas vraiment. Un métier vraiment. Moi, j'ai tourné chez Dorcel pendant un an. D'accord. Sous contrat d'exclusivité. 200 films. Oui. Non, même pas, une vingtaine en fait. J'ai fait une vingtaine de films et je cherche pas à faire une quantité de films, ça sert à rien. D'accord. Et il y a plein de messages qui arrivent, donc la punition la meilleure, a priori, d'après tous les messages qui sont arrivés, ce serait la fessée. Hein. Oui. Enfin, c'est votre fantasme, mais. Ah non, les vrais messages qui sont arrivés, ce serait a priori la fessée. C'est bizarre, mais je ne les vois pas. Dans quoi ils m'embarquent tous ces gens? Ils disent, mais c'est non, ça, non, parce que moi je ne vois pas ces messages. Bah, attends, t'es sérieux ou pas? Mais ouvre tes yeux, t'es sur quel Twitter? Twitter. Non. Ouais, bah tu dois être sur le tien à mon avis. Ah, hein, ça doit être ça. Ouais. Émission, hein, donc moi je vois tu vois plein de messages toi avec la fessée. Mais c'est grave, il y a fessée. Il n'y a que fessée, ça. Hein. Que fessée, ce salopard fessée, soit fessée. Exactement, soit qu'il soit frappé. Introduction dans l'anus, mais ça on va pas le faire parce que c'est on peut avoir des problèmes. Oublions la fessée. Il y a Henri qui propose un coup de pied de talon dans les couilles. Aïe aïe aïe aïe. Oh voilà. Quelle violence. Ça, tu préfères la fessée ou le coup de talon? Je vais prendre la fessée. tu vois quand tu veux, suffisait de dire. Bon, Jimmy, t'es avec nous, le bordelais là, t'es là Jimmy? Ouais. Bon, t'avais une question à poser à Oksana toi? Ouais, je voulais lui demander, après tout ce temps là qu'elle fait des films, elle en a pas marre ou elle a pas mal déjà? C'est parti. Mais vous imaginez ça comment? Juste, j'ai fait une vingtaine de films, je fais du libertinage, je et elle marche toujours occasionnel et elle marche pas en cow-boy. Hein. Non, ouais. Préférez préciser parce qu'il y a peut-être qu'ils s'imaginent que, mais. La performance, c'est pas la destruction, je veux dire, c'est pas fait n'importe comment. Il y a. Alors, par exemple, il y a la dilatation. Quand tu fais dans la performance, tu dilates comme quand tu fais des assouplissements, à part que c'est. Différent. Et comme disait Rocco. Il faut la préparer. Ouais, il faut la préparer. J'adore les préparer en anal. Ouais. C'est comment son ami, c'est Woodman. Il lui demande de préparer avant la scène. Fille, voilà. Parce qu'il aime bien faire ça. Il lui met un doigt et tout. Voilà. Et plein de messages sont arrivés aussi, puisque il y en a plein qui ne voient pas à quoi ressemble Oksana. Et donc du coup, Toff pour mettre dans le livre. Dans son carnet. Alors combien mesures-tu? Mais je crois que j'avais déjà fait. Oui, mais enfin il y a longtemps. Ouais. Alors combien mesures-tu? 1m62. Combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Oh là là, les questions. Ouais, et la taille de mes pantalons que tu as acheté, mais tu n'achètes pas de pantalons, tu me l'as déjà dit. Bah oui, je te l'ai dit l'autre mais fois. Mais je sais bien, tu vois, je l'ai retenu. Ouais. Ah, t'as vu, hein. Donc, Bon, allez, on va dire 36 et on arrête d'en parler. 36. 36, non. 34. Anorexie. Bon, 38. 38. Allez. 38, ouais. 38. Allez, 38. Bon, bah très bien, alors comme. Voilà, on va s'amuser comme les autres. Qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Tu fais en live là? Qu'elle est bonne. Oui, Jimmy. Ah, je voulais. J'ai une idée aussi pour bien faire souffrir Toff. Ah, je te remercie d'avoir appelé. Vas-y, Jimmy. Mais une idée, mais qui va le faire pleurer. Parfait. Bah, très bien. Je suis très heureux alors. Nous t'écoutons. Alors, si vous avez lui épiler les boules à la cire. On a déjà fait ça. Mais tu te rends pas compte, mec, tu t'arrives là, ouais. T'arrives après la bataille. Il s'est déjà fait épiler la raie des fesses par M. Pokora. Les couilles basiques. Mais on garde quand même l'idée, Jimmy. Reste avec nous, bouge pas de là. On va prendre également Nicolas dans quelques minutes. Benjamin, on aura le gagnant aussi pour l'iPad Air qu'on va vous offrir dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission uniquement. facebook.com/mikaelofficiel. On tire au sort dans moins de 10 minutes parmi un liker ou un qui aura partagé. Ou celui qui aura fait les deux, facebook.com/mikaelofficiel, et venez également nous rejoindre et nous ajouter sur le Twitter, hein. Si vous me faites un follow, et eh bien je vous followerai également à mon tour avec plaisir. Donc vous tapez MIKL_officiel. Bougez pas, on revient avec Basto dans quelques minutes. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mikael au 64 900. Sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mikael, nos limites. Nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Voilà, et si vous voulez voir Toff se faire maltraiter, première version seulement du maltraitage, et ben c'est sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. Et vous verrez donc Toff se faire maltraiter. Alors, le problème, c'est qu'avec Facebook, on peut pas mettre des photos très violentes non plus. Je vais en mettre une plus sympa sur le Twitter et sur le Twitter de l'émission. Parce qu'ils sont moins chiants sur Twitter que sur Facebook. Donc je vous en mets une dans quelques minutes sur le Twitter. Vous avez plutôt intérêt à nous ajouter, hein, si vous voulez la voir. Tapez MIKL_officiel. Voilà, j'ajoute une photo un peu plus sympa avec Oksana et Toff dans quelques minutes. Et puis il y aura évidemment la vengeance de toutes les femmes, hein, par Oksana sur Toff dans quelques minutes, hein, c'est ça, hein. Toujours d'accord, Oksana? Attends, complètement, c'est parfait. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, restez bien là, on est en direct sur Fun Radio. Vous toutes et vous tous, évidemment, en live avec tous vos messages. Vous balancez tout ça sur le 01 42 48 5000. Et l'iPad Air a gagné aussi dans moins dans moins de 10 minutes, carrément. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Bonne chance. Là, il y a un message de Petit Niglou aussi qui dit mort de rire, elles font tous du 90C. Bah oui, bah en même temps on va pas s'en plaindre non plus. Hein. Bah non. Bah ouais, il y a un message de Mimi aussi qui dit vous êtes des grands malades, merci d'être présent jusqu'à 2h, je m'ennuie au boulot. Alors ce soir c'est minuit, hein, toute la semaine c'est jusqu'à 2h en revanche Mimi. Et j'ai peur de parler avec le stagiaire. Oui, c'est normal ça en revanche. Célia qui dit ouais, je vous aime grave, il y a Chanis aussi qui dit vous faites vraiment une bonne équipe, bah merci beaucoup. Et puis Thomas qui dit allez hop la fessée, on attend que ça. Et alors Logan qui dit pour faire souffrir Tof, pardon, arracher les poils de la bite à la pince à épiler, larme garantie. Ah, nous gardons ça, nous prenons note. Quelle bon, bande de pervers, nous prenons note, hein. En effet, ouais. Et je tiens à rappeler également donc que je viens de mettre la photo. Alors j'ai mis une photo, parce que c'est sur Facebook, hein, une photo sage d'Oksana et de Tov sur le Facebook. J'en ai mis une un peu plus sympathique sur le Twitter. Donc si vous voulez la voir, hein, celle-là, la hors-série, eh bien vous ajoutez un MIKL_officiel pour nous rejoindre sur le Twitter. Et si vous me faites un follow, je ferai également. De même, Martin qui dit demande à Oksana quels sont ses fantasmes, ça peut être intéressant. Bah, est-ce que t'en as encore ou est-ce que t'as déjà tout fait ou... Faire l'amour sur la lune. Oui, ok, ouais, c'est un truc facile quoi. En soft, j'aime bien faire l'amour sous la pluie, mais bon, c'est plus facile. Oui, ça, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Mais un truc très. À la fois très hot, très. Je sais pas, il y a un truc. C'est une sensation dans ma tête, alors je peux. De quoi, la lune, hein. Ah non, la lune aussi, mais parce ça, c'est que parce que les... c'est pour défier les lois de la pesanteur. Ah oui, d'accord, bah, défier toutes les lois. Hein, parce que... non, j'adore. Parce que là... Et alors, il y a un message aussi, meilleur moyen d'arrêter de fumer, écoutez Mickaël tout en tweetant pour Mickaël, grâce à lui, j'ai pas fumé la soirée. Ah bah voilà l'Auvergnat, c'est bien ça, bravo à toi. Qu'est-ce qu'il y a aussi Jordan qui dit, est-ce que vous avez du piment en réserve? Qu'est-ce qu'ils vont C'est par rapport à Tof. Bon, écoute, non, malheureusement, mais on garde l'idée éventuelle. Christophe qui dit, est-ce que c'est vrai qu'une actrice de X gagne plus qu'un acteur du X? Si oui, pourquoi? Ah, si c'est vrai. Ah bon, pourquoi? C'est bien la seule profession où les femmes gagnent plus. Ah, vous voyez les filles, hein, toujours vous plaindre. Parce qu'on les utilise sur les couvertures de magazines. Ah, d'accord, ouais, comme ça. Elles sont plus célèbres dans cette... C'est vrai. Dans ce monde-là. Dans ce domaine-là, voilà. D'accord. Bon, et Mickaël qui dit, allez, Tof, maltraitez-le. Peut-être certains comme Rocco ou comme Manu Ferrara qui est parti, ouais, par exemple, aux États-Unis et tout. Mais d'accord. Sinon, généralement, c'est plutôt les meufs. Ouais. Bon, il y a un message aussi de Dorine qui dit, j'aurais aimé savoir si liker et partager votre post suffisait pour gagner au tirage au sort du nouvel iPad Air. Merci d'avance. Bah, c'est pas que ça suffit, c'est ce qu'il faut faire surtout. Donc, Dorine, il suffit d'aller faire un like et un partage et puis on fera un tirage au sort parmi ceux-là dans moins de 5 minutes. Donc, facebook.com/mikaelofficiel. Allez-y. Jojo qui dit, pour faire souffrir Tof, faut lui raser tous les poils de la bite, poils de cul, cheveux et sourcils. Ah, vous êtes vraiment dingue. Il y a Siakou des morts de rire de cette émission. Ouais, mort de rire la photo et Megumi qui dit Tof, mais faut pas le faire souffrir le pauvre, faites-le profiter bande de méchants, t'inquiète pas, va. Il a profité ce coup. Et Thomas qui dit putain, la fac a bloqué Oksana.fr. Quel bande de connards alors. Putain, ça, c'est scandaleux. Scandaleux, c'est quoi. Scandaleux. Scandaleux. Et alors, le prince de Kini, c'est rassurant qu'Oksana ait encore des fantasmes. Et bah oui, plutôt, ouais. Et alors, il y a également Nicolas avec nous de Gap. Bonsoir, Nicolas. Salut. Comment ça va? Oh, ça va tranquille, et vous? Bah écoute, plutôt bien, on est tranquille. Tof un petit peu plus, va un peu moins bien parce qu'il va prendre la fessée là. Bah oui, je vais souffrir. Voilà, c'est ça, mais bon, dans l'idée, ça va. Bon, alors, bon, bienvenue à toi, Nico. Tu voulais poser une question à Oksana, toi? Ouais, je voulais poser une petite question à Oksana qui a dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas totalement arrêté le X, que ça se faisait plus au feeling. Ouais. Du coup, je pensais s'il voulait passer par Gap à l'occasion pour dédicacer son livre, tourner une petite scène au feeling si ça passe. Ça a brillé ou j'ai rêvé là? On m'a parlé de X, de livre, de... Non, il a brillé. Gros, un peu de tout en même temps. En fait, il veut signer un livre, il veut bien faire une scène avec toi. Voilà, d'accord. Il veut te pécho, quoi. Voilà. En gros, dans l'absolu, c'est un peu ça, ouais. Mais on peut pas faire un casting là? Ouais. Bah on oui, ça pourrait être bien, ouais. On fait un casting tout de suite maintenant. Bah, voilà. Ouais. Par exemple, à quoi tu ressembles? Moi, je suis plutôt bel homme. Ouais. Non, mais après, je sais que... Je suis plutôt bel homme aussi, je peux le dire au téléphone, ça. Ouais, voilà. Après, je sais qu'elle a pu rencontrer plusieurs. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le calibre et la façon de s'en servir. Je peux pas non plus. Je pense qu'elle devrait juger par elle-même. Et après, elle veut. Ouais, mais ça c'est facile, hein, parce que un mec super mal membré, super moche, ce que tu veux. Ouais, mais elle devrait juger par elle-même. Moi, je pense que Facebook bloque les. Ouais, quelle taille? Oh, un bon vieux 27 cm. C'est dans la moyenne, quoi. C'est 5 cm de circonférence. Mais 27 cm, ouais, bien sûr. On va te croire, tiens. On va dire que ce qui compte, c'est la façon de s'en servir. Ah, donc elle en fait 12. Et demi. Ah là, tiens, là, mais c'est le demi qui change tout. Elle a perdu beaucoup de centimètres. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, elle a fondu, hein, ça c'est réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, elle a fondu. Qu'est-ce que tu veux, comme tout le reste, c'est un drame. C'est ça, je. Bah oui. Bon, écoute, cela dit, tu peux joindre Oksana facilement, hein, Twitter, Facebook, Instagram, son site. Si tu veux voir avec elle, je pense que tu réponds aux fans ou pas, Oksana. Oui, j'essaye dans la mesure du possible. Voilà, parce que Toff monopolise un peu la boîte mail, mais ouais, dans l'absolu, effectivement, elle essaye de répondre. Ouais. Donc voilà, après, rien ne t'empêche de prendre contact avec elle. Oh, bah, y a pas de problème. Par contre, je tiens pas plus de 3 minutes. Ah, ça c'est emmerdant. Ça c'est embêtant. Bah, en même temps, la scène s'est vite tournée. Hein, ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, si t'es bon, note, ça suffit, hein, 3 minutes. Hein, mais si t'es pas bon, par contre. Ouais. Bah, pour écoute, un film, en tout cas, c'est pas possible. Ouais, pour un film, c'est un peu ledge, hein, 3 minutes. Tu passes plusieurs plans et tout. Ouais, bah, on va recommencer. Ah, bah, je peux pas, là, c'est terminé. Oui, mais elle est pas dedans. Oui, bah, écoute, on restera demain, hein, si tu veux. Oui, bah, écoute, écris-lui et puis tu nous tiens au jeu, hein, c'est le cas de le dire. Ça marche, je vous tiens au courant, je vous rappelle. Bon, ça marche. Et on veut voir la vidéo, tu nous l'envoies. Hein. Ouais, je suis curieux de voir les 27 cm, moi. Ah oui. Bon, bah alors là, on veut vérifier. Bah oui, bah. Et bah pas de problème. Bon, bah salut à toi en tout cas, à bientôt, Nico. Salut, à bientôt à tous. Ciao. Salut. Il y a Quentin qui dit Mickaël, il suffit juste de montrer son propre reflet sur un miroir pour faire souffrir Toff. Et Jérémy qui dit vous êtes vraiment géniaux, toute l'équipe. Est-ce que tu peux m'envoyer mon message de bienvenue avec le Corse, s'il te plaît? Merci à toute l'équipe. Ah, en plus, t'en veux un. Particulier toi, alors attends, j'en ai un, tiens. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh oui. Espèce d'enculé, va. Voilà, toujours très sympathique. Et Moms qui dit tu viens à Chamon où je te cherche par les fesses. Oui, on va réfléchir pour Chamon, hein. Et puis Marceau aussi qui dit mon message de bienvenue, s'il te plaît. Au fait, quand est-ce que vous venez sur quand? Bah écoute, on va voir pour quand, mes petits messages là. Je t'encule, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, petit message de bienvenue. Bon, est-ce qu'on peut avoir la vengeance sur Toff là? Tous les auditeurs demandent sur la demande. Fichée. N'est-ce pas, Benjamin qui est avec nous également là? Benjamin. Oui. T'aimerais bien que Toff se fasse maltraiter par Oksana? Bien sûr, il faut. Bah, il faut le finir. Bah, évidemment, oui, voilà, c'est ça, c'est minimum syndical à faire. Hein. Ah, oui. Et toi, JB, toi aussi, t'aimerais bien que Toff se fasse maltraiter? Ah non, mais là, c'est Nico, il m'a fait triper. Alors, je me disais 27 cm, ça doit être quand il a plié en deux, en fait. Ah, mon avis, ouais, et encore. Ouais. Bon, JB, est-ce que Oksana doit maltraiter Toff? Oui, j'imagine, évidemment. Ah, bah, carrément, quoi. Ah, mais moi, j'ai une question pour Oksana, par contre. Carrément, ouais, bah, vas-y, JB, alors, en speed. Je sais pas si elle est vraiment judicieuse, mais je me doute que oui, mais peut-être que non. Est-ce que tu as pratiqué le Kamasutra entièrement? Non, en fait, elle est vierge, il faut le savoir. Elle n'a jamais couché avec un mec. Sutra, c'est les enchaînements du Kamasutra, en fait. C'est le mec, il ne doit pas sortir son sexe de la femme et vraiment enchaîner les positions. Oh, c'est bon, ça. Ouais, j'ai fait une démonstration à la Tour Montparnasse. La toupie japonaise. Ah, une soirée étudiante de commerce. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah, c'était bien, ouais. Ah, c'est vrai? Et drôle, ça. Ouais. Ah bah, tu vois, ça tombe bien. Eh ben, tu nous invites tous, et puis comme ça, Fajer. Oui, c'est ça, voilà, pourquoi pas. J'aimerais bien le faire dans un film, d'ailleurs, montrer un peu comment ça marche et tout. Ah, tu pars pas le nord, mais c'est difficile de le faire dans un film porno. Parce que c'est. Oui, il faut refaire les prises, tout ça, c'est compliqué. Non, c'est pas ça, c'est que le porno, on fait des prises détachées, ils veulent la performance uniquement. D'accord. Donc c'est plus difficile de l'intégrer dans un scénario, quoi. D'accord. Mais sinon, je trouve ça super et original, ça change, parce qu'on voit toujours les mêmes choses. Ah oui, ça, le coup du plombier, c'est pas comme ça. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand ils refont les scènes, mais tu sais qu'ils les montent mal. C'est-à-dire que la meuf, elle est dessapée, puis la semaine d'après, et hop, la nouveau sautif. Oui, ouais, il nous voilà. Ouais, c'est bon, et Roger, de toute façon, on s'en branle, on n'est pas dans le détail. Hein, oui, c'est pas ça que les gens regardent. On va pas recommencer tout le montage, là, juste parce qu'on s'est gouré. Hein, ça va. Bon, JB, oh, JB, reste avec nous. Oksana va frapper Toff. Enfin, comme il se doit. Non, la fessée, là. Tout de suite, je te le dis tout de suite parce que là, ça m'excite. Donc, c'est pas bon. Ah, très ah, bien. Bah, d'accord, très mais bien. T'es excité par Oksana ou par Toff? Oh. Ah, bah là, c'est toi qui viens de m'exciter. Si je te dis tu m'excites, tu, c'est qui? C'est toi. Qui? Moi, Ah, je suis pas biche, je te rassure. Mais c'était pour te taquiner, mon petit. Ah, d'accord, non, mais c'était pour être sûr parce que je voulais savoir si c'était Oksana ou Toff, puisqu'on l'a dit que c'était Toff qui allait prendre la fessée. Eh ben, c'est Roxa Toff. Voilà. Très bien. Alors, parfait. Bon, allez hop, allez. C'est parti pour la fessée. Toi, évidemment, Polo va prendre la photo, bien entendu. Si elle est montrable, je vous la montrerai sur Facebook. Si elle ne l'est pas, évidemment, je vous la mettrai sur le Twitter de l'émission. Attends, une seconde. Attends. Qu'on mette le micro et qu'on entende les qu'on entende la claque, qu'on entende tout bien comme il faut. Voilà. Voilà, attention, je coupe tout. Voilà, attention. Voilà. Ça va faire très mal, je le sens déjà. Alors attention. Et on remercie qui aussi également? Toff, passage du... Passage du désir.fr. Vas-y, Oksana, à fond de balle. Oh, là ça va, là ça non, va. Non, vraiment, vraiment. Ah ouais. Ah bon, ça va, arrête, t'as rien là. Attends. Fais attention là, parce que tu vas te faire mal là, t'as plus par là. Ouais. Attends, bouge pas parce qu'il change de côté. Ah oh, ça, la c'est violence. Polo, ça c'est Polo. Ah, oh putain. Attends, mais putain, elle a plus de force que lui, hein. Mais non. Si, je te jure. Mais elle a rien. C'est pas vrai. Attends. Attends, elle tape comme une brute. Attends, vas-y. Ah ouais. Oui, c'est bon. Ah, mais c'est voilà, et juste pour remercier Passage du Désir. Passagedudésir.fr. Voilà, c'est pour essayer avec leur machine pour voir si ça marche bien. Ça marche très bien. Ouais, ça marche bien, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. On mettra les photos dans quelques minutes sur le Facebook, vous allez pouvoir voir ça sans problème. Il y a Thierry qui dit aussi pour faire souffrir Toff, faut lui mettre du parfum ou du déo sur sa bite. Non, ça va aller, j'ai la fessée, c'était déjà pas mal. Et il y a Megumi qui voulait savoir s'il y avait une formation maquilleuse du sexe. C'est comme t'as dit qu'il y avait certains c'est vrai, qui se faisaient maquiller. Bah oui. Non, bah disons que c'est des maquilleuses normales. D'accord. Mais voilà, elles sont obligées des fois de se rapprocher. Un petit peu. Bah oui, tu maquilles le visage. Bah oui, c'est ça, tu peux maquiller tout. La poitrine, tu peux maquiller aussi le sexe. D'accord, normal quoi. Bah ouais. Bah oui, normal. Bon, logique. Et bah voilà, Benjamin, encore une question éventuellement posée. Ouais, je voulais savoir si elle avait déjà eu du plaisir à force de tourner. Oh là là. si j'avais du plaisir à force de tourner, mais le... Mais ouais, à force de tourner, c'est comme tu dois... si, je sais pas, par exemple, si tu tournes un film où tu dois pleurer, tu vas devoir te mettre en condition, penser à des choses tristes. Bah moi, c'est pareil, sauf que c'est du plaisir. Donc oui, je prends du plaisir, voilà. Évidemment. Mais c'est chouette. Encore heureux qu'elle en prenne oui, du plaisir. Bah, ça serait dramatique. T'imagines, elle se ferait chier, là. Non, on essaie, ouais, le plaisir, ça vient. En fait, on le trouve, on apprend à le trouver. Voilà, en toute simplicité. Il n'y a pas des fois où tu n'as pas eu du tout de plaisir ou quoi? Mais il y a un film que je n'ai pas aimé, mais je l'ai fait savoir, j'en ai parlé dans les magazines et tout. Mais sinon, j'aime être sincère dans mon jeu, en fait. Voilà. C'était beau. Oh, c'est beau, la sincérité. Oui, c'est beau, effectivement. Oui. Bon, ben voilà, Benjamin, désolé. Et je peux passer une petite dédicace. Alors, ou vas-y, on speed là, parce qu'on est déjà à la bourre. Là. Ouais, mais à Lulu, Alex, Brian et Cyril, aïe. Non, voilà, ce sera tout. Très bien. Eh ben, message passé alors. Ouais. Salut à toi, Benji, à bientôt. Allez, merci, ciao, bonne soirée. Bon, désolé à ceux qu'on n'a pas eu le temps de prendre. JB, tu pouvais parler d'autre chose, mais on t'appellera demain, du coup, si tu veux, d'accord? Ouais, si c'est possible pour moi, pas de soucis. Oui, bah tu vois avec Sandro, on gère, c'est pas demain, c'est après-demain ou dimanche prochain, on est à la cool, hein, t'inquiète. D'accord? Okay. Bon, ça roule. Désolé JB, on te repasse Sandro au standard, y'a pas de problème. On va se faire le gagnant de l'iPad Air également et le top tweetos avant de dire au revoir à Oksana. Le top tweetos, donc les meilleurs auditeurs, quels sont les 5 puisqu'on fait le top 5, quels sont les 5 auditeurs les plus influents avec le hashtag et Mickaël ce soir, en ce dimanche, pendant les 4 heures de l'émission. Attention, avant de laisser la place évidemment à Party Fun tout à l'heure, ne bougez pas de là. Ça y est, c'est bon Toff? Oui. C'est bon. Alors le numéro 5. Alors le numéro 5 c'est Rit 3R. D'accord, très bien. Numéro 4, Le Prince Nadia. Le Prince Nadia qui est une habituée. Numéro 3, Morgan 88S. Très bien, qui est une habituée également. Numéro 2, tu veux pas que je te donne le 1 d'abord? Non, numéro 2, Let's Be Free. Non, qui a perdu sa première place. Ouais, mais ça se joue à rien. C'est... Ouais, bon, enfin, elle l'a perdu quand même. Et numéro 1 Storm Dreamer. Storm Dreamer, qui est numéro 1. Bah bravo, c'est bien. Le meilleur auditeur de la soirée, Storm Dreamer, en tout cas sur le Twitter. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été aussi nombreux à balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël également. Merci à vous d'être, d'avoir été plus que plus de 8000 d'un coup ce soir à nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Faites encore passer le message, évidemment. Demain, on aura encore des Xbox One à vous offrir avec le jeu Call of Duty Ghost. Et puis, bah justement, le gagnant de l'iPad, on va le prendre maintenant. C'est parti. Si la personne qu'on appelle tout de suite décroche, le principe du jeu est simple. Hein. Sur le Facebook, on vous envoie des messages privés pour vous demander votre numéro. Si vous répondez, évidemment, on vous rappelle. Parce qu'il y en a qui répondent, mais avec 6 ans de retard. Oui, parce qu'ils ne regardent pas dans autre. Voilà. Ou ils ne regardent pas tout de suite. Allô. Donc, allô, bonjour. Oui. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors moi je m'appelle Yvan. Très bien Yvan, sois le bienvenu Yvan. Tu t'es inscrit sur le Facebook pour choper l'iPad Air. Paraît-il, oui. Eh ben paraît-il. Eh ben voilà, eh ben l'iPad Air il est pour toi, il est sorti. Il est sorti vendredi. Ah là mais comme c'est férié du coup il est sorti samedi. L'iPad Air, bravo à toi Yvan. Oui, mange je t'en prie. Salut Yvan. Ben reste là, je te repasse Sandro au standard. Merci Mickaël, merci. Salut. Allez, ciao à toi. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Et puis évidemment, donc l'Xbox a gagné dès demain. Et enfin encore demain, puisqu'on vous en a déjà filé une tout à l'heure. Et puis Oksana, merci beaucoup d'être passée en tout cas. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Ben voilà, très bien. Bisous à tous les autres. Tu m'as un peu déçu, t'as pas frappé Toff assez fort, mais bon, c'est vrai. Je te jure, je le sens encore. Je mets une patate dans la gueule. Ah non mais franchement elle a frappé super fort. Mais je sens encore. Mais tiens vas-y essaye toi là. Mais moi c'est pas moi qui me la ramène aux hommes. Mais moi je baisse tout le monde, je fais ci, je fais ça. Ça n'a aucun rapport. Bla bla bla, je fais des trucs SM, bla bla bla. Ça n'a aucun rapport. Et après on lui souffle le cou. Tu fais des trucs SM comme ça. Bien sûr. Tu vois. Et après on lui souffle dans le cou. Ça grimpe les tétons. Mais oui, attends, n'importe quoi. Oh, je te jure. D'ailleurs, il participe à cette grande émission qui a été diffusée sur M6, là, je sais pas si tu te souviens. Comment ça s'appelait encore C'est pas sur M6, c'est sur France 3, La Fistinière. La Fistinière, c'était sur M6. Hein. Si, je t'assure. Alors, il a peut-être trop passé, mais en tout cas, sur M6, je l'ai vu. Ouais. Je sais pas, parce que la dernière fois, je t'ai dit c'est sur M6, tu m'as dit c'est sur France 3. Ah non, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais c'est sur M6. Donc, La Fistinière. Tu connais pas La Fistinière? Non mais ça. Mais je t'enverrai le lien, tu verras, c'est pas mal. N'oublie pas, hein, avec plaisir. Bah, t'inquiète pas, et donc il fait partie de ça, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Bon bah merci en tout cas Oksana, on te retrouve sur le site, hein, oksana.fr, Facebook, Twitter, Instagram, elle est partout. Voilà. Merci magnifique. À vous. En toute simplicité, avec grand plaisir. Bon, tu vas chanter avec nous le générique de fin. Ah est-ce bah que oui. Tu connais South Park? Oui. Bon, parfait. Eh bien, c'est notre générique de fin. Alors attention, on y va. Attention. 3, 2, 1, il est prêt, Polo? Il est prêt. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Les bites doivent te sucer, toi l'enculé. Vas-y, culeur. Cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Vous êtes un imbécile. T'es un enculé. Mire. Oh, enculé. Il est timide. Mais oui. Bah, il connaît pas. Et Oksana qui dit, mais où est-ce que je suis tombé? Ils sont complètement cons. Allez. Vous êtes un imbécile. Bah oui. Vous êtes un imbécile. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes un imbécile. Ah bah, t'en fais là. Ah bah oui. Ce canadien. Allez, attention, c'est parti, la finale. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bout des vif-tof se sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur. Et toi t'es un enculé. C'est un enculé. Ouais. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Et voilà, merci Lilou qui même quand elle ne travaille pas est là et ça c'est beau juste pour quel talent le petit final en tout cas. Merci beaucoup. Bon ben gros bisous Oksana, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, t'es la bienvenue, pas de problème. Merci. Et puis à très vite j'espère. Eh ben écoute oui certainement, aucun problème. Et puis bah Toff te réinvitera de toute façon comme il l'a fait la première fois. Hein. Super, bien comme sûr. Ça on fera plein d'autres défis. Ouais, bah, oui. Voilà. Et la prochaine fois tu viendras un peu plus tard, il pourra faire encore plus de choses. On va lui agrafer le cul la prochaine fois. Ça va être bien, ouais. Ah oui, on va être chouette. Bon allez, bon courage à ceux qui reprennent les cours demain, merci d'avoir écouté jusqu'à minuit et passez une bonne nuit. Hein. On se retrouve demain dès 23h en pleine forme sur Fun Radio. Et puis c'est Party Fun qui va débouler sur Fun Radio. À demain, 23h avec encore des Xbox One. Passez le message autour de vous dans votre bahut, au travail ou à l'école, peu importe, on est là demain 23h, 2h toute la semaine et 20h minuit tous les dimanches soirs. Merci aux auditeurs d'être venus également là. Et demain il y a école là, qu'est-ce que vous allez foutre là? Pourquoi vous êtes encore là? Là bah on s'en fout, de toute façon on est tout le temps comme ça alors. Ah bon bah d'accord, ok, très bien. Bon bah parfait, bah merci à vous d'être passé, vous revenez quand vous voulez hein. Bah y'a pas de soucis hein. Très bien, et pour faire chier Sandro, vous allez la voir, elle va vous filer un pack. Ok. Voilà, elle va prendre vos coordonnées cool. maintenant, comme ça elle vous enverrait ça, vous okay. aurez ça rapidement. Merci. Allez, bon bah, ça, bah tu reviens quand tu veux, y'a pas de problème. Allez, salut à vous. Et à demain 23h, ciao. Nos limites. Mickaël. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio.